C'est parti sur Skyrock, c'était Justin Timberlake et Can't Stop the Feeling. Ils sont de retour en direct, Difool. C'est un bronzage classe un peu que j'ai. Classieux. C'est exact. La classe, c'est le bronzage des vacances. Je suis mes UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est ça. Il est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Oh, ouais. Cédric. J'ai un t-shirt croix rouge, c'est pourquoi. C'est drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Mortel pour les yeux. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi je brille. T'es brillant tellement, t'es bronzé, c'est impressionnant quoi. Oui, tu es luisante. Voilà. Samy. Moi j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Ouais. Mais, c'est... Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, les là en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool. Seulement sur Skyrock. Et ouais, tranquille jusqu'à minuit, c'est parti. Salut tout le monde. Bonsoir salut, à toute l'équipe. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. D'abord, hein, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ce qui n'est pas le cas, c'est qui le message que j'avais vu, la Mehdi Junior. Ah non, c'est pas Mehdi Junior. Angélique. Ah Angélique, oui, c'est elle qui a passé une journée de merde. Elle. Il y a Théo Peps aussi. Ouais. Ah oui. Il y en a plusieurs merdes. Ah oui, alors Angélique, je suis dégoûté, on m'a volé ma valise avec un maillot Skyrock du côté de Limoges. Vous pouvez en avoir un autre. Pas mal. Elle est dégoûtée. Pas mal l'idée pour récupérer un t-shirt Skyrock gratuit, pas cher. Ouais, bonne technique, ouais. Angélique. Et c'est qui aussi qui avait passé une journée de merde là? Il y a Théo Peps là, content de vous retrouver après une journée de merde. Ah c'est lui, bonjour Théo. Salut Théo Peps qui vient nous envoyer un message. Vous aussi vous pouvez nous envoyer des messages tout au long de l'émission. On salue le Tug du 51, bonjour le Tug. On salue Calvin du FC Nantes, bonjour Calvin. Salut Rémi, salut Donald Trump qui nous écoute, dis donc. G-Unit, les Américains sont là ce soir. La télé de Romano, tiens on va en reparler. La télé de Romano qui nous envoie un message, la toute nouvelle j'imagine, hein, celle que tu as achetée. Je suis impatient de savoir. 699 euros. Ouais c'est ça, C'est ça, j'ai le prix juste. T'as une réduction réduc ou pas hier? Parce qu'hier il a fait une pub à Darty pour avoir une réduc, un truc hallucinant. Attends, celui-là je me réveille en fait. Ah, bon réveil Romano. Il se prépare pour le morning de lundi parce qu'il sait qu'il va faire une émission un petit peu au réveil. Il s'est dit tiens, je vais tester ça dans la radio libre ce soir. N'oubliez pas le retour du morning, c'est lundi matin entre 6h et 9h sur Skyrock. Et préparez-vous parce qu'on vous a préparé une semaine de fou et notamment dès lundi, 1500 euros à gagner. Alors non pas toutes les heures comme on fait d'habitude, mais toutes les demi-heures pour vous. Donc ce sera lundi pour le grand retour du morning en direct. La grande rentrée de Skyrock en direct lundi matin sur Sky entre 6h et 9h. Préparez-vous. Ce sera pour vous. Bon, avant ça, on a plein de choses à faire. On a déjà la semaine à finir. On est que mercredi. Et il fait chaud, hein, comme vous nous le dites sur les messages. Ah, là, il fait chaud. Ah, il fait chaud aujourd'hui, hein. Ah, les gens sentent la transpi. Moi, je baladais dans la rue. C'était magnifique. Par contre, les meufs, elles sont habillées bien courtes. Ah, quand je disais c'était magnifique, je pensais exactement la même chose que franchement, toi. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Vive la chaleur, vive la canicule. Et là, il ferait bien de rester habillé, mais bon. Oui, oh, tout le monde peut se mettre à l'aise. C'est vrai. Bon, vos messages au 41-759 sur l'appli Skyrock aussi. Vous nous envoyez ça tout au long de la soirée. Vous faites péter vos messages, vous nous laissez tout ce que vous voulez, vous réagissez à tout ce qui se dit dans l'émission. Et si vous avez besoin de nous, vous nous demandez absolument ce que vous voulez. Jusqu'à minuit, tout est possible. C'est comme ça que ça se passe tous les soirs sur Skyrock, dans la plus grande radio libre de France. Vous avez entendu toute l'équipe, on n'a pas entendu Cédric, dis donc. Si, si, je dis bonjour. Ah ouais, alors il y a les filles qui se mettent en mini-jupe, mais il y a aussi les gars qui se mettent en short. Alors ça, c'est pas beau à voir. Hein. Bah, il fait chaud, on se met en short. Ouais. Ah ouais, je vois en ça. Shorty aussi. Bah, en shorty. Ah, mais t'as un bouton sur la cuisse. Ah oui, mais il a des boutons partout, même sur les jambes. Le mec, il est couvert. Un bouton de moustique, avec un point blanc dedans, Cédric. Les moustiques font du pu maintenant. Non, non, j'en ai partout des boutons. Plus séduisant que jamais, donc Cédric en short ce soir avec ses jambes boutonnées. Oui, c'est magnifique. La Marie, t'as pas mis de mini-jupe, la Marie? Non, non, moi je C'est un beau décolleté, pardon. Ça mis non plus, t'as pas mis de mini. Non, ça va, short. Dommage, dommage. Un décolleté entre le nombril, c'est pas mal. Ah ouais, Marie, ouais. Ah ouais, il plonge le décolleté. Ah, ok, il plonge. Il faisait tellement chaud, si tu veux. Ah bah, t'as raison, Marie. Mais mets-toi seins nus, là, si tu veux. Non, peut-être pas quand même. T'as si chaud que ça. On est entre nous, hein. On est tous ensemble sur Skyrock. On est entre nous, on s'en occupe. Non, mais il fait chaud, c'est mieux. Bonjour, Karim. Salut, les man. Moi, je suis en shorty, ouais. En shorty. En shorty. En tanga. Voilà, une équipe, ambiance été, c'est normal. C'est la radio libre de l'été qui continue jusqu'à vendredi. Avant notre grande rentrée de lundi, vous le savez. On est en direct, donc vous pouvez nous appeler. Allez-y. Il faut que je fasse une dédicace à qui? À Maxime. Ah bah c'est fait. Voilà, Maxime, merci pour ton message. Et on salue donc tous les autres. Vos messages défilent. Vous débarquez ici. On va parler de ça dans un instant parce que j'ai Sandra, 19 ans, qui nous a envoyé un message juste avant l'émission. Eh ben je suis tombé dessus. Merci pour la petite photo de tes seins. Enfin, la grosse photo de tes seins. Ah ouais, en général, c'est une grosse photo au niveau des seins. Bah, j'y vais. T'es à poil? Non, mais on voit très bien l'état de tes seins, Sandra. C'est pas mal, hein, vraiment. Donc, Sandra et c'est ça, on en reparle dans un instant. On a Abdel au téléphone avec nous. Alors on nous a dit qu'Abdel était dispo 30 minutes, donc on va vite le prendre. T'es là Abdel? Abdel qui adore Skyrock, il écoute Skyrock à fond la caisse. Salut Abdel. Ouais non c'est bon, j'ai enlevé, c'était dans ma voiture. Dans ta voiture, en direct de la voiture. Vous pouvez nous appeler de partout, hein, de votre chambre, de la voiture, de la piscine si vous y êtes encore. Évidemment. Du bord de la plage si vous êtes en train de combatter sur la plage. Dans la voiture c'est bien si t'as la clim. C'est vrai Marie, ouais. C'est vrai que c'est pas clair. Ouais c'est ça la clim. Ça sent moins mauvais. C'est clair. C'est vrai. Abdel, donc toi t'as 20 ans. C'est ça? C'est ça, ouais. Très bien. On va commencer avec une histoire de couple. Les couples qui nous écoutaient, ou si vous êtes déjà accouplés, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette histoire. Tu vas nous expliquer tout ça, Abdel. On prépare Bruno de Paris aussi qui arrive dans un instant. Et puis vous tous de toute la France, vous pouvez vous aussi débarquer ici. Allez-y, faites-nous péter tout ça. Et bien sûr, je vous l'ai pas dit, mais vous le savez, ce soir, il vous en parlait hier, la revanche du clash de lundi. Eh ouais, c'est vrai, ouais. Le clash de l'été, ouais, des vacances. C'est parti, là. L'avant-dernier clash de l'été, des vacances, c'est ce soir sur Skyrock. Eh ouais. Cédric contre Romano. Et donc, Romano, tu voulais que je rappelle les résultats de lundi, tu avais gagné. Ouais, lundi, ouais, je l'ai piné, ouais. 53-47. Ça va. Bah, je t'ai baisé quand même. Hein. Ouais. T'appelles ça comme petite victoire. La revanche, c'est peut-être pour aujourd'hui. Préparez-nous des méthodes qui déchirent. Allez, on compte sur vous. Et puis, les familles du double appel aussi, on va se les préparer. On va les mettre en contact pour voir un petit peu comment ça se passe en cette fin de vacances chez les familles de France. Donc un programme chargé et puis tout le reste c'est surprise. Hein. Et Abdel pour démarrer. Alors Abdel, comment ça va dans ton couple Abdel, dis donc? Ah bah écoute, je sais pas si ça va bien ou pas. Oui. Moi je peux déjà parce que je sais à peu près, on m'a dit 2-3 trucs au standard, je me suis renseigné sur ton cas Abdel. D'après ce qu'on m'a dit, je dirais plutôt que ça va pas super. Pas du tout. C'est bah, pas super, c'est clair. On va dire bah, pas super. Écoute. Après, à vous de juger, écoutez bien. Alors voilà, bon, moi, ça faisait 3 ans et demi que j'étais avec une meuf. Bon, alors déjà, vous voyez, ça va pas super. Déjà, il n'en parle au passé. Enfin, l'imparfait. J'étais. Ça faisait 3 ans et demi. Dis-moi, là, je suis toujours avec elle. Tu vois, je suis toujours avec elle. Mais le truc, c'est quoi? C'est que, t'as vu, moi, je l'ai déjà trompé une fois. Elle l'a cramé et tout. Elle a réussi à pardonner. Alors, attends. Mais comme, déjà, comment elle a fait? Déjà, si vous trompez votre meuf, les gars, écoutez bien, ça peut vous servir. Comment ne pas se faire choper? Alors, toi, comment tu t'es fait choper? Ah mais moi comme un bleu, j'ai laissé un t-shirt de la meuf que j'ai baisé chez moi, elle est venue chez moi, elle m'a donné. C'est sûr, je sais pas combien tu mesures Abdel, sûr que si c'est un petit. Moi je fais 1m85. Voilà. Je suis assez grand. Un petit débardeur noir, tu vois, c'est pas pour moi. Voilà, si c'est un petit débardeur noir taille S fille. Ouais, puis si t'as pas de sœur par exemple qui aurait pu dormir chez toi, t'es mort quoi. C'est vrai. Ouais, bah surtout j'ai pas de sœur, tu vois, chez moi on est 4 garçons. Voilà, c'est ton mal. Bah tu peux dire que c'est ton petit frère. Il s'est habillé avec des débats en noir. C'est la meuf à ton petit frère par contre. Mais tu vois, c'était dans ma chambre et ma chambre elle est fermée à clé. Mais ça a été une bonne idée. Ouais, bon, en gros, ta meuf est pas conne et donc elle t'a chopé. Elle a cramé. Ça arrive. Voilà, et tu vois, je sors avec une meuf qui est plutôt du genre FBI et qui me remonte sur des trucs d'eau que. Elle te remonte sur des trucs, même moi j'avais oublié, tu vois ce que je veux dire, et elle m'a remonté des trucs, elle a su quand j'étais avec elle, pour te dire, elle me géolocalisait avec mon iPhone, et une fois elle m'a envoyé un message en me disant ouais t'es au McDo avec une meuf. Elle est très forte. D'ailleurs, je suis toujours avec elle, tu vois, mais pour en venir à l'histoire, tu vois, c'est que je suis parti à un festival, je suis parti 3 jours, tu vois. Et pendant les 3 jours du festival, tout allait bien. Apparemment, je la manquais, machin et tout. Elle me disait ouais, tu me manques, machin. J'ai envie de te voir. Moi, c'était pareil et tout. Je suis rentré et je lui dis elle était un peu distante, un peu proche, tu sais. Et j'ai trouvé ça chelou. Je lui dis qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Et elle voulait pas me dire machin et tout. Et j'ai pas 2-3 jours après le festival, elle me dit écoute, voilà, je veux qu'on fasse une pause, je veux qu'on fasse un break, machin et tout. T'as vu? Bah moi, écoute, je prends pas super. Je lui dis mais attends, mais il y a 2-3 jours, tout va bien. Là, tu me dis qu'on fasse un break, je sais pas, tu me fais passer du chaud au froid, je comprends plus trop. Mais pendant le festival, parce que tu nous as pas dit, parce que peut-être que tu fais comme avec ta meuf, mais pendant le festival, il s'est passé un truc, tu l'as trompé. en fait, je l'ai pas trompé pendant le festival, mais si tu veux, moi tu vois. Juste après. T'as rencontré quelqu'un, ouais. Non, en fait, le truc c'est que moi tu vois, je suis mécanicien, tu vois, je suis parti à un festival qui s'appelle les Volkswagen Days, tu vois. Les Volkswagen Days. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré une meuf, mais tu vois, il y avait vraiment aucune intention de la niquer ou de la gérer, tu vois. Et je suis revenu avec son numéro, tu vois, son numéro, son Snapchat et tout. En fait, ma meuf, ça, elle l'a cramé. Mais je lui ai dit, tu vois, il y a aucun souci. Oui, il y avait rien de sexuel avec cette meuf, quoi. Non, il y avait juste un numéro que t'as récupéré d'une meuf que tu connaissais pas. Donc, forcément, ça peut lire avec elle. Il y a le message de Emma, là, qui nous dit. Ouais, c'est vrai, je comprends que ça aurait pu, tu vois, lui éveiller des soupçons et tout, mais tu vois, je lui ai dit, tiens, on appelle la meuf, je lui ai dit que j'avais une meuf, machin et tout, enfin bref, rien n'y faisait. Elle s'appelle pas Emma, ta meuf, par exemple, Abdel, parce que là, j'ai le message de Emma qui me dit, bien fait pour sa gueule, j'ai chopé mon mec aussi, comme ça. Allez, hop. Ouais, mais elle, tu lui diras à Emma que, comme ce que je disais à Emma. Vas-y, dis-lui, elle t'écoute. Un gars, c'est con, ça trompe, tu vois, ça trompe, mais contrairement à une meuf, un gars, du moins pour moi, moi, je l'ai trompé, mais il n'y avait aucun amour, tu vois. C'était juste pour niquer. Ouais, ça va, je suis d'accord avec toi. Proprement. Ouais, exactement. Tu touches pas aux sentiments, c'est juste la bite. Que les sentiments. C'est pas de sentiments, que des sentiments. Je te jure, c'est pas. Pour moi, je vois la chose comme ça, tu vois. Il n'y avait aucun sentiment. La meuf, des fois. Mais je te comprends, mais parce que c'est à ta meuf. Elle m'appelait, je ne le répondais pas, tu vois. Elle me disait, ouais, je suis mal, parce qu'elle avait des embrouilles avec ses parents, je sais pas quoi. Enfin, du moins, tu vois, je la calculais pas. Moi, c'était juste. Je faisais mes affaires avec elle, mais sinon, ça allait jamais en aucun cas devenir ma meuf ou je sais pas quoi, tu vois. Moi, j'avais aucun sentiment. J'espère que tu lui as pas donné cette excuse parce que ça a dû l'énerver grandement. Ouais, moi, je suis un mec, je peux baiser. Non, je lui ai pas dit que c'est juste pour tirer un coup, ça engage à rien, c'est surtout tout. Qu'elle a l'air assez jalouse, je pense que mais j'aurais jamais dû faire ça. Et tu sais quoi, alors d'aujourd'hui, c'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte de la valeur qu'elle a, tu vois. Au final, elle t'a. Bon, tu mérites des violons et c'est tellement triste cette histoire. Sentiment ou pas, nous dit Otine, c'est quand même un enculé. Allez, hop, c'est fait. Un message. Ah ouais, mais je suis pas le seul, je suis sûr que je suis pas le seul. Putain. Non, mais il y a aussi des meufs qui trompent leur mec et qui se sont pas fait choper. Nous, on est plus malines. Mais non, mais c'est ça, quand tu trompes, au moins tu fais gaffe, tu clôtures tout autour. Il y a Maëlle, 2LE, qui nous laisse un message et qui nous dit qu'elle, elle a trompé déjà son mec, il s'en est jamais rendu compte. Le con, elle rajoute. Sympa. Eh bien, on le salue, il y a beaucoup d'amour dans ton couple, Maëlle. Si vous avez d'autres messages à nous laisser, c'est au 41759. et sur l'appli Skyrock. Et une excuse pour tous ceux qui ont trompé ou toutes celles qui ont déjà trompé. Si vous faites choper, vous expliquez que tromper une fois, c'est juste pour comparer et se rendre compte qu'elle est vraiment super. Ouais, bien sûr, t'as raison. Tu peux lui dire ça. C'était juste pour comparer, pour voir. Et au final, j'ai bien eu raison parce que je me suis rendu compte que t'étais quand même super, ma chérie. Ouais, c'est ça. Toi, t'es la meilleure. Ouais. Et imagine que l'inverse se produit. C'est une question qui t'est posée là. Steph du 22. Le truc, ce qui s'est passé, voilà, pour en revenir, elle était distante. Elle m'a dit voilà, et je pense que c'est le fait que j'ai ramené un numéro qui l'a fait un déclic, je sais pas quoi. Ouais. Et elle était distante. Elle m'a dit je veux faire un break. Enfin bref, pendant, tu vois, moi je suis Uber. Donc pendant 2-3 jours Non, tu es Abdel, toi. Ah là là. Tu es Abdel. T'as qu'à table. C'est du niveau de technique. Oui, là à force de trop le côtailler, peut-être qu'il me déteint dessus. C'est ça. Méfiez-vous, petit, dans l'année, j'ai. On l'aime bien, Cédric. C'est l'année, je multiplie mes mentons et que je me retrouve avec 4 mentons à la fin de l'année. Et un ventre énorme. C'est qui? Oui, c'est ça. Ah ouais. Ouais, et donc pour. Non, mais vous tuez dans ce cas-là. Non, mais je sais pas, amenez moi à l'abattoir. Non, beau gosse. Oui, tu vas t'en rendre compte. Non, mais si un jour j'ai 4 mentons et puis le bide de Cédric, je vous dis, à l'abattoir directement. Oh, t'imagines? Mais non, t'inquiète, beau gosse. Ah non, ça tirait bien, peut-être. Eh, allô? Ouais. Ouais, sans charrier, j'ai vu des photos de Cédric hier quand il était jeune, il a très changé. Ah, il a changé. Non, mais tu sais qu'il est pas vieux, hein. T'es avec quelques kilos en moins. Je sais pas, mais il a pris cher. Je dirais même, il a pris dans la gueule. En 2-3 ans, j'ai pas que dans la gueule, a priori. Non, mais là, je vais m'y mettre sérieux, tu vas voir, mon pote. Ah ouais, mais dis-toi, Cédric, mais je suis que pour Romano, classe, quoi. Ouais, bah, voilà. C'est réglé. Moi, je suis resté beau gosse. Depuis toujours. Ouais, Romano. Avec moins de cheveux. Jamais changé. Voilà, c'est vrai qu'il a pas de cheveux. Ouais. Il a des dents moins aussi. Non, je les ai encore. C'est la semaine prochaine pour moi. Ouais, mais sans. Allô. Et donc ta meuf, est-ce qu'elle a fait un break Volkswagen quand elle a décidé de faire un break? Le message de la. Ah mais non, mais là ça va trop loin l'équipe. Là. Non, ça c'est pas moi, ça c'est la télé de Romano qui est déchirée. D'ailleurs, il y a je sais pas, il y a 10 télés de Romano qui nous laissent des messages depuis tout à l'heure là, depuis le début de l'émission. Là j'ai la télé de Romano 20 ans, la télé de Romano 17 ans, la télé Romano 10 ans, la télé Thompson de Romano, la télé cassée de Romano, qui nous envoyait un message dans le 72. Enfin il y a des télés de Romano partout, c'est fou ça Romano. Eh ben big up à toutes mes télés. Bah oui, tu nous écoutes. Et d'ailleurs sa télé, qu'est-ce que ça en dit? Tu nous diras ça, tu as le suspense ou? Ah bah là je tiens le suspense, t'imagines pas, c'est un peu le fil rouge de l'émission. Ah bah, là, on peut dire le fil rouge de cette dernière semaine de Radio Libre de l'été. Hein. Ça on va, écoute ça... Skyrock pour savoir ce qu'il en est de la télé. Jusqu'à vendredi, le feuilleton continue, garde l'écoute, comme dit Romano, oui. Et donc, au final, ta meuf, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle t'a largué? Bah non, en fait, elle a fait un break avec moi pendant une semaine, tu vois. Mais moi, pendant une semaine, t'as vu, je vais pas te mentir, j'étais mal et tout, t'as vu. Bah oui. Et si tu veux, un jour, tu es parti boire un café avec elle, tu vois. Parti boire un café, on a parlé, machin et tout. Et après, on est allé chez elle et tout, on a discuté. Et le truc, c'est que moi, chez elle, tu vois, j'avais laissé mon chargeur et mon téléphone pour faire Uber, tu vois. Oui. Et le truc, c'est quoi? C'est que quand je m'en suis rendu compte, tu vois, il était, je sais pas, 21h, 22h. Et moi, elle m'avait dit quoi? Bon, je vais me coucher, si t'as besoin de quoi que ce soit, je serai à la maison et tout. Bah, je me dis, bon, bah, Michto, j'ai oublié mon téléphone, elle y est, parfait. Donc, de là, je l'appelle, messagerie. Messagerie, je me dis bon, elle dort, peut-être qu'elle a pas mis son téléphone en charge. Messagerie, pendant 2 heures messagerie. Du coup, pendant 2 heures, moi je tourne en rond, tu vois, je bosse pas, j'y serais allé à ta place, moi direct. Ouais, et le truc c'est quoi, au bout de 2 heures, j'y vais. Ah. Cadeau de Dieu, je croise son frère en bas, parce qu'elle répondait pas, et bien sûr, personne à l'interphone, machin et tout. Je croise son frère en bas, il m'ouvre la porte. Et tu vois, de là, moi je sentais le truc chelou, tu vois, je l'attendais le truc. Et là, si tu veux, t'as vu, je rentre dans sa chambre, je vois, elle est pas là. Et tu vois, quand une fille se prépare, elle laisse sa serviette de bain, son lisseur, ça, c'est ses conneries. Elle était en train de se faire déglinguer dans la salle de bain. Ah ouais, elle est partie se faire déglinguer, merde. C'est ça, non? Non, et le truc, tu vois, elle avait mis ses affaires, machin, elle avait préparé ses trucs. Et du coup, moi, j'arrive, t'as vu, je suis choqué. Genre, c'est le bordel dans ma tête. C'est Bagdad, oh là là, et tout. T'as vu, je m'attendais pas à ça, tu vois, un break, ça fait mal. Mais un break, et elle va voir un autre mec, c'est pire, tu vois. Ah, parce enfin, que. Mais t'es sûr qu'elle allait voir un autre mec, tu vas me dire si elle se fait belle, peut-être qu'elle allait sortir avec des copines. Non, moi j'en doutais pas, tu vois, genre, je pensais vraiment pas qu'elle allait me faire ça. Et le délire, si tu veux ça, et si tu veux tout savoir, c'est quoi? C'est que, après moi je fais quoi? Je suis sans téléphone, j'ai ma voiture de chauffeur, avec moi. Du coup, je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'ai rien à gagner. Je vais l'attendre en bas de chez elle est bien obligée de rentrer chez elle, tu vois. Et, le truc c'est quoi? C'est que je l'attends 1 heure, 2 heures, au bout de 2h30, j'entends. Vous avez vu qu'il est amoureux, les filles. J'ai ça pour toutes les filles qui traînent depuis tout à l'heure, enculées, salauds. Non, mais il était surtout rageux, je pense. Et là, tu la vois arriver avec qui? Et là, tu vois, au bout de 2h30, je la vois arriver avec le voisin. Non, même pas, tu vois, j'entends des gens qui rigolent, tu vois. Et moi, j'étais à moitié en train de dormir dans ma voiture. Et tu sais, la vitre teintée, elle était à moitié ouverte, tu vois. Et du coup, moi, je regarde dans le rétro, je vois rien avec la vitre teintée, en fait. Et ils arrivent à hauteur de ma fenêtre, ils sont dos à moi, ils voient pas que je les vois, et tu sais, moi, je les regarde comme ça, je suis choqué, tu sais, je sais pas quoi dire. Je les regarde comme ça, je les regarde comme ça, et à un moment, ma meuf, elle se retourne, et elle fait, elle dit, à son, enfin, entre guillemets, à son amant, elle lui dit, oh, y a Abdel, tu vois. C'est bien, tu vois, moi, elle t'a reconnu. Et puis, non, mais au moins, elle, elle a fait un break. Non, puis elle a le droit. Attends, tu l'as trompé. Ouais, ça fait un break, partout. Voilà, ça fait un partout. Ça fait un partout, ouais, match clair. Nul. Vous voilà. Prenez sur de bonnes bases, et puis c'est bon. Moi, je crois que la base, elle est foutue. Là. Ouais, vous... non, en gros, vous reprenez sur des bonnes bases, ou alors vous reprenez pas du tout. Hein, non. Là, c'est je pense fini, que, ouais, dans l'histoire, ouais. Et donc, Abdel, aujourd'hui, l'histoire, elle en est où? C'est-à-dire que vous êtes encore ensemble, le break, il est fini, le break, il va durer. Jusqu'à toujours. Ça sent la fin. Non, mais c'est ça. Jusqu'à la fin, vous en êtes où? Bah après ça, tu vois, genre moi je suis parti en couille et tout, j'ai dit le mec, tu vois, déjà le mec, je l'ai défoncé, tu vois, j'étais mal, tu vois, genre je la regarde, je lui dis explique-moi, je lui dis écoutez, je la regarde. Ah bah c'est simple, Abdel, là, il y a pas quoi. Le mec il vient de la niquer, oui. Voilà, en gros, il la raccompagne. Lui était chaud, lui. Pour résumer le truc. Non mais surtout, il a rien à faire. Le gars en plus, il y est pour rien. Bah oui. Je suis tout à fait d'accord avec Marie. Elle a eu raison de le tromper, ce sac à merde. Ça c'est pas gentil, c'est Donald qui nous laisse. Raison, j'en sais rien, mais en tout cas, elle avait le droit de faire ce qu'elle voulait, quoi, au final. Voilà. Elle n'est plus avec toi, tu l'as trompé. Bon. T'aurais pu tomber sur eux dans la. En même temps, elle n'a pas perdu de temps pour te rattraper, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, elle a fait un break. Elle a fait un break, elle ne l'a pas trompé. Tiens, tu vois, regarde le message. Elle a été correct. De Magda qui nous laisse un message rien, sur le 41-759. Oui, il faut être trompé avant déjà. Pour sauver le couple, il n'y a qu'une solution, nous dit Cortez, un plan à trois. Voilà. Voilà. Tu te fais taper dans le lion par son nouveau mec. C'est ouais, bah c'est cool. Génial. Ah, je sais pas s'il pensait à ça avec un plan A3 Cortez, mais ça fait partie des possibilités. Non, et pour possibilités. En revenir, tu vois, le truc maintenant, c'est pas vraiment ça. Maintenant, le souci, tu vois, je suis avec elle, machin et tout. Mais maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que dès qu'on va passer un beau moment, ou dès que tout va aller bien, et ben, je vais avoir un remords et je vais tout niquer. Bah alors, écoute, c'est normal aussi. Mais dis-toi que toi, c'est ce que tu lui as fait avant, quand elle s'est remise avec toi et que tu t'avais fait cocu, c'était un peu la même chose pour elle déjà. C'est clair. Ça va dans les deux sens. Mais c'est même miraculeux que vous soyez encore ensemble. Oui, et comme disait Karim, ça fait un partout et comme on dit, pas au centre. Quand tu t'es fait tromper comme ça, tu penses à ça. Ah moi je pense qu'il faut changer, ouais, parce que toi tu vas avoir des rancœurs, elle va avoir des rancœurs, ça va jamais finir. Zaza nous fait ses donnant donnant. Tu me le fais, je te le fais. Elle s'est vengée. L'histoire d'amour comme ça, c'est de la merde. Nous dit Yen. Bonjour Yen. Un break, ça veut dire se remettre en question, chacun de son côté, mais ça donne aucunement le droit de tromper. Tu es soutenu par Alex de Toulouse, qui est pas content que ta meuf t'ait trompé. En même temps, c'est toi qui l'as trompé. Le premier aussi, quoi. Ouais. À eux deux, ils marquent plus de buts que Marseille en une saison, nous dit Idriss, 16 ans. Idriss du 93 et qui met le hashtag Allez l'OM. C'est bon, tiens bon, Idriss. Voilà, hashtag histoire d'amour qui file dans le mur, là. Il y a Drac Walls qui a dit il a mal dressé sa femelle, c'est pour ça. Oh non, dégueulasse. Voilà, Dracoise, hashtag dressage de femelle. Voilà, c'est ça. En même temps, ça a l'air hyper compliqué votre histoire, donc quelque part, c'est pas plus mal. Hein. Change de meuf, hein, cassé pour. Bon, après, t'es pas le seul à ressortir avec une meuf qui t'a fait cocu, hein. Hein, Romano? Ouais. Attends, tiens, si je vais pas te rassurer, Abdel, parce que moi, le problème, c'est que derrière, elle a recommencé, quoi. Donc. Allez. Aïe. C'est ça, j'ai peur, je me dis, elle a franchi le pas, ça se trouve qu'elle le refera, tu vois. Ouais, mais t'es sûr que déjà, le mec que t'as défoncé, elle le voit plus? Ah ouais, est-ce qu'ils sont ensemble? Ouais, ça, je suis sûr et certain, parce qu'après sa connerie, tu vois, elle a supprimé Snap sans que je lui demande, hein. Elle a supprimé son Snap, son Facebook, et elle a changé de numéro. Ouais, mais elle a peut-être téléchargé Smax, elle lui parle sur Smax. Allez. Non, mais en gros, c'est à toi de voir si t'es capable de rester avec une fille qui t'a fait cocu, sachant que tu l'avais fait cocu avant. Oh. Donc. Non, mais déjà, elle est parano sur toi. De ce que tu nous disais, elle regardait tous les trucs et tout. Toi, tu vas devenir parano sur elle. Ça va faire deux parano. Alors, tiens, dites-nous, si vous avez déjà été cocu ou si vous avez fait cocu, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette histoire et comment vous réagiriez. Ou alors, si vous arrivez à la même chose, vous pouvez nous raconter aussi pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé sur la suite. Allez-y, sur le 41-759, sur l'appli Skyrock. Tiens, il y a LK là qui nous laisse un message qui nous dit mais c'est sûr, elle l'a fait une fois, elle le refera avec un autre. Après il y a je suis QLF qui nous laisse un message. Panam la base également qui nous dit c'est un connard. Donc ça c'est t'as quand même comme pas mal de filles et de gars qui disent que c'est toi qui as commencé quand même, hein. Une histoire comme non, ça. C'est vrai, j'aurais jamais dû. Oui. Une histoire comme ça, c'est foireux, c'est le tampon saignant, très beau pseudo d'ailleurs, ça. Pour l'instant le plus beau pseudo. Celui-là il est classe. Le plus beau pseudo de la soirée, c'est ouais. C'est trop mimi. Ouais. Ah bah oui. C'est trop mimi, c'est vrai, ouais. Ne fais pas aux autres ce que tu ne fais pas qu'on te fasse. Très beau ça. C'est le message de Nad. Merci à toi Nad. Elle aurait dû te quitter car tu ne changeras jamais. Tu es un bouffon. Elle est énervée, ouais, je crois. Ça, ce message de fille. Ça m'a fait un électrochoc et à l'heure d'aujourd'hui, genre, je serais incapable de la retromper. Tu vois? Bah écoute, dis-lui peut-être tout ça. Hein. Je sais pas, faut que vous ayez. Ouais, il faut espérer qu'elle en ait aussi d'électrochoc. Ce moment, quoi. Mais c'est ça, j'ai peur qu'elle l'ait pas, tu vois, cet électrochoc et que. Ah, c'est pour ça que vous. Ouais. Faut que vous ayez une discussion ensemble. T'as eu une discussion, toi, avec. Comment s'appelait-elle, l'autre Pokipu. Pokipu, voilà. Eh ouais, Pokipu, la fameuse. La meuf qui pue. Évidemment, c'est Pokipu. Bah, discussion, on avait parlé, mais tu sais, moi. Mais tu avais une discussion en lui disant oui, tu m'as trompé. T'as pleuré? Ouais, je crois. Bon, pleure, Abdel. Ah, quand tu as la discussion. C'est bien fait. Ah, t'as déjà pleuré? C'est mignon. Ah ouais, mais j'étais amoureux de cette meuf. Enfin, je le suis toujours, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ouais, moi, ça, je t'ai dit, hein, j'étais amoureux aussi. Elle m'a retrompé une deuxième fois. Hein. Ouais. Sans scrupule. Ah, bah, c'est ça qui fait me fait mal. Peur, tu vois. Et vu comment ça fait mal, j'ai pas envie que ça me refasse aussi mal, tu vois. Genre. Ouais. Mais une petite discussion. Tu l'avais eu, toi, avec ta gothique. Excuse-moi, Romain, de te parler de ta gothique. Non, elle, pas qui elle qui t'a fait cocu avec un keuf. Ça, tu l'as jamais pardonné, ça. Mais je m'en battais les couilles, l'hôtel m'annonce ça quand je la largue. Jamais. T'es à la meuf, j'avais dû dire, mais fais-toi troncher par toute la caserne si t'as envie, quoi. Voilà, un couple tient sur la confiance, ça s'est mal barré a priori. Tiens, ça c'est le message de Greg. Il y a Laura qui dit ne jamais tromper. Tiens, la même chose. Un couple marche sur la confiance. Ouais, c'est vrai. Ça, même ça, chose. Mais là, c'est plus sa fierté. Ah bah, Abdel, la confiance, elle a plus là. Ouais, ça va être difficile. J'ai trompé mon mec, on est ressorti ensemble et il m'a trompé à son tour. Ah bah tu vois, c'est arrivé la même chose dans le sens inverse, la même chose que Abdel. C'est une vengeance. C'est Tim Bastos qui nous envoie ça. Salut à toi, Tim Bastos. Noémie du 17. C'est elle, la Tim Bastos. Je vous le dis, si vous rencontrez la Tim Bastos, c'est elle, ouais. Elle sentait vraiment mauvais, Pokipu. Rentrera sur un détail de Pokipu. Ah, elle avait l'odeur. Ah, putain, là, elle doit schlinguer aujourd'hui. Avec aujourd'hui, la chaleur qu'il a fait, quoi. Non, mais tu veux faire quoi, Abdel? Tu veux pas avoir une petite discussion avec elle? Vous discutez ensemble, tous les deux? Ouais, et, Tu vois, surtout le truc que j'aimerais, tu vois, pouvoir améliorer, c'est le fait d'arrêter d'avoir des remords et, tu sais, me dire, je sais pas quoi faire, tu sais, quand j'ai cette remords, qu'un truc me bloque, me dit, écoute, peut-être elle est là, tu vois, enfin. Ça, non mais tu vois, si toi t'as des remords, bah tu peux te dire qu'elle t'a fait cocu. Donc à la limite, comme disait Karim tout à l'heure, ça fait un partout mal au centre. Bah ouais. Donc, moi je pense que c'est plus ta fierté qui parle. Tu te sens dégoûté qu'il y a un autre mec qui ait touché ta meuf. Voilà, c'est ça en fait, Marie. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'étais en moto avec elle, on est parti manger, et je me suis dit, putain, ça se trouve, t'aurais fait ça avec lui, tu vois. Et genre, je suis parti en couille, après, tu sais, je me rends compte et je me dis, ah non, mais putain, arrête, la relation, ça va être infernal. Bon, vous qui êtes en couple. C'est bien, tu as passé des bons moments. Ouais, si tu penses à chaque fois, Romano, bah oui. Par exemple, tu serais cocu, là. Tu penserais au mec, je sais pas, toi. Admettons, ta meuf te fait cocu avec. Est-ce que tu serais content déjà? Laissez-moi d'ailleurs prendre un exemple concret pour que ce soit plus réaliste. Tu veux que je prenne qui dans l'équipe pour faire cocu, Moi, je vote Cédric, moi. Cédric, tu veux qui, toi, Abdel? Je prends qui dans l'équipe? Cédric. Ah, ouais, je m'entends bien avec elle. Cédric, voilà, t'es très bien. Ouais, non, mais tu t'entends bien avec elle, c'est pas pour autant que tu vas la niquer, gros. Non, ah, ça, tu sais pas, gros. Non, mais si, je sais, je sais ce qu'elle pense de lui. Dis-nous ce qu'elle pense. Non, mais dis-moi, elle te trouve ignoble. Non, mais bon, soyons francs. C'est un bâtard. Ça te rassure. Non, mais ça. C'est pas que ça me rassure, c'est la vérité. Bah écoute, on en parlait cet été. Oui. T'en parlais avec qui? Putain, t'as vu, il parle de Watt. J'en parlais avec Cariole, tu vois. Une conversation cool, toi. Je fais quand même, tu connais pas Cédric. Bon, voilà quoi. Quoi? Voilà quoi. Non, elle me dit, ouais, non, mais c'est vrai, elle me fait des sympas, mais il est moche quoi. Bah, je sais pas, tout à l'heure, elle m'a appelé, c'est pas ce qu'elle me disait. Non, mais au téléphone, Cédric, ça passe. Pendant que tu faisais ta petite sieste. Cédric, ça passe. Non, au téléphone, ça passe. Sur FaceTime, non. Mais au téléphone, comme ça. Bah, je te jure, c'est quoi, ma plan FaceTime? Sur Skype. Elle m'a montré ta télé. Ouais. Après, elle m'a montré ses jambes. Ouais, et sa chatte aussi. Ouais. Ses Donc, alors, Romano. T'apprends que juste comme ça, un petit coup comme ça, elle s'est fait sauter par Cédric. Ouais, non, mais. Cédric lui a gigoté dessus, dedans, comme ça. Ouais, bon, c'est pas très longtemps. Bien comme il faut. Pas longtemps, il a gigoté. Il a fait tatalatalatap. Et est-ce que est-ce que tu y repenserais tout le temps chaque fois que tu la verrais? Admettons que tu te remettes avec elle. De toute façon, elle se fait sauter par un autre, c'est terminé sur au moment où je la prends. Et en plus par Cédric. Mais tu l'aurais fait cocu avant, par exemple. Et elle se mange avec Cédric, quoi. Je suis un mec propre. T'as pris avec la gothique. Ouais, c'est aujourd'hui, oui. Tu vois. Marie, toi, comment tu ferais, toi qui as fait cocu, nombre de mecs impressionnants? Ça ne se compte pas sur les doigts des mains et des pieds des membres de l'équipe, tous additionnés. Mais Marie, elle n'a jamais pas trompé un mec déjà. Ouais. T'as trompé tous tes mecs, Ouais, pas encore, pas encore, mais ouais, ça c'est normal. Tu vas finir par le tromper. D'ailleurs, je passe une petite annonce. Ah, voilà. Quelqu'un voudrait me cartoucher ce soir. Mais une fois, il y a un mec qui m'a trompé comme ça, je me suis remise avec, ça a été un enfer après, quoi. Ah, c'est pas bah après, tu deviens complètement parano. Moi, quand j'étais avec Pokipu, j'étais parano, j'avais raison de l'être. Ah, non, c'est l'enfer. Abdel, tu te rends compte que ça va pas être facile. Après, on peut jamais dire si une histoire sort. Non, mais parle-en peut-être avec elle. Sort renforcé ou pas de ça, faut que t'en parles avec elle. De toute façon, ouais, tu la après, connais bien, tu vas bien voir comment elle est. Ça a été un flirt. Ils n'ont pas couché ensemble. Bah oui. Ouais, tu sais, pour moi, tu vois, je considère ça un peu comme une tromperie, tu vois. Ouais, écoute, si c'est qu'un flirt, si t'as l'impression que c'est que ça, après, t'en sais rien, t'étais pas dans le lit. Mais enfin, bon, vaut mieux que tu crois ça. Et essayer de redémarrer avec elle, essayer d'avoir une petite discussion avec. Ouais, parce que surtout, elle doit se dire que tu l'as trompée plusieurs fois, puisque c'était une fois là où elle t'a grillé, mais plusieurs. À vite là ce week-end, je sais pas, à boire un verre, à sortir. Un truc sympa, quoi. Je sais pas, oui, dans un bar, Marie, tu proposes. Ouais, pourquoi pas. Allez, Marie te propose dans un bar. Allez, hop là. Non, mais tu l'invites samedi soir, vous avez une petite discussion, vous discutez sérieusement de ce qui vous arrive, et puis vous sentirez très bien si vous avez envie d'être ensemble, encore tous les deux. Et à partir du moment où vous êtes ensemble, bah tu te dis que c'est un partout, vous oubliez tout ça, puisque vous, voilà. Ouais, ça va pas être évident, mais bon. Et que t'as un peu. Et que t'as. Ah, mais bon, après, il y a des couples, ça marche. Tu peux tenter, ouais. Et il y a des couples qui. Ouais, ouais, ça fonctionne, hein. Chacun a été cocu, mais tout va bien. Ils sont contents. Regardez, qui est content. Ouais. Il y a Véridique qui te dit t'as qu'à devenir libertin, un petit peu de libertinage. Bah libertinez-vous là, pas de problème, un peu. Ouais, super. Je pense qu'elle va être contente vu la possibilité aussi qu'elle a. Ouais. Non, mais tu fais ça, Abdel, et puis tu es au courant, tu nous rappelles, tu nous en dis un petit peu plus sur la suite de l'histoire. C'est marrant de savoir si ça va bien se passer ou pas. Ouais, je me rappelle dans 3 mois, si je chiale, c'est que ça n'a pas marché. Ouais, bien, tu as le droit de pleurer dans pas de problème. Tu as le droit de pleurer sur nos épaules. On sera là pour toi. Voilà. Voilà. Fais attention, si tu pleures sur l'épaule de Cédric, elle est celle qui est pas loin, elle est juste en dessous. Ça, ça va. Ça va, ça dépend pour qui. Mais je te dis là, j'ai encore pris une petite douche. Pour un mec qui a pas de nez, oui, c'est l'événement, quoi. Le mec qui a pris une douche. Ah ouais, j'ai une à deux par jour, parce qu'en ce moment, il fait chaud. Parce que je pue très fort, je suis obligé de me laver 2 fois par jour. Non, mais ça fait du bien de se rafraîchir. Voilà. Écoute. Tant mieux, t'es qu'à me dire tant mieux pour nous, on va pas se plaindre. Ah, je t'imagine à poil dans ta baignoire. Là. Ah non, moi non. Oh, j'imagine toi aussi. Pourquoi tu dis ça en début d'émission, Romano, alors que tout allait si bien à part l'histoire d'Abdel? Il se frotte les yeux. Tu t'es cru pour un top modèle, toi? Ah non, mais comparé à toi. Non, mais tu t'es cru pour un top modèle. Ah non, je me trouve plus beau. Bon, bah alors ferme ta gueule. Je me trouve plus beau que toi. Enfin, physiquement, je suis plus normal. On va faire un sondage express. On va pas vous demander qui est le plus beau, Romano ou Cédric, mais on va vous demander c'est que vous pensez que l'histoire d'Abdel peut continuer ou pas, parce que là je vois des messages qui nous disent non, ça va être une relation malsaine, faut pas qu'ils continuent ensemble. Ça va être prise de tête. Message d'inconnus, ils vont passer leur temps à se tromper. Ça, c'était le message du soccer. Bonjour le soccer. Bah, surtout, vous êtes parano tous les deux, donc ça va être insupportable en pas longtemps, quoi. Donc toi, tu continuerais pas? Bah, après, ça coûte rien d'essayer, hein, mais je pense que ça va être compliqué. Ouais, mais ils ont essayé là déjà. Ouais, mais là je pense non, ils ont pas essayé de se remettre ensemble. Bah, si, là, ils disaient qu'ils sont allés manger machin à midi, c'est encore parti en couille. À chaque fois qu'ils se voient, ça part en couille. Ouais, c'est moi, ça, vous avez en fait, déjà essayé. Ça, tu vois. Bah écoute, essaye samedi, essaye mon idée. Non, mais surtout parle-lui. Le petit bar, non, c'est la Marie, le petit bar. Ouais. Le petit bar le samedi soir. Un petit bar bien sympathique. Non, voilà. Dis-lui que tu t'en veux et que depuis qu'elle est partie, voilà, t'es triste et que. Ouais, mais tu vois, Marie, je suis toujours avec elle. Le truc, en fait, c'est que là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis avec elle, tu vois. Le truc, c'est que dès qu'on passe un beau moment, j'ai des remords envers ce qu'elle m'a fait et je me dis, putain, ça se trouve, tu recommenceras, tu vois. Ouais. C'est ça, en fait. Elle se dit pareil. Elle se dit la même chose, en gros, elle aussi. Pour moi, c'est fini entre les deux pour ma toutou. Qui a donné votre avis, puis on en reparle dans un instant. Merci Abdel, on va te laisser bosser, puisque là t'es dans ta voiture Uber. Ouais, c'est ça. Juste peux passer un petit truc. Vas-y. Et dans un instant, je vous annonce les familles du double appel qui arrivent. Et il y a Bruno qui va arriver aussi. Et puis vous tous et vous tous de toute la France. Hein. Et ça ne continuera que s'ils ont confiance l'un envers l'autre. Il y a Owe qui dit, faut parler de la confiance dans le couple. Bon, ton petit message, et puis je vous donnerai les résultats de notre sondage express. Ça va continuer, ça va bien se passer, ou ça va continuer, ça va mal se passer pour Abdel. Vous nous dites. Ok, je fais une petite dédicace pour surtout à vous l'équipe, parce que c'est gentil, vous êtes Abdel. Génial. Depuis le temps que je vous écoute, et franchement, je tenais à vous le dire de voix. Une fois, vous avez eu un discours sur Zer avec le truc de Marine Le Pen et des dents jaunes là. Ah, Marine Le Pen a des dents jaunes, oui, c'est vrai. Vous vous souvenez de ça? Oui, c'est vrai. Vous l'avez remis en place. Oui, on dit sur Skyrock, on dit toute la vérité, même quand elle fait peur. La mentalité, j'adore. Enfin bref, c'est bon, je vous prends pas trop de temps, ok. Et du coup, il y a moyen de gratter un maillot? Ouais, on va t'envoyer le t-shirt Skyrock collector à la maison. Merci Abdel, bonne route, et puis donne-nous des nouvelles, reviens quand tu veux. Ouais, je vous tiens au courant. Dès la semaine prochaine, si s'est passé quelque chose samedi, tu nous tiens au courant. Ah bah ouais. Salut Abdel. Okay, ah bah bon courage. Cool, ouais, bon courage. Et belle histoire d'amour. Et c'est marrant parce que chaque fois qu'on parle d'histoire d'amour qui part en couille, hein, des AJ là qui nous laisse un message et qui nous dit, eh bien encore une bonne raison d'être célibataire. Comme ça, tu peux niquer où tu veux, quand tu veux, ouais. Et on te dit rien. Ah ouais, écoute, t'as pas de problème. Ouais. Ça dépend, fait plaisir. Bon, allez-y pour vos messages, pour Abdel et pour tout le reste. Je vous disais, les familles du double appel arrivent tout à l'heure. Le clash de la drague. Je vois qu'on nous demandait un petit Ken Jones. On va se le mettre. Jones, vous l'avez découvert sur Skyrock. C'est celui qui chante, vous voyez, c'est le morceau qui fait Don't Mine.

go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, I pass it. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Skyrock. Ken Jones, c'était Don't Mind. Come on. 21h minuit, la radio libre de Tifoul. Seulement sur Skyrock. Et ouais, avec toute l'équipe qui est là, Romano et sa nouvelle télé. Ouais. Tiens, tu vas nous en dire plus parce qu'il y a plein de messages. Ah, ouais. Vous êtes passionné par les aventures de Romano et de sa nouvelle télé. Hein. C'est un truc de fou. Le fait qu'il ait dépensé 699€ à cause de sa télé en panne, ça vous a excité, mais à un point pas possible. Donc c'est on en parlera tout à l'heure. Ah, la moi, Marie, ça m'a un peu calmé, moi. La Marie est là aussi. Ouais. Ah, 699€, oui, c'est pas facile ça, Romano. Ah bah là, ouais, ça va. Oh, c'est Cédric, vous l'entendez rire. Moi, ça me fait rire, cette histoire. Je crois que Cédric se moque de toi. Non, je me moque pas de lui, mais ça me fait rire parce que je sais que ça le fout à bout de nerfs. Non, mais là, non, je... Puis la semaine prochaine, il va encore dépenser pour ses dents. Non, mais ça, je m'en fous, c'est remboursé. Ça. Eh ouais, vive la sécu. Et la mutuelle. Et vive la mutuelle. La sécu, on bosse pas la télé. Moi, ça va, tout va bien. Ça va. Les nouvelles de Marseille, non? Écoute, toujours pas vendu, moi, j'attends que ça. Ah, il attend de vendre l'OM. Très bien. Si vous, l'a... si vous avez un peu d'argent, que vous voulez acheter un club de foot, vous ferez plaisir à Samy, il faut acheter l'OM. Ouais, faut 70 millions quand même. Et Karim, tu veux pas acheter l'OM, Karim, toi? Non, ceci, quoique pour les faire descendre en Ligue 2, après en National. Tu sais qu'ils n'ont pas besoin de toi. Ouais, ils ont pas besoin de moi, ça va. Ça l'occupe tout seul. Ouais, voilà, t'inquiète, tranquille. Bon, ça va être marrant la nouvelle saison de foot. On en parlera évidemment sur Skyrock. On aura des places à vous filer aussi tous les matins pour les matchs de foot que vous voulez dans le morning. Le morning qui est de retour lundi matin, dès 6h. Hein. Lundi 6h, on sera là avec vous. Et avec 1 500€ à gagner toutes les demi-heures, parce qu'on s'est dit que la rentrée, ça coûtait cher. C'est toi qui m'as dit ça, Romano. Ah ouais, ça coûte cher. C'est marrant, tu me déteins dessus, toi aussi. Hein. La rentrée, ça coûtait cher. Et on s'est dit, on va vous offrir plein d'argent. On a fait des économies pendant les vacances. Et donc, on vous offrira 1 500€ toutes les demi-heures pendant toute la première semaine du morning. Ça démarre dès lundi. Et pour gagner, c'est simple. Dès qu'on vous appelle, on vous demande quelle est votre radio préférée, vous répondez Skyrock, c'est 1 500€ dans la poche et après vous vous éclatez avec les 1 500 balles qu'on vous a filées. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, parce que vous pouvez les augmenter en vous inscrivant au 720-20, vous envoyez 1 500 en chiffres, ouais. Et vous laissez vos coordonnées, on vous appellera peut-être dès lundi matin. C'est possible. Sur Skyrock, oui, on fera des tirages au sort dans l'annuaire, mais aussi des tirages au sort parmi ceux qui sont inscrits, peut-être vous, pourrez vous acheter avec 1 500€ pratiquement deux télé et demi, hein, Romano. Hein. C'est clair. Déjà, ça me rembourserait celle-là, quoi. Bah, peut-être que lundi matin, on t'appellera. Bah, j'espère bien. Pour te rendre une rentrée un peu plus facile et plus heureuse grâce à Skyrock, bien sûr. Bon, en tout cas, on est content de vous retrouver là tous les soirs. Vous êtes là avec nous. La France entière nous écoute et ça fait plaisir. Merci pour tous les messages que vous nous envoyez. Bonjour à Iblis, bonjour à la flotteuse. Mort de rire, Romano, il va jouer. Je suis sûr qu'il s'est déjà inscrit, là. Il y a Blue qui. Bah, Blue, on te salue aussi. Pourquoi on peut plus inscrire sur le site? Parce qu'on a 1 720, c'est plus simple. Comme ça, on a un endroit où on va récupérer les numéro, beaucoup plus facile. C'est pas Cédric qui nous l'avait demandé, il était tout perdu dans les fiches. Oh, ah, ouais, trop de numéros. J'en pouvais plus. Parlez pas de la rentrée. Eh ouais, mais bon, elle arrive quand même, hein, je sais, Théo. Bon, Damien, ça m'arrangerait bien, les 1 500€. Eh ben, j'espère qu'on t'appellera lundi, Damien. Lundi matin, en direct. On a Younes qui veut réagir par rapport à Abdel, mais on y reviendra. Les familles du double appel, vous êtes prêts? Oui. Allez, bah, moi aussi. Ah, bah, allez, on y va, alors. Allez, on va y aller. Et donc, ta télé, Romano, alors. Est-ce que, elle est bien belle. Est-ce que la télé Thomson, parce que t'as acheté une Thomson, est-ce que la télé Thomson, c'est bien? 138 cm, 4K, la télé. 138 cm, mais le rêve. Le maximum, moi, c'était 30 cm. Ah bah, tu as 138. Et... C'est beaucoup plus. Et ça va, marche bien? Bah, je lui mets des chaussures, elle marche bien. Hey pas ouais. mal. Je suis sûr que t'as passé la journée à la regarder comme tu l'as payé cher. Du coup, tu l'as ben ouais, parce qu'en plus, elle est arrivée tôt ce matin. Je l'ai mise en place. Beau gosse. Et franchement, non, mais ça va. Moi, ça me convient. T'as pris une photo de ta télé, fais voir. Tu non, photo, non, non, même pas, tu vois. Non, elle est belle. Bah, elle est belle, ouais. Ouais, c'est cool ça. Elle est, moi, j'aime c'est mal, génial, ça. Moi, belle elle est belle, elle est bien grande. Non, ça me change que j'avais un écran plus petit avant. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Et elle a des belles chaussures. Ah, elle a des belles chaussures. j'ai mis une petite paire d'Adidas. Elle est mignonne comme tout, elle a kiffé. Elle s'est allumée, tac. Et comme ça, elle marche très bien. Ah ouais, elle marche nickel. Ouais, franchement. Ça, non, mais elle est très très belle. Je suis très content de mon achat. Vraiment. L'image est bien. Tout est parfait. Donc voilà, donc t'es content de ta télé Thomson. Bah ouais quoi, après j'aurais préféré ne pas avoir en acheté une, mais parce que hier on a fait un petit sondage, ou hier avant-hier je sais plus, on vous a demandé télé vous voulez quoi, vous avez dit Samsung en 1, Sony en 2 et en 3, c'est LG ou je sais plus. Ouais. Et donc il y avait pas Thomson dans les bah écoute, la Thomson est très bien, je vous la conseille. Bon, et Tarty m'a répondu, putain merde, je Ah, il t'a dit quoi ? Ah ouais, pour un coup un peu. Parce que hier il a envoyé un tweet à Tarty, il leur a dit ouais, faites-moi un petit geste commercial, je parle de vous sur Skyrock. Vive Tarty, c'est super tout ça. Le mec il a peur de rien quoi. Non, de rien non. Alors attends, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Ah. Tiens, il y en a qui a toutes les boules. Polo qui nous fait ah ah ah ah ah. Moi j'ai une 200 cm incurvée. Ah, ah. Non, mais incurvée, je voulais pas. Non, non, mais c'est trop cher. 200 cm, c'est énorme. Le portugais qui dit il a 16 ans, elle va pas durer longtemps ta télé, mort de rire. Tu portes la poisse déjà, gros. Ouais, déjà. Ouais. Non, mais on verra. Hein. De toute façon, moi, elle est garantie 2 ans, les pièces sont disponibles 5 ans. Donc, parce que maintenant, les marques, quand t'achètes un appareil électrique ou électronique, oui, électronique, oui. Ils sont obligés de te mettre les pièces détachées. Légalement, il est obligé de te mettre le nombre d'années où elles sont disponibles. Donc, c'est-à-dire que tu peux la faire réparer. Ah ouais. Ouais, sinon après, tu te fais baiser, t'as un truc qui tombe en panne. Un t'as bouton, par exemple, tu peux plus rallumer ta télé parce qu'il y a plus de bouillie. Oui, là, c'est con, oui. Boutons, ils le font plus. Donc, pas de geste commercial de la part de nos amis de Darty. Désolé, Romain. Si, ils m'ont dit, merci de votre confiance, mais la promo, vous en aviez besoin avant, non? Donc là, j'ai donc là, j'ai répondu, je l'accepte quand même maintenant. Donc j'attends une réponse. Dire, c'est cool, on te fait 20% pour la prochaine. Fous, Darty, si vous faites pas une promo, je rends la télé, je vais chez quelqu'un d'autre. Mais une promo, mais quoi, tu veux qu'il te rembourse? Bah ouais, ouais. Qui me donne, je sais pas, un bon d'achat, c'est quoi. Une promo, c'est un remboursement. En fait, pour une télé à 699€, maintenant, il voudrait un bon d'achat de 699€, ouais, voire 700€ pour faire un truc rond. Oh, et... bah, tant qu'à faire. La meilleure image, c'est Panasonic, Romano, nous dit Max. Pas terrible, Thomson. Il faut savoir. Hier, c'était Samsung. Max, 18 ans. Lui, attention, c'est un spécialiste, livreur de télé à Auchan. Waouh. Wow. Ouais, ouais, non, mais ouais, écoute, moi, ça me convient bien, donc, Ouais. Et il y a Nico qui veut t'en vendre une, si ça t'intéresse. Une 107 cm 3D, LG à 250€, Romano. Tu vois, c'est moins cher. Pas cher. Ah ouais. Ouais, c'est moins cher. Ouais, mais 107 cm, elle a quand même 31 cm de moins que la mienne. Et bim. Et ça les prendrait bien dans le cul. Et l'autre. 31 cm. Ouais, bah, bien sûr. Voilà, Marie, elle prend le rab. Personnellement. Ça doit faire mal. Bon, voilà. Et il y a Oran, tu vois, j'ai une incurvée, mais c'est pas tip top. Tu as les reflets des fenêtres ou des lumières tout le long de l'écran. Quelle horreur. Tu l'achètes plus cher parce qu'elle a incurvé. En plus, ça fait des reflets. Non. Bon, eh bien écoutez, c'était le petit point télé de Non mais elle va bien. Soirée. Je vous donnerai des nouvelles régulièrement. Bah dès demain, j'espère. Bah j'espère que déjà demain elle s'allumera encore. J'espère, ouais. Bon allez, on va faire un petit double appel et dans un instant, il y a Younes qui nous appelle et qui voulait passer en direct avec nous. Ah ouais, je voulais vous parler des seins de Sandra aussi, je vous en avais parlé en début d'émission et puis Bruno. Ah oui. Qu'on va retrouver en direct. Non, Sandra en fait, elle fait du 95D. Ah ouais, problème, deux points elle nous a dit. Je fais du 95D, j'en ai marre de mes seins, je trouve ça horrible même si tous les mecs me disent que c'est super. Ouais. J'imagine que ça doit en exciter certains. Il y a des mecs qui aiment les gros seins. Moi, tant qu'il y en a deux, 19 ans. Tant qu'il y en a deux, des seins, moi, ça va. Gros, petit, pourvu qu'ils tombent pas, c'est déjà ça. Non, mais elle a donné sa taille, j'ai pas entendu, pardon. 95D. Ah ouais. Elle a donné sa taille, mais j'ai pas entendu, pardon. 95D. Non, mais moi, mais au niveau de la poitrine, elle fait du combien? Non, mais du 95D. Parce que, tu vois, non, mais connard, ça va bien. 95D. Je m'énerve. Voilà, D comme dit foule. Ah, mais y a pas de problème. Bah, elle trouve que c'est trop gros. Moi, je trouve que ça va très bien. Ah, bah, après, c'est, oui, c'est. Sur combien? Parce que ça dépend. Après, c'est des petits. Ça dépend comment t'es foutu, ouais. Ah, ça, je sais pas, Sandra. D'ailleurs, laissez vos numéros quand vous laissez un petit SMS. D'abord, vous pouvez passer à l'antenne avec nous, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. Et puis, même si vous voulez pas passer à l'antenne, on peut vous avoir au moins hors antenne pour vous demander, oui, tu fais combien en taille tout et ça. Pour demander d'autres photos, là, en l'occurrence. Et des photos. La photo, je l'ai d'ailleurs. Elle est très belle. Je ne peux pas la montrer à Cédric parce qu'il va nous asperger. Ah ouais. Vas-y, montre. Il a tellement baisé pendant ses vacances qu'il ne contrôle plus sa bite. Et moi, j'ai baisé 15 fois. Oui, c'est ça. Non, en une soirée, hein. En 10 jours. En 10 jours. Ouais, des différentes. Ouais, je croyais que. Donc, la photo dessin de Sandra. Bon, ce dessin, ça va. Ouais, hein. Non, mais elle a une, bah, elle a une belle poitrine. Quoi. T'as pas l'air minuscule non plus. Quand on te voit sur la photo, t'as pas l'air toute petite. C'est vrai que si tu fais 1m40 et que t'as du 95D, bon. Non, mais la photo, on voit pas trop. Si elle est très grande ou pas. Ouais, on a pas l'impression que tu sois toute petite. Après, moi, je trouve ça très bien. C'est ce que tu fais, toi. Ah ouais. Ah bah voilà. Tu vois, Sandra, tu peux dire que t'as les mêmes 5 maris, tu fais du 95D. Eh ouais. Ouais, mais. Mais les miens tombent. Non, ils ne tombent pas. J'en ai un au genou. Non, mais bien sûr. Je peux, raison, ouais. Je peux faire des dribbles avec. Ouais, ah ouais, ça. Des jongles. Je jongle avec les genoux. Tu joues ouais. Boing, boing, boing. Non, mais bon, regardez. Moi, c'est très bien. Je peux lui les bouffer quand elle veut. Ah, bah voilà. Ça, c'est Sam qui nous envoie le message. C'est les auditeurs de Skyrock. Vous êtes super. Toujours là pour rendre service. Ah, Dracwalls qui dit les petits seins, c'est les meilleurs. Ah, Blue, moi, je vais te les bouffer, tes seins. Tu vas voir, ils vont rétrécir. Mais non, ça va faire. Quel rapport c'est, ça va faire, pourquoi tu... Ah, parce qu'ils vont en manger un bout, peut-être. Ah, ouais. Super. Tiens, moi, je fais du 95E, nous dit Sarah du 93. Ah, ouais, carrément, ah ouais. T'es ouais. battu. Elle a qu'à maigrir. T'es grosse, c'est tout. Bah, non, ça vient pas forcément de là. Hein. Là, il y a Julie, regarde, je fais du 95E. C'est qui a envoyé ce message horrible, t'es grosse, c'est tout. C'est Romano. Salut Romano, t'envoies des messages Romano. Non, c'est pas moi. Bah si, c'est écrit. Non, il y a un clash. Je ne tiendrai jamais de tels propos. Avant un clash. Alors, Julie, 17 ans, je fais du 95D aussi. Moi, perso, je trouve que c'est pas trop gênant. Trop bien. Non, mais 95D. Bah ça va. Ouais, il y a pire. Ça va. Ouais. Ça va, il y a pire. Et puis toi, tu les portes bien. Hein. Moi, je fais que du 95B et je ne m'en plains pas pour refiler du 62. Tiens, ma meuf, elle fait du 115. Waouh. 115, après, 115, ça dépend A, B, C, D, E, F, G, H, 115, G, elle doit être costaud quand même. M, N, O, P. Ah ouais, non, mais. Elle dit ça qu'elle est poitrinée, quoi. Ah ouais. C'est Hamza avec sa meuf qui fait du 115. Et bon, salut ta meuf, Hamza. 90D, ma sœur du 95F. Waouh! Putain, la sœur, elle déchire. La sœur de Lohan qui nous laisse un message, là. Vous aimez les gros seins ou les petits seins dans l'équipe? Ah, bonne question. J'aime les gros seins, moi. C'est le blédard. Les gros seins. Ah, les gros seins. Donc, Karim, les gros seins, toi. Ouais, parce que tu sais, tu peux mettre ta tête dedans, tu vois. D'accord. Alors que les petits seins, c'est juste pour les tenir. Pff, c'est, ouais. Ok. Notre numéro 41759 ou l'appli pour envoyer des messages pour Denis. Bah, ah oui, puis 0153, c'est peut-être celui-ci que tu veux. 0153 40 30. Parce qu'il a envoyé un message. Oui, donc il sait faire, ouais. C'est vrai que je suis un peu con, ouais. Cédric fait du combien? Ah ouais, Cédric. Ah ouais, c'est vrai. Cédric, il est bon, ouais. Ah ouais. Cédric, il fait du combien, mais je sais pas. T'as des nibards, c'est un truc c'est de des pecs, quoi. En tour de. Un chimail. Non, non, c'est des muscles. C'est pas un chimail. Non, je vais, approche-toi, je vais te montrer le chimail. Romano, tu crois que c'est un chimail? Ouais, je pense que c'est un gros travelot, quoi. Ah, je vais te montrer le travelot. En fait, t'es un trave. Te faire danser. C'est pas grave, Cédric, on accepte tout le monde. Non. Non, c'est juste que c'est un peu des. T'as un travelot. T'as un bonnet, quoi. Et sur la plage, je sais pas, il y a des mecs qui viennent te draguer pour tes seins. Ah non, du tout, non. Ah, ça cause de la gueule. Non, ça va aller, bah, plus de la gueule. Non, parce qu'on est au niveau des seins. Non, mais sur la plage, t'es avec des meufs tranquilles, normal, hein. T'es bien équipé. Il a des beaux gros seins, le veau. Voilà, j'étais en bikini comme elle. Ah ouais. Non, du tout. Je vois bien ces genre de meuf et c'est truc au milieu en dépense libre demain. Oh là, moi d'autres. Oh là. Maxence. Full. Non, mais je mets pas de cible demain. L'autre, c'est son fantasme. Il l'a dit, j'ai rien dit, moi. C'est vrai que c'est son fantasme depuis lundi, l'autre il me vend. Je te jure que lundi, il l'a dit, t'as balance gros. Oh là, je suis trop excité. Oh ouais, merci. C'est ta bosse. Avec tes comptes avec lui, c'est lui qui t'a balance gros. Alors, Cédric, il fait du G. Ah, merci du renseignement, on cherchait Julie là. Cédric fait du 95D. Alors, faudrait savoir, du G ou des 95D? Moi, je te verrais plus à D, toi. Hein. Mais bon. Ouais, peut-être pas 95, non. T'es gentil. Donc, toi, t'aimes bien les gros seins, toi aussi? Moi, non. Du moins qu'il y a une meuf, tu vois, avec des seins, le reste. Même des pecs de mec. Je suis pas très compliqué, quoi, tu sais. Ouais, moi, je te lèche tes pecs. Des gros, des petits. Pas mal. Et Samy, toi? Ouais, faut que ce soit proportionnel. Moi, j'aime pas quand c'est trop gros, par contre. Parce que tu vois, ouais, des énormes seins sur un corps tout mince, ça, j'aime pas trop. Moi. Après, pour Sandra, c'est 95D, c'est pas énorme. Non, mais c'est t'aimes pas les gros seins. Attends, je vais pas balancer un dossier, mais la photo que t'as envoyée à Cariole cet été. De tes seins. La meuf, là. La meuf. Ah oui, on n'a rien à voir, ça. Non, mais tu vas dire que t'aimes pas les gros seins. La meuf, elle avait deux. Ouais, elle était chargée, elle, ça n'a rien à voir. Ah ouais, elle était pas chargée, elle était chirurgie esthétifiée. Ah oui, non, elles sont refaites, ses seins, ouais. Ah non, mais oui, ça se voyait, oui. C'est sûr. C'est un trans? C'est la meuf d'un pote, donc vas-y, fais gaffe. Éviter. Tiens, c'est la meuf qui nous soulève deux coups. Non, mais c'est la meuf d'un pote, mais tu voulais la niquer. Non, mais non, c'est son ex. C'est son ex. C'est bien, t'es un mec de confiance. Ouais. Non, c'est son ex. Ou alors t'es complètement malade de la mythomanie. Non, c'est son ex, mais j'ai même pas tenté parce que ça se fait pas. C'est l'ex d'un pote, donc. Ouais, et puis surtout elle voulait pas. En tout cas, elle voulait pas, non. Il y en a. En fait, c'est pris un gros râteau par la meuf. Non. Au début, elle m'a fait du rentre dedans. Ah, tu serais la meuf, tu ferais quoi, toi? Ah bah non, je lui mets un gros râteau dans sa gueule. Non, mais la meuf, je l'ai rencontrée en boîte ouverte. Non, la meuf, j'ai rencontré en boîte. Le lendemain, elle me dit, elle me fait comprendre que je connais son ex. Quand elle me dit son blaze, le mec, franchement, gros, c'est une armoire à glace. Je dis, ouais, tu sais quoi, laisse tomber. Laisse tomber, je ferai pas le poids. Elle en soulève. Mais si, tu fais le poids, Cédric. Ah, du fou, je te jure, elle en soulève 3 comme toi, le mec. C'est une sema. Ah, mais toi, il te soulève pas, toi, alors. Ah, si, elle en soulève 2 comme moi, gros, facile. Ah, ben, il est fort. Ah ouais. Ah ouais, laisse tomber. Bon, il y a David, lui, il aime les gros seins. Le belge, il s'est fait dessus, quoi. 95D, c'est très bien. C'est la taille de ma meuf. Bah voilà, ça c'est Mike qui nous envoie un SMS, qui nous envoie un message. Les gros seins, il y a plus de viande pour jouer avec. Oh non, c'est joli, mais ça. Non, c'est Tacos qui nous envoie le message. Ça c'est un joli, classe. Un joli message. Quoi. Pour bah tu vois Sandra, fallait pas te poser trop de questions. Au niveau des gros seins, tout va bien. Les petits pour moi, c'est bien, c'est mieux. C'est le message de Tim et Alex qui dit les petits ça va. Tiens, tu vois, lui il aime aussi les petits. Comme vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Après, Sandra, pour du 95D, tu vas pas te faire opérer, tu vas pas te faire enlever une partie des seins, même si tu les trouves un peu gros. Nous, on a vu ta photo, tu peux en envoyer d'autres d'ailleurs, ma chérie. Ah ouais, n'hésite pas. N'hésite pas pour qu'on se rende bien compte, mais sur la photo que tu nous as envoyée, tout va bien. Et les gros seins, on peut mettre la bite dedans, ce qui est quand même bien pratique. Ouais, ça, c'est bien ça. Enfin, la bite dedans, la bite. Ouais, au milieu, quoi. Entre les deux. Ouais. Ouais, essayez pas de rentrer votre bite dans des seins, c'est un problème. Ouais. Je peux mettre ma bite entre. Tu vois, c'est Reine des Tapettes qui dit Cédric paye tes miches. Ah ouais, c'est pour dedans. Cédric. Ah, c'est un message pour toi, tiens. C'est quoi le message? Oh là, vas-y, il y a le numéro ou pas? Ouais, il y a le numéro. Moi, si je t'appelle. C'est la taille idéale pour moi, 95D. Vous voyez, il y a Bernard qui nous laisse le message. Eh ben salut Bernard. Bélène Rodriguez, elle a les seins parfaits. Ouais, mais c'est tout du refait. Moi, je vois qui c'est. Bélène Rodriguez, c'est une star italienne. Elle est argentine, elle vit en Italie. Elle est très connue en Italie. C'est vrai qu'elle est plutôt mignonne, mais elle est toute refaite. Elle est toute en plastique. Ça s'appelle comment, gros? Bélène Rodriguez. Il y a Bec Kulibiadko, qui est un pseudo pas long du tout, mais que j'ai réussi à lire jusqu'au bout. Cherchez-la sur Internet. Oh, ouais, elle est dingue de fou. Les seins parfaits, c'est Bélène Rodriguez. Ah, elle est bonne, elle est fou. Eh oui. On est d'accord avec toi. Mais je t'assure, c'est du faux. Amis qui ont touché. Voilà. Ah, mais c'est pas grave, gros. Oh, on dirait pas du faux pourtant. Hein, si, c'est du faux. Oui. Les photos en maillot. Merde, attends, je me trompe. Ah, ouais, ça y est. Tout le monde est sur son. Tout le monde est sur Google. T'es allé fou, gros. Tout le monde est sur son portable ou sa tablette. Bélène Rodriguez va faire un carton ce soir. Je suis fraîche. Grâce à Skyrock. Je fais un film de cul avec elle, moi. Elle veut pas. Elle vient de lui s'appeler. S'il vous plaît. J'ai un pote qui travaille avec elle, moi. Ah ouais? Ah voilà. Tu veux pas qu'on l'appelle, gros? Tu le connais en plus. C'est qui? Ah ouais? Ouais. Non, moi je veux connaître la meuf, parce que ton pote. Bien sûr, hey, t'as tort, Karim, parce que lui c'est un bon coup aussi. Hein. Pourquoi? Comment tu sais, gros? Ah, parce que on m'a dit. Bon, vous y revenez au 41759 et sur l'appli Skyrock si vous êtes prêts à nous parler de vos seins, les filles, les gars aussi. Mais bon, voilà, pour un premier petit point pour Sandra. Tout va bien avec du 95D. Tout à l'heure on a lancé un petit sondage pour ah ouais, le pauvre. Moi, il m'a fait de la peine, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, c'était Abdel. Abdel qu'on a eu en début d'émission. Il fait de la peine. Il a trompé sa meuf, après elle fait un break, elle le retrompe. Ouais, c'est ça, ouais, le pauvre. Ouais. Oh, la vilaine. Donc, c'est un peu normal. Et lui, il est très amoureux, le pauvre Abdel. Et on vous a demandé ce que vous en pensiez. Est-ce que vous pensez que, bon, l'histoire peut continuer ou ne peut pas continuer? Les résultats du sondage pour Abdel, qui nous écoute dans sa voiture. Continuer, 26%. Oh, bah, c'est bien. Ouais. Pas continuer, bah vous faites la différence. 74%. Ouais, ah bah voilà. Et donc vous. Ah bah c'est vrai que ça va être compliqué. Pensez qu'après un trompage, ce sera un petit peu plus difficile. Bah c'est évident. Il y a plus du tout de confiance. La paranoïa s'installe. Et là, c'est le drame. Non mais c'est ça, il y pense tout le temps quand il la voit. Donc. Bah oui. Non, et puis elle doit être pareille. Donc tout le monde est parano dans le couple. Ça va être sympa. C'est l'horreur. C'est qui voulait réagir là-dessus d'ailleurs, parce qu'on avait. Ah oui, c'est Younes que je voulais prendre. Je sais pas s'il est là déjà. Younes, t'es là, Younes? Ouais, on m'entend. Allô. On t'entend. Si vous n'entendez pas, il est en direct de Toulouse. Ah ben voilà. Et ouais, Younes. Donc attends, toi, j'ai pas une gros accent, moi. Donc, non, pas du tout. Non, t'as pas du tout. Non, absolument pas. Pas du tout. Non, sérieux. Sérieux, non, mais alors, sérieux, Younes. Pas d'accent, mais alors. Ouais, moi, du tout. Je voulais conseiller Abdel de laisser tomber. Ah, toi aussi, tu fais partie des 74%, ouais. La majorité des voix pour le sondage express spécial pour Abdel. Pourquoi faut laisser tomber? T'as eu la même chose, toi? Ouais, j'ai eu la même chose, ça va se reproduire. Donc autant qu'il laisse tomber. Donc toi, t'as été cocu ou t'as fait cocu, toi? Non, moi j'ai rien fait, moi, c'est mon ex. Oui, donc c'est elle qui te faisait cocu. Ouais, et quand je m'en suis rendu compte, j'étais dégoûté. Et là, j'ai choisi, je me suis dit, bon, soit je continue et bon, je reste dans la parole, là, soit je comme Jules, on saluera et on contactera peut-être d'ailleurs avant minuit. Non, paranoïa, Jules. Oui, par contre, dans ma paranoïa, Jules. Paranoïa. Et donc, ouais, donc, je préférais laisser tomber et au bout de 2-3 mois, je me suis rendu compte qu'en fait, elle flirtait avec plein de mecs et elle pouvait coucher avec n'importe qui. La salope. Là, oh, la vilaine. Quelle vilaine. Salope. Mais juste. Un truc, même si tu l'aimes énormément, je sais pas s'il est toujours là, Abdel. Ouais, il nous écoute, il est en train de travailler son Uber. Il va l'oublier, au bout de 2-3 mois, il va l'oublier, il va passer à autre chose. Et, mais toi, elle t'a fait cocu combien de fois, Younes? Je sais pas, mais j'en suis sûr au moins d'une fois. Ouais, t'es sûr au moins d'une fois et t'as des soupçons sur plein d'autres fois. Mais combien de fois, il a dit? Non, une fois. Non, une fois, c'est une fois, mais j'ai. Ouais, après, si la meuf donnait son cul à n'importe qui, oui. Ouais, après tu penses, tu dis peut-être là, elle m'a trompé. Elle est généreuse en tout cas, elle est gentille. Ouais, généreuse, ouais, c'est super. Ouais, gentille. C'est bien, ouais, ouais. Bah, super, quand t'es son mec, t'es content. Ouais, donc toi, tu penses. Bon, il faut pas continuer, qu'il passe à autre chose. Non, il faut qu'il se libère la tête. Et bon, 2-3 mois, de toute façon, il va l'oublier. Moi, je reste sur mon avis de laisser une dernière chance à l'amour. Laisse une dernière chance. Non, mais au moins, je sais pas, comme on avait dit samedi, il discute avec elle, il voit comment ça se passe, et puis après, il décide. Mais il avait l'air amoureux en plus, Abdel. Ouais, c'est ça. Mais si, t'es amoureux. Mais c'est sa fierté qui parlait, là. Mais non, c'est lui qui parlait. Parce qu'il l'avait avec un autre mec. Sa bouche qui parlait. Il a quand même pleuré, Marie. Ouais, ouais. Il a quand même pleuré. Ouais, il a pleuré, ouais. Ouais. Bon. Très bien. Est-ce que les femmes sont fidèles? Fais un sondage, dit Foul, dit Statami. Ouais, bah là, t'as un bon exemple avec Younes, la tienne n'était pas fidèle. Non. Et t'as mis longtemps à retrouver une autre, Younes, ou t'es célibataire encore? Non, après j'ai papillonné. Mais là, je suis, on va dire, célibataire. D'accord, ouais, mais tu papillonnes, tu. Ouais, je vais à droite, à gauche. Voilà, et c'est pas mal, hein, ça fait du bien un peu. Hein. Bah, après une rupture. Après une rupture, et surtout après 2 ans de vie. Ouais, t'en profites. En couple, ouais, c'est ça. Ouais, t'as bien raison, profite. Ok, Youyou, bah écoute, merci à toi. Tu salues tout Toulouse, toute la ville rose. Ouais. Il faisait combien aujourd'hui à Toulouse? Oh, putain, ça devait être l'enfer. Je sais pas, il doit 34, 35, être 30 ans. Ah, battu à Paris, on a fait du 36 aujourd'hui, là. Ouais, non, c'est même monté à 40, m'a dit le mec avec qui j'étais en voiture, et ça montait à 40 cet après-midi. Non, mais il a pris ta température, Marie. T'as mis... Non, non, dans ton cul, ouais. Il a mis quelque chose dans ton cul, il a pris la température. Oui, pareil, qu'il y a eu un pic à 40. Non, bah oui, parce que je pense que lui, il est en plein soleil. Ouais, et vu que les températures voiture. Se relevaient sous abri. Ouais. Bon, ben, bonne soirée à toi. Merci, Younes. Hein. Merci à toi. Continue de papillonner. Salut, Younes. Salut, Younes. Oh, c'est Pitbull. Pitbull qu'on va retrouver sur Skyrock avec Florida. Son que vous avez découvert cet été sur Sky, il s'appelle Green Light. Un gros son qu'on adore, c'est bien, ça fait penser aux vacances. Et je crois que ça va nous accompagner pour la rentrée, ce son-là. Ouais. Pitbull, Florida, écoutez, les familles du double appel. Ah oui, on en parle depuis tout à l'heure. Eh ben, on va les mettre en contact d'ici quelques instants. Préparez-vous. Les familles du double appel. Et si vous voulez qu'on appelle quelqu'un, vous pouvez nous laisser vos numéros de téléphone aussi. Enfin, pas les vôtres, mais le numéro de téléphone de qui on peut appeler ce soir. On les met en contact avec d'autres familles de France. On crée des contacts sur Skyrock. C'est beau, hein. Ah oui, magnifique. Encore plus fort que Smax. Donc, allez-y, vous nous laissez tout ça. Puis, si vous voulez passer dans l'émission, si vous avez la moindre question ou le moindre délire à vous taper, profitez jusqu'à minuit. C'est Radio Libre. Et c'est Pitbull et Florida tout de suite. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le Morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée. Bah, c'est Skyrock. Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le Morning de Difool. Voilà. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du noir. Quand j'éteins la lumière, il y a une femme. Elle déteste la lumière. Moi aussi, je la vois. Découvrez Dans le noir, le nouveau frisson de James Wan, le réalisateur de Saw et Conjuring. N'éteignez jamais la lumière. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Dans le noir, maintenant dans les salles. Avec Skyrock. Des rencontres sympas, la belle histoire tant attendue, le grand amour, Love au 62070. Des hommes et des femmes qui vous ressemblent. Love, L-O-V-E au 62070. Du chat, par SMS, facile et sans engagement. Love au 62070. 50 centimes plus prix du SMS DGP. 21 Pilots. 21 Pilots. So I'm taking my time on my ride. 21 Pilots. Taking my time on my ride.

C'est bien ça, la pêche, c'est le retour de Pitbull. Il était sympa quand il était venu. Allez, allez. Pitbull, ouais. Il se touche toujours les boules. Et les grosses couilles. Ah, le mec, il est couille hallucinant. Surtout, t'as vu le pantalon moulant. Mais c'est ça, il remonte, tu vois que ça, et puis il les touche. Le mec est habillé comme Claude François, donc. C'est Pitbull. Et 40 ans après. Et Florida qui a des bras, on dirait mes cuisses. Ah ouais, lui, il est balèze. Impressionnant, ils étaient venus tous les deux dans l'émission. Florida Pitbull avec Green Lights. On va se faire du SCH. Alors là, on est plutôt dans le. Là, c'est moins musclé, SCH. Au niveau du son, par contre, c'est bien musclé. Ouais. On se fera un extrait d'album de SCH tout à l'heure. Avant minuit, on aura du Rihanna à écouter avec du Drake. Grosse surprise pour Drake. Je sais pas si j'ai le droit de vous annoncer. Tu as le droit de vous annoncer ou pas? Ah, je sais pas. Vas-y, dis-moi, je sais pas. Bah, je sais pas. Une surprise bientôt. J'en dirai plus. Je sais même pas si j'ai le droit. Ah, c'est chiant de dire surprise et de pas savoir. Bon, surprise Drake sur Skyrock, j'en dirai plus bientôt. Hein. Du Major Lazer et Alonso. Si tiens, il y en a plein qui nous ont demandé Alonso. Eh bien, on l'écoutera Alonso avant minuit. Petit tour à Marseille. Alonso, des psychiatres de la rime avec Binta. Le gros morceau que vous avez découvert aussi sur Skyrock. Profitez-en dans un instant sur Sky. Tiens, le double appel. Si vous êtes prêts, on va m'y aller tout de suite parce qu'après, il va se faire tard pour le double appel. Eh ben, y a pas de problème. Ouais, parce qu'après, les familles sont difficiles à joindre. Là, il est déjà 10h03. Bon, c'est les vacances. On va réussir à les connecter. J'espère, en tout cas. Merci pour les numéros que vous nous avez laissés. Vous savez que vous pouvez nous laisser tous les soirs les numéros de téléphone qu'on peut appeler pour le double appel. Vous avez été plein à nous en laisser, comme dit la Marie. Ouais, il y en a plein. Eh bien, on va s'en servir. Ben, évidemment qu'on va s'en servir. On va tester tout ça et puis dans un instant, on vous présentera Dylan qui doit être au téléphone avec nous en direct de la Gironde. Direct de Gironde. Salut Dylan. Ouais Dylan. Salut l'équipe. Salut Dylan. Et puis on aura Bruno en direct de Paris. La France entière est sur Skyrock. Ça fait plaisir. Salut Bruno. Salut. Salut Bruno. Bruno, 23 ans et parisien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, et alors ce soir, tu nous demandes de décider de la suite de ta vie, Bruno, c'est ça? Oh putain. Eh oui. Ouais, c'est. Et oui. Ouais, c'est ça, ouais. Car vous pouvez tout nous demander sur Skyrock. Ouais. Vous nous passez un coup de fil le soir et dès que vous avez une question, vous avez même le droit de décider de la suite de votre vie grâce à Sky. Donc, Romano, sort tes boules. Sors mes boules. Non, ça va aller. Merci. Mais pourquoi tu veux que Romano il sorte ses boules comme ça? Sympa. Ah oh ouais, vas-y, sors-les. Ah, ça va aller. Et je te les lèche. Les micro-boules, je les gobe. Tu m'excites, Cédric. Ah, ça va aller. Ah ouais. Désolé. Non, t'as un choix de vie à faire et tu voudrais demander à nous, puis aux auditeurs et aux auditrices de Skyrock, ce qu'ils en pensent. Et donc, on va t'écouter dans un instant. Et attention, on fera le choix pour ton futur, le choix pour ta vie dans un instant, Bruno. On fait comme ça? Ça roule, ouais. Alors, Dylan, Bruno, vous quittez pas, mais vous le savez, priorité aux familles sur Skyrock. C'est pas nous qui appelons ou qui vont. Aucun des deux n'a appelé l'autre. C'est qui appelle, là? J'ai une bonne bite, là. Le double appel de Default sur Skyrock. Qui dit j'ai une bonne bite? Ça, c'était Patrick. Eh ben oui, Patrick. Patrick, le célèbre Patrick qui disait j'ai une bonne bite. C'est le même qui disait. Il faut qu'il t'encule, là. Ah, c'est lui, là, vous l'avez reconnu. Hein. Ah, j'ai des godes. Il a des godes, il a tout. Avec un god et tout ça. Ah bah, c'est avec tout ce que tu veux, tout ce qu'il Patrick. Faut, ouais. Donc, on met deux familles en contact, on essaie de les garder le plus longtemps possible et on essaye surtout de faire en sorte que ça se passe bien entre elles. On va faire donc le premier test de la soirée en direct. Qui c'est qu'on appelle, Samy, ce soir? C'est parti chez Pierre dans le 43. Bah, très bien. Chez là, Sébastien dans le 42. Eh bien, ça plaît à Patrick, il a dit très bien. Donc Pierre dans le 43, c'est bon, là. La Haute-Loire et Sébastien. Allô? Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Oui, il y a une erreur, non? Non, non. Bah, j'en sais rien. Tu demandes qui? Ben moi j'appelle pas, c'est vous qui appelez. Ben non. Bon bah allez, bonsoir. Allô. Allô. Oui allô. Oui, pourquoi vous m'appelez? J'appelle pas moi. Ah bah si. Bah bien sûr oui. Ah bah vous l'entendez, il y a quelqu'un chez vous qui a dit qu'il bien sûr vous appeliez. Allô. Mais il y a trois personnes. Ah bah je sais pas combien on est là, on est. Allô. Ah bah c'est qui lui? Allô. Allô. Allô. Allô. Mais qui c'est ça? Allô. Oui allô. Allô. Bon. Allô? Allô? Allô, Lolo? Allô? Il n'y a rien compris. Hein. Non, rien. Lui, il n'a pas raccroché. Il y a trois personnes. Pas trois, on était 1, 2, 3, 4, 5. Plus Patrick, 6. Pourquoi tu m'appelles? Plus ta famille. Vas-y, on essaie de les rappeler. 7. Allez, vas-y, c'est reparti. On va lui Patrick frontal, là, direct. Tu refais les mêmes? Allez, on refait les mêmes. C'est reparti. Allô? Allô? Allô? J'ai une bonne bite, là. C'est gentil. C'est une belle proposition. Bah, bien sûr, oui. J'ai une bonne bite. Allô? Bon. Bon, je suis désolé, mais je crois que Patrick les a choqués. Et ça, ça peut se comprendre. Marie, si t'as quelqu'un qui t'appelle chez toi et qui te dit j'ai une bonne bite, comment tu réagis? Je raccroche à la gueule. Peut-être que je gueule. Mais je prends son numéro avant. Avant, oui, ouais. De le raccrocher. Attends, je te rappelle tout de suite. Oui. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. Génial. Ben, je t'appelle tout de suite, Marie. Tu lui dis j'ai une bonne bite au téléphone. Marie, elle te fait un truc. Ah, bah, vas-y, ben, pas de problème. Pas de problème, c'est ça. Bon, allez, un autre. Qui c'est qu'on appelle? Alors, on va aller chez Albert et Francine, des prénoms à la mode. en effet, Albert et Francine. Bah moi, je prends les numéros que vous me laissez. Hein. Oui. Allô? Ah non, il n'est pas décroché. Non. Faut attendre. Peut-être que ça décrochera jamais. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui? Oui. Allô? Allô? Allô? Oui? C'est toi, Denise? Oh, on a l'impression qu'on est trois sur la ligne. Voilà, là. C'est ça. Qui demandez-vous? Peut-être, je sais pas. Qui demandez-vous? Il y a un homme et deux femmes, là. Quelque chose qui va pas. Moi, je demande. Bah oui, mais c'est masqué son numéro. La personne que je connais. Ah bon? Bah, c'est une femme. Ça doit pas être moi, alors. Bon, ben, je m'excuse. T'es en train de te faire baiser ou pas? Eh, il y en a trois, vous voyez, on est, nous sommes trois sur la ligne. Bon, eh ben, on va arrêter. Ben, on m'appelle, je sais pas qui c'est, alors vous pouvez vous présenter? Ben non, moi, c'est moi, on m'appelle, là, pour l'instant, alors. C'est vous qui m'appelez. Oh ben, moi, le téléphone, je décroche. Oui, eh ben, vous savez pas, il vaut mieux pas répondre. Voilà, eh ben, là, je vais pas insister longtemps, je vais vous dire au revoir, madame. Ben non, je vous ai pas appelé, hein. Non. Voilà, bah voilà. C'est Cédric. Cédric. Comment? Le caca, c'est bon. Voilà, tiens. Oh, mais vous êtes dégoûtant, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est Cédric. C'est Cédric qui est dégoûtant. T'as reconnu? Mais ah oui, ouais, bien. Elle t'a reconnu, tu es dégoûtant. C'est ah oui, vous êtes dégoûtant. Écoutez, caca, c'est bon. C'est con, par contre, elles ne répondront plus, elles ont dit. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux pas répondre. Et donc, elle s'excuse alors qu'elle a pas appelé, tu sais. Ouais, normal. C'est normal. Excusez-moi. Excusez-moi. Et il y a une personne que j'appelle en masqué. Oui, c'est bien. Elle nous a parlé d'une Denise, je sais pas qui c'est, parce que là, on avait. C'est toi, Denise. On était dans les prénoms swagués quand même. Ah ouais. Albert. Francine. Et Denise. Ah, on est dedans là. Il manque plus que Marguerite ou et là on était vraiment dans le top du top. Hein. Merci à Albert et à Francine, ça donne envie de continuer. Ça. Ouais, t'en as d'autres, allez. Samy, allez, vas-y. C'est parti. Ah là. Il était bon celui-ci avec la femme Bécasse. 06. Elle s'appelait pas Bécasse, elle s'appelait Francine. Et c'est où Marguerite? Ouais. Ah, allô. Non, fais chier. Mais non, fais pas chier. Allô. Ah, il est déjà parti. Ah oui, il y en a qui s'est déjà barré, l'autre il a pas répondu. Vas-y, laisse sonner le. Allez, ils sont partis. Allez, deux sont partis. Vas-y, deux autres, vite fait. Allez, deux autres, vite fait. Alors, on était dans le 06, je sais pas où. Donc ouais, l'autre, c'est l'autre... Marie qui l'avait pris sur. C'est la mère de Tony qui m'a dit que. Absolument, oui. Voilà, je n'ai absolument rien compris de ce qu'a dit la Marie. Mais la mère de Tony qui nous a appelé pour nous donner le numéro. Ça devait être très. Ah, elle voulait qu'on appelle son fils. Non, c'est l'inverse. C'est Tony qui a appelé le numéro de sa mère. En fait, t'as vraiment rien compris. Ouais. Ah non, c'est Marie qui a très très mal expliqué. Je crois que c'est Marie qui a pas compris aussi. Je sais pas, j'ai un numéro en fait. Très bien. 41 et 49, Benjamin Thierry. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Moi, je suis décaloté complètement. Hein? Bah, moi je viens de me lasser, mais pas simplement ça, hein. Ah merde. Je suis décaloté complètement au premier coup de fil. Ouais, c'est vrai quoi. Forcément, ça peut choquer. Ça surprend. Je veux dire, t'as un mec qui t'appelle et qui te fait je suis décaloté complètement. Bon, forcément, ça. Je peux avoir ton numéro? Ah, ça dépend à qui, c'est vrai. Voilà, je te la suce. Marie, ça lui fait. Vas-y, décalote encore plus. Marie, tu peux décaloter plus. Marie et Cédric, ça leur fait pas de choc. Non. Mais pour certains, ça peut le faire. Bon, c'est qui? Allez, les derniers. Vas-y, Thierry et Paul, 64-76. Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Allô? Ah oui, ben allô, pourquoi allô? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Oui, et alors? Doigt dans la chatte, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Patrick? Et je peux te dire que je vais te baiser. Absolument, oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Avec un god et tout ça. De 21... Mais vous appelez qui, là? Bah toi. C'est-à-dire? Bah toi. Mais ça va pas, non? Bah si, attends. Bah je vais te branler. Mais bah, t'es voilà. Un vrai connard, on va te faire voir. Patrick. Écoute, tu le suis bien. Hein? C'est mal, ça. Allô? Ben, moi, je suis Patrick, hein. Allô? Comment? Allô? Oui? Oui, comment vas-tu? Et toi, Patrick, comment tu vas bien? Ben, très bien, là, bon. Et toi? Écoute, Patrick. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Hey, écoute, Patrick, est-ce que tu te fous de ma gueule? Là, je suis à poil, là. T'es à poil? Ben, pas de problème. Et je peux dire que je vais te baiser. Je fais pas dans ce genre-là, moi. Ouais, moi, je suis décaloté complètement. T'envoies ma femme? Eh ben voilà. Ah ben nickel. Ah ben voilà. Eh ben voilà, très bien. Là, j'ai en érection. On fait comment, alors? Comment on fait? Ah ben ça, je sais pas. T'as un petit rendez-vous avec ta femme, on fait comment? Bah, je vais pas tousser. Tu me dis, puis on fait comme ça, quoi. Très bien, bah écoute, ce qu'on fait, je lui donne rendez-vous à l'arrêt de bus à côté de la maison. Tu la prends bien? Pas de problème. Et je la prends bien, oui, oui. Pas de problème, dans 5 minutes, elle est descendue. Eh bien écoute, c'est parfait. Ok, je te remercie, t'es pas jaloux, moi. À plus tard, ouais. Bon, ben, bien sûr, ouais. À plus tard. À plus tard. Salut. Ah, salut. Et ben bonne soirée. Et merci pour ta femme. Et salut. Sympa ta femme. Et ben voilà. Et voilà. Attends, et heureusement que tu fais pas clash de la drague, dis-fou. Hein. Pourquoi? Parce que là, direct serrage, gros serrage. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout, heureusement que c'est pas Patrick. C'est aussi, vrai. Ouais. Aussi. Qu'est-ce qu'on était forts, hein, tous les deux, pour ce magnifique rendez-vous du double appel. Bon, il y en avait un qui s'était barré. Par contre, lui, on l'a gardé. Il était pas mal. Hein. Voilà, c'est un double appel qui se transforme en clash de la drague. Mort de rire, nous dit la flotteuse 17 ans. Salut à toi. Maxime est très content du double appel. Maxime, 15 ans. Super, le double appel. Un d'autre. Oui, demain soir. Mort de rire, les nouveaux sons de Patrick. Oui, c'est Patrick. Le retour, c'est Thibaut qui est content. Bon, vous laissez vos numéros, hein, si vous voulez. Enfin, pas les vôtres. Les numéros des gens que vous voulez qu'on appelle, si vous voulez qu'on les appelle pour le double appel. Vous envoyez ça sur le 41-759 ou sur l'appli Skyrock. Vous écrivez double appel. Vous nous dites qui c'est qu'on appelle, qui c'est que vous connaissez, quel code de la famille, quel code que vous aimez bien ou pas d'ailleurs. Ouais. Et on s'en occupera dès demain ou si on a le temps avant minuit, on sait jamais. Hein, tout peut arriver. Vous êtes sur Skyrock, c'est la radio libre. Et maintenant, on va décider de la vie. Et oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. De la vie de Bruno. Un choix de vie. Et ouais, Bruno, tu veux nous poser une question? Ouais. Et une question qui engage la suite de ta vie, Bruno, c'est ça? C'est bien ça, ouais. Eh bien, écoute, j'espère que ça sera. Eh ben, t'as pas peur. J'espère que ça va bien se passer, au moins aussi bien que pendant le double appel. Hein ouais, j'ai juste un truc à dire avant, juste à Romano pour sa télé. Bah, ah, tu étais au courant que sa télé est décédée pendant les vacances? Elle est morte, ma télé. Oui, elle est morte. Bah oui, mais il l'a abandonnée, c'est normal. Ah ouais, c'est ça, elle a pas supporté mon retour. Pendant un mois, pam, abandonné la télé. Il revient, il la rebranche et. Ouais, voilà, foutu la télé. Et lui à bout de nerfs. Elle est morte, la télé. Foutu, elle est morte. Ouais. C'est quoi le conseil que tu voulais lui donner? Ah, non, c'est même pas un conseil, c'est qu'en fait, tout le monde lui dira, ah ouais, Samsung, c'est de la merde, mais en fait, c'est pas de la merde, c'est juste une télé qui a un très bon rapport qualité-prix, on va dire. Mm. Et en fait, tous ceux de Tarty diront, ouais, non, en fait, Samsung, c'est mieux. Ou Sony, c'est mieux, parce que voilà, c'est plus cher pour payer, voilà, c'est ça. Et en plus, c'est vite. Ah oui. Ben, en plus, les vendeurs, ils touchent une com sur chaque vente. Ah. Donc, vaut mieux vendre un truc plus cher. Voilà, c'est ça. Ah, donc c'est pour ça qu'ils te diront de prendre Sony. Ah, donc tu aurais fait une bonne affaire en prenant ta Thompson, Romano? Non, bah, mais écoute, il y a une affaire, hein. Ah ben écoute, merci du compliment, ça me... Moi j'en ai une, j'en ai acheté une pour quoi, 400 euros, il y a 5 ans, elle est toujours comme au premier jour. Hein. Bah j'espère qu'elle restera vivante longtemps, ma nouvelle télé Thompson. Oui. Ah, si ta télé est tombée en panne, nous dit Lily du 54, c'est parce que tu regardes trop NRJ 12. Ah, je regarde jamais. Je regarde jamais en plus, c'est vrai, il y a rien là-dessus. Ah oui, il y a quoi? Quand j'en regarde, il y a que de la merde souvent, ouais. Non, il y a American Dad le dimanche, c'est bien. C'est quoi ça? Ou samedi, je sais pas. Non, aussi, t'aimes bien les cadavres, il y a Jean-Marc Morandini qui est fait crime. Non, mais c'est vrai. Il fait l'émission. Mais non, mais il fait présente là, l'émission. Non, crime, ouais. C'est un peu comme fait entrer l'accusé, c'est des histoires glauques. Ah, très bien. Ouais, donc en effet. Moi non plus, j'en regarde pas. Ah, c'est ça. Oui, c'est crime, ouais. C'est ce que j'ai dit, ouais. Dit, ouais. Ça s'appelle crime. Complètement con, toi aussi. T'es con. Pauvre Romain. C'est Romain des réseaux sociaux. Oui. Ouais. L'autre, il me dit, ouais, ça s'appelle crime. Mais c'est bon, je sais. Crime avec Jean-Marc Morandini. Il l'a dit 10 fois. Comment elle va, ta maladie sexuellement transmissible au sexe? Parce que hier, je suis arrivé dans le. Romain, c'est des réseaux sociaux. Je suis arrivé dans son bureau des réseaux sociaux. Et il discutait avec un gars de Sky. Et il était là, ouais, je sais pas, j'ai une maladie sexuellement transmissible. Non, je sais pas. À mon sgeg. Non, je disais pas ça, je disais qu'il fallait faire des dépistages fréquemment. Tu vas faire des débits. Pourquoi tu fais n'importe quoi avec ton, tu fais n'importe quoi avec ta bite? Non, faut en faire minimum deux par an peut-être. Ah ouais. Mais pourquoi tu... Bah pour être sûr, comme ça on est bien sûr. D'accord, mais tu peux mettre des capotes aussi. Aussi, mettre des capotes. Et tu peux arrêter de mettre des slips aussi, gros, parce que c'est gênant. Ils sont très beaux. Ils se baladent en slip dans la radio, des fois ils pètent les plombs. Ils se baladent en slip dans la radio. Ah, Cédric est excité. Voilà, mais c'est à quelle heure? Je peux avoir ton numéro. Ton coiffeur, il a pas fini la coupe en fait. C'est moche les slips, hein. Ah, moi, j'aime pas. Ah non, j'aime pas. Ah bah Cédric adore par contre. Ah ouais, ah ouais, sexy baby. Ouais, hey, pour faire plaisir à Cédric, vous avez une photo de vous en slip, envoyez-les sur un bonhomme des mecs en slip, j'en ai vu pendant tout l'été. Slip, il veut lui montrer à Cédric. Non, en slip. Vas-y, fais voir ton slip, ouais. Bah, vous en envoyez au, sur l'appli Skyrock, allez-y. Allez. Voilà. Ah ouais, je bande. Ah vas-y, dégage, tu m'excites. Voilà, c'est vrai qu'il donne des coups de pied, c'est bien, c'est sympa. Ouais, mais tant qu'il donne pas des coups de bite. Mais j'ai vu que t'avais un slip, ouais. Bon, alors. Bruno, parce que là on s'est détendu, tout ça. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Bruno, c'est quoi le choix de ta vie? Ouais. Bah voilà, en fait, il y a pas longtemps, je suis parti en vacances. Mon patron, en fait, il m'a dit, vas-y, pas en vacances, il y a pas beaucoup de taf, en fait. Mm-hmm. Et je suis parti en vacances, bah, comme tous les ans, et comme autant de fois que je peux par année, au Portugal, pour chez ma famille. Ah, mais tu es portugais. Eh, vive à Portugal. Portugal, ouais. Champion d'Europe. C'est ça, ouais. Eh, ouais. Ouais. Ouais. Ah, vous avez bien baisé. Vous avez bien baisé, les Portugais. Hein. Non, c'est de bonne guerre, on va dire. Ah, mais vous avez bien baisé quand même, c'est de bonne guerre, mais vous nous avez bien baisé quand même. Bah, baisé, ça a été au plus chanceux, hein. Il n'y a pratiquement pas eu de match, on va dire. Oui, mais bon, il n'y a pas eu de match, mais le match, vous l'avez quand même gagné, hein. C'est fait baiser. Ah, ouais, c'est fait niquer, ouais. On va pas créer de polémique non plus, voilà. Non, mais on va pas savoir. Ah, mais bravo à vous, hein. Bah oui, on est sport, hein. On soutenait l'équipe de France, mais bravo les Portugais. Ouais, on a fait un beau parcours. Et tu fais quoi comme boulot, t'as dit? À Portugal. Mais j'ai pas dit que j'ai t'as pas dit. Non, parce que t'as dit que ton patron t'avait laissé partir, machin, mais tu fais quoi comme boulot? Je suis dans la boulange, en fait. T'es maçon? Ah. Hein? Non, non, non, non, non. On y pensait, mais non. Mais ça se rapproche. De la maçonnerie? Bah, ça, non, mais en fait, à la boulangerie, on fait du pain, donc c'est de la pâte. Du pain en plâtre. Du pain, ouais. La confiture de mur. J'ai pas envie de baguette, toi. Les boulangeries portugaises, ils n'ont pas de farine, ils utilisent du plâtre. C'est cool, ça. Voilà. Du plâtre ou du ciment pour. Sympa. Bien pratique d'être portugais. Ouais. Et ouais. Et donc, ouais, vas-y. Donc voilà, en fait, je suis parti en vacances et bah, comme tous les ans, en fait, là-bas, j'ai toute ma famille, j'ai mes sœurs, mes frères, mon frère, ma sœur, mes cousins, mes cousines. Bon, je passe, je vais faire un petit tour, voilà. Mm-hmm. J'ai tout le monde. Et en fait, comme tous les ans, ça fait, on va dire, ça fait super mal au cœur de repartir de là-bas pour revenir me casser le cul. Ah, bah, normal. Non, mais ça, c'est les vacances. Oui, ça le fait à tout le monde. Hein. Je sais pas, si tu pars en vacances, je sais pas, moi, aller en Martinique, même si t'es pas Martiniquais, t'as quand même les boules de revenir en. Ah, ouais, mais tu vas devenir Martiniquais, ouais. De revenir en métropole quand c'est la fin des vacances. Non, mais c'est vrai, mais en plus, quand t'as toute ta famille, t'as encore plus les boules, hein. Tu pars en vacances avec Knotlezout, tu regrettes Knotlezout dès que t'arrives chez toi, c'est normal. Ah, ça, c'est pas sûr, ça, par contre. Limite, tu restes là-bas, même. Et voilà. Ouais, mais les gens ils reviennent, bah, ceux qui partent en Martinique ou en Guadeloupe, comme tu disais, bah voilà, mais ils ont pas de famille, ils ont personne, ils reviennent, ils ont toute leur famille en France ou dans leur pays où ils rentrent. C'est que moi j'ai vraiment tout le monde là-bas et quand on rentre ça fait vraiment très très mal. Donc il y a pas très longtemps j'ai pensé avec mes parents de vendre mon appart et tout ça, mais en fait j'ai pas vraiment. Et aller vivre au Portugal. Ah, tu veux vivre au Portugal. Voilà, en fait, on change tout le monde là-bas et voilà. Donc c'est pour la famille, les amis, mais pourquoi t'as pas d'amis en France? Si, j'ai des amis, mais bon, ça remplace pas la famille, ça remplace pas les frères, les sœurs, les cousins. Les amis, ça va un moment, mais bon, c'est pas fiable. Si on est une couille, les amis, ils sont battus les couilles de toi, quoi. Après, faut te dire, est-ce que t'es capable de vivre toute l'année au Portugal? Parce que c'est le Portugal pendant les vacances d'été, c'est sympa. C'est ouais, c'est ça, tu bosses pas. Il y a du soleil, t'es en vacances, ouais, tu vas à la plage, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça, en fait, ça, parce que c'est un autre rythme de vie, en fait. Mais en décembre, par exemple, est-ce que tu te vois au Portugal avec toute la famille? Est-ce que t'aurais du boulot, déjà? Bah, le boulot, en fait, si, ouais, j'en ai un de boulot parce que ma sœur m'en a trouvé un, en fait. Mais c'est, bah, après, en hiver, là, bah oui, passer les Noëls en famille, oui, ça serait bien, quoi. Ouais, mais ça, Noël, tu peux toujours partir pour Noël, hein. Mais au Portugal, ils habitent dans une ville ou c'est genre un coin paumé? Ah, c'est une bonne question, ça, Romano, parce que c'est vrai, on parle des villes. C'est comme si on disait, bon, bah, je décide de changer de région en France. Après, quelle est la région où tu peux habiter, je ne sais pas, par exemple, à Autun en Bourgogne, ou alors, par exemple, à Nice. Ouais. Bah, moi, personnellement, je préférerais habiter à Nice. Ah ouais, moi aussi. Je crois que tout le monde dans l'équipe. Ah ouais. Qu'à Autun en Bourgogne. Bah, c'est clair. Oui, c'est vrai. Ouais, ma sœur a fait ça. Ah, il y en a qui se déchaînent sur les Portugais. Le Portugal au JO, on en parle. Une médaille seulement. Ah bon? Merci le dog sur les messages là. Oui, tu vas Bruno. Tu vas vivre. Attends, attends, tu me redonnes un autre numéro. Ouais, ah, d'accord, excuse-moi. Non, on voulait savoir, c'est dans une grande ville ou dans une petite ville? Porto. Ah donc oui, ah ouais, donc ouais, Porto, ouais. Vas-y, vas-y tout de suite. J'ai rien que le nom, il est génial. Ah, ouais. Ça pour Marie, rien que non, le mais nom. Il paraît que c'est sympa Porto. Moi je connais pas du tout le Portugal, mais. Par contre Porto, tu connais Marie ça. Hein. Ah je connais bien. Ça, je connais le Porto. Ah, ouais. Je m'en vais au Portugal du Porto. Non, t'es con. Tu vas habiter. C'est vrai que quand tu t'es dans une grosse ville comme Paris et que tu pars vivre dans un tout petit bled, ça fait quand même bizarre quoi. Non, et puis des fois il y a des lieux de vacances, tu vois moi par exemple, je vais en vacances l'hiver, je crois il y a 400 habitants. Ouais, quoi. Donc voilà, c'est clair. Non mais ouais, parce que c'est vraiment une station balnéaire et l'hiver il y a personne quoi. Ouais, et puis le rythme de vie. Tu sais les magasins ils ferment, il y a plus un resto d'ouvert, il y a rien à faire ouais, quoi. Bien sûr. C'est la mort. Donc Bruno, c'est vrai, donc t'habites à Paris, si tu déménages, tu vas à Porto, donc ça va ouais. Tu vas déménager dans une grande ville, Porto, Portugal. Ouais, donc c'est grande ville contre, et même s'il y a moins de monde à Porto qu'à Paris, mais enfin, c'est grande ville contre grande ville. Quoi. Ouais, ça va encore. Non, je sais pas ce qu'on pourrait décider pour toi. T'as pas de meuf, Bruno, là, pour l'instant? Bah, en fait, il y a mon ex qui était venu là il y a pas longtemps, mais en fait, bah, j'avais pas envie de me remettre avec. Ouais, j'avais pas de meuf, envie de partir, quoi. Non, bah, ça, c'est important. Si t'as des amis auxquels tu tiens beaucoup et qui sont à Paris et que tu vas plus revoir après ou pas? Bah après ouais j'en ai quelques-uns mais bon après voilà ce que je dis c'est les amis ça remplace pas la famille quoi. Bah c'est vite fait hein ouais. C'est vite fait hein. Je sais pas c'est plus important ta famille vas-y quoi. Tu sais, il y a des gens qui sont vachement attachés à leurs racines, quoi. Non, mais c'est après, ça dépend là-bas. Si tu vas, le taf qu'elle t'a trouvé, ta sœur, il est bien ou c'est un taf vite fait? Bah, c'est maçon, hein. Bah, non, c'est le taf comme en boulange, quoi. Ah, ouais, d'accord. Ouais, mais t'auras des revenus, tu gagneras bien ta vie. Enfin, tu pourras, tu vois. Ouais, en fait, moi, ce qui est bien, c'est si tu pars, c'est de garder à peu près le même niveau de vie, quoi, ou voir faire mieux. Et tu parles couramment portugais? Oui, bah en fait j'ai appris à parler depuis tout petit. Ouais. Ma mère, elle voulait pas me garder pendant les vacances en France, elle me dégageait au Portugal. Bah bon, vas-y, moi je connais Vat Foder en portugais. Ah, moi aussi. Vat Foder. Ça veut dire va te faire enculer, c'est ça? Oui, c'est ça. Va te faire foutre. Ah, va te faire foutre. Ah, et comment on dit va te faire enculer? Va te culer. Non, en fait, va te faire enculer, en gros, c'est va te faire foutre, il n'y a pas de va te faire enculer. Ah, et si, bah, par exemple, si j'ai envie de dire je vais t'enculer, comment je dis? Je vais t'enculer. En fait, on dit pas ça. Ça se dit pas en fait. Ils sont polis les Portugais. Ils enculent pas. T'as vu? Je vais te foutre. En gros, c'est votre foudre. En gros, c'est, je vais te niquer. Je vais te foutre. Quoi. Votre foudre. Avec plaisir. Et bien voilà. Votre caraï. Mais parce qu'après, c'était par rapport aussi à tout ça, c'est par rapport à tout ce qui est impôts et tout le bordel. Ah bah c'est vraiment pas comment ça. Ouais, alors attends, on fait pas encore conseiller fiscaux dans l'émission. Quoique, Romano peut-être. Bah si tu veux au Portugal, au bout d'un moment, bon, il faudrait que tu payes tes impôts que t'as pas payé en France jusqu'à maintenant parce qu'il y a un an de décalage. Quand tu payes les impôts, en fait, par exemple, les impôts que les gens payent cette année, c'est ceux de l'année dernière, sur l'argent qu'ils ont gagné l'année dernière. Oui, donc, c'est bien ça, oui. Et une fois que tu seras au Portugal, bah je pense qu'après tu dépends. De toute façon, tu vas avoir, t'as la double nationalité. Ah oui. Ah, ouais, donc si tu vas pas, tu paieras plus d'impôts en France. Ouais, en fait, ça sera qu'au Portugal, ouais. Tu paieras tes impôts au Portugal. Non mais par exemple. Non mais t'es pas comme Romano, faut pas déménager pour une histoire d'impôts. Uniquement pour ça. C'est que Romano a demandé la nationalité monégasque. Hein. J'attends des nouvelles. Ouais, des nouvelles du prince Albert. Ah ouais. Non parce que voilà en fait ce que je voulais c'est de le vendre avant la fin de l'année parce que si je reste jusqu'en janvier je vais devoir me taper des la taxe foncière et tout le bordel de l'appart juste pour un mois et ça me ferait mal au cul pour rien. Non mais bon est-ce que vous partirez... Ah mais déjà il faut être sûr de vouloir partir. Quoi. Ouais. Faut pas regretter parce que là si tu vends ton appart et tout. Le retour va être compliqué après quoi. Est-ce que vous partiriez au Portugal? Est-ce que vous changeriez de vie comme ça? Bon, il y a toute la famille au Portugal, donc tu vas pas te retrouver tout seul là-bas à Porto. Mais est-ce que vous partiriez vous comme ça au Portugal puisque c'est nous qui devons dessiner de la suite de la vie de Bruno, de ta vie Bruno. Ouais, en même temps tu viens de revenir de vacances donc c'est un peu frais. Hein. Moi je pense que tu réfléchisses un peu. Hein. Ton mari, tu laisseras attendre un petit peu. Ouais, mais tu vois j'ai ma sœur. Enfin bon après c'est toujours en France mais qui est partie vivre à Nice parce que j'ai pratiquement toute ma famille qui est à Nice et elle a jamais regretté quoi. Elle est super contente de vivre là. Bon après elle remonte souvent à Paris pour voir mon père et moi mais tout le reste de notre famille est là-bas. Après c'est vrai que c'est pas le bout du monde non plus le Portugal. Ouais, voilà. Oui, un coup d'avion. Ouais, C'est pas loin. T'es encore en Europe. Il y a une petite question. C'est vrai qu'elle est froide la mer, enfin l'océan, il est froid au Portugal? C'est atlantique, hein. C'est froid? Ça dépend des endroits. Des endroits, c'est un peu plus chaud, mais ouais. Manière, l'Atlantique, il est froid, partout. Ah ouais, même au Portugal. Parce que moi, il me faut du 26, 27, non, 28 degrés pour me baigner. Ouais, en tout cas, au Brésil, il est super froid. Ah ouais, t'as un truc de ouf. Ah, mais au Portugal, c'est froid. Moi, quand j'avais été surpris. Justement, je pensais que l'eau allait être chaude. Mais avec qui t'étais allé au Portugal? Avec une amie. On la connaît, non? Non, on la connaît. Une pas. Amie? Une amie. Qui s'appelle comment d'ailleurs? Je me rappelle plus. Non, mais j'étais allé, j'avais été très déçu par la plage. Que non, par la plage? Non, mais l'eau, tu vois, l'eau, elle était gênée. Et t'étais dans quelle ville, toi, Romano? J'étais à Porto, à côté de Porto.

J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. T'es au travail? J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. J'crois que t'as besoin. De repos. Allons-nous-en. J'aurais ni trop lâche, ni mort pour ma franchise. Ville avant l'âge, je reçois que des éloges, mais je dois t'affranchir. Je parle à la faucheuse, la nuit, je me réveille en nage. Sûrement noyé par mes torts, noyé par mes remords ou l'argent que j'ai à blanchir. Là, je suis partout, toi tu m'inspires, mais t'es plus là. Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je vais partir. Te laisser seul compter les étoiles. Encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir. Me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, bobo, bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. J'crois que t'as besoin. De repos, allons-nous-en. Ouais maman, ça va. Je te rappelle après. J'ai plein de travail. Allô maman, le son de SCH, extrait du gros gros gros album d'SCH sur Sky. Come on! 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Ah, c'est bien, c'est la radio libre des vacances, la radio libre de l'été jusqu'à vendredi avant la grande rentrée de Skyrock, ce sera lundi, lundi matin, 6h. Retour du morning, à ouais. 9h, retour de Fred, retour de toute l'équipe lundi pour la rentrée. Eh ben oui, c'est la rentrée chez nous aussi. Et c'est bien parce que je disais pour cette radio libre de l'été, vous nous parlez de plein de, d'endroits de vacances. Et là, on voyage un peu grâce à toi, Bruno. Depuis tout à l'heure, tu nous as dit que tu te posais la question Portugal. D'aller vivre au Portugal ou de rester en France, de rester à Paris ou d'aller vivre à Porto. Et entre les deux, ton cœur balance. T'as pas fait le... Bruno, t'es là ? Oui, je suis là. Ah, t'as pas fait le truc des colonnes, tu sais, avec les avantages d'un côté, les inconvénients de l'autre. Genre, par exemple, dans les avantages, tu mets que t'as toute la famille qui est au Portugal. Dans les inconvénients, tu peux mettre que ça t'évite les crises familiales de rester à Paris, par exemple. Ouais. En fait, moi, j'ai déjà fait ça, les pour et les contre, en fait. Ouais, c'est bien voyage. Ça. Quand vous avez une hésitation entre, par exemple, une hésitation entre deux meufs, faites les pour et les contre. Et vous regardez après les colonnes, celle qui a le plus de pour, celle qui a le moins de contre. Et donc, t'as fait ça pour Paris, Porto. Plus pour France, Portugal, on va dire, oui. Ouais. Entre guillemets, oui. Mais ouais, oui, je l'ai fait. Après, comme, voilà, tout le monde pourrait dire, oui, en fait, les vacances, c'est pas pareil que quand on va pour travailler, tout ça. C'est vrai, ça. Mais après, c'est vrai, le niveau de vie là-bas, oui, bon, quand on est français, on va en vacances là-bas, c'est génial parce qu'on dépense pas beaucoup pour, on peut avoir beaucoup de choses. Mais. Et quand tu travailles, tu gagnes moins aussi. Ouais, on gagne moins, mais c'est dans certains travails, c'est sûr. Un gars qui travaille à Lidl, ils vont pas le payer 1200 balles ou comme un salaire français. Non, mais par exemple, sûr. Toi, ton travail de boulanger, tu gagneras oui. autant au Portugal qu'en France. Non, je gagnerais pas autant, mais j'aurais quoi, 400 euros en moins, c'est tout. C'est pas non plus la mer à boire, quoi. C'est, ah bah, attends, par exemple, Romano, alors, Romano, 400 euros en moins sur ta paye à partir de, tiens, allez, à partir de la rentrée du 29 août. Ça va pas le faire. Alors, 400 euros en moins, c'est pas la mer à boire. Non, mais ça fait chier, quoi. Bon, ouais. Bon, après, le niveau de vie là-bas, il est moins élevé. C'est moins cher. Ouais. Après, il y a Brahms, 20 ans, qui nous laisse un message qui dit c'est la crise au Portugal. Ah, il y en a plein qui disent ça, ouais. Ah, il y a plein de messages. Il y a la crise partout, hein. C'est la... Oui, c'est la crise. Ouais, mais peut-être que là-bas, c'est un peu plus marqué, non? Je sais pas. Bah, c'est soi-disant, c'est marqué parce que, en fait, le niveau de vie, il est pas très élevé et certaines personnes n'arrivent pas à s'en sortir. Mais si quelqu'un cherche vraiment, il y a vraiment du travail. Il y a un Le Bon Coin portugais sur Internet. Le Bon Coin. Il y a Mati 93 qui a le même projet que toi. Il doit partir au Portugal avec son associé pour une entreprise. Il a 25 ans. Mais nous, on va à Lisbonne. Il va pas à Porto. Tiens, d'ailleurs, on aura quelqu'un de Porto, je crois. Un Portugal. Qui m'a dit que le pain était dégueulasse là-bas, que tu pouvais ouvrir une boulangerie. Il y a du business. Ah, il viendra chez toi. Alors. Elle est là, Benz. Salut, ouais, là. Benz. C'est ça. En direct de Porto. C'est ça, en direct de Porto, ouais. Bonjour. Bonjour. Un bon dia, hein. Bonjour. C'est Boy Noite, là, c'est vrai. Boy Noite. Donc tu t'appelles Ben en France, mais quand tu vas au Portugal, tu t'appelles Ben. C'est ça. Alors, toi, tu vis à... Quand je vous disais qu'on allait voyager gratuit, hein. Et ouais, bah là, je suis à Porto. Bah là, ça fait... je suis arrivé il y a 10 jours. J'ai vécu un mois et demi ici cette année. Puis là, je suis pour l'année au moins. Pourquoi? Parce que t'es tombé amoureux du Portugal et que t'as trouvé la vie cool là-bas, ou parce que... Parce qu'en fait, je fais mon Erasmus là-bas. Et je l'ai appris avant de partir un mois et demi là-bas. D'accord. Donc je l'avais déjà eu au mois de mars pour parler des colocations. Donc c'est pas un choix, mais c'est bien. Ça te plaît? Si, j'avais choisi de partir là-bas et du coup, une fois que j'ai su que je partais là-bas pour l'année scolaire, je suis parti un mois et demi. Histoire de connaître un peu le pays, parce que je n'étais jamais allé, mais... Ouais, c'est mieux, ouais. C'est marrant, il y a des fans de voyage. Il y a Juju, qui nous dit qu'il a bien raison, le gars. Moi aussi, je pars pour vivre en Norvège. C'est pas le même climat, c'est pas tout à fait. Ah ouais, c'est clair, ouais. Lui, part en novembre. Après, à Porto, il pleut la plupart du temps dans l'année. Hein. Ah, c'est sympa. Il fait beau pendant l'été, mais... Ah, tu vois, on te disait, ce que tu as connu pendant l'été, Bruno. Il fait pas froid, mais... Il pleut. C'est pas un temps génial dans l'année, quoi. C'est comme la Bretagne, ça, c'est... Ah, merde. Ah, comme la Bretagne. Ouais, quand même. T'abuses un peu, quand même. Putain. Non, mais c'est l'Atlantique. Il y a 200 jours de pluie en moyenne par an. Oh, putain. Pour la Vosges. Donc... Après, ouais, en fait, c'est comme en France, quoi. Ouais. Il fait beau, si une année où ça va bien. En France, mai-juin jusqu'à septembre, quoi. Ouais, voilà. Ah, le reste de l'année, il pleut. Il y a ceux qui aiment bien voyager, puis il y a ceux qui ont déménagé, qui regrettent. Alors, je sais pas le temps qu'il fait à Tokyo, mais c'est Crystal. Mes parents sont à Tokyo, j'étais obligé de les suivre. Et j'aurais largement préféré rester à Paris, elle nous dit Crystal. Elle a 15 ans. Oh, on a été coupé avec le Portugal. Portugal. Donc tu vois, lui, il est allé Benz et bon, il te dit qu'attention, c'est pas l'été tout le temps là-bas non plus au Portugal. Donc ce que t'as vu l'été, le soleil, les Portugais en bikini. C'est pas pour le temps ni rien. Moi le temps, je le connais très bien parce que quand j'étais petit, j'ai été un petit peu là-bas pendant quelques temps. Et c'est pas vraiment le temps, c'est vraiment pour la famille que je vais là-bas, parce que être ici tous les jours, leur téléphoner et leur les savoir tous ensemble et moi comme un vieux couillon sur Paris, je vais te dire dans un instant d'ailleurs ce qu'ont dit les auditeurs de Skyrock. Ouais. Est-ce que s'ils étaient à ta place, avec tout ce que tu nous as dit, ils iraient vivre au Portugal, ils laisseraient Paris, la Paris ou la France, pour aller vivre définitivement au Portugal. Au Portugal, tu n'as pas Skyrock, nous dit le Pete sur SMS. Il y a l'appli. Mais il y a l'appli. Bien vu. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas Skyrock. Mais il y a l'appli. Donc, quelque part, il y a aussi Skyrock. C'est le meilleur pays du monde. Vive à Portugal pour le portugais. Il y a Jennifer, tiens, qui voulait nous parler, qu'on doit avoir au téléphone avec nous. Allô, Jennifer. Coucou. Alors, toi, t'es portugaise, Jennifer. Moi, je suis portugaise, ouais. Oui. Jennifer. C'est Jennifer. Jennifer. Ouais. Bon, alors Jennifer. Donc Jennifer. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, donc t'es portugaise, t'as sans doute des bons conseils à donner à Bruno. Moi je suis portugaise, moi je n'irai pas. Dans le sens où je pense que j'ai grandi la même façon que lui. À toutes les vacances j'étais là-bas, les petites vacances scolaires comme les grandes. Moi fin mai j'étais au Portugal, je passais mes 3 mois là-bas. À Portugal. Non, Portugal. Je peux te dire que quand tu arrives au mois de juin et que t'as personne, c'est compliqué de passer les 3 mois. Et pourtant j'ai toute la famille là-bas. Vacances c'est bien, tu bois les cafés tous les soirs, tu sors, ceci, cela. Mais quand tu te retrouves en plein hiver, bloqué par la neige parce que tu peux pas rouler, c'est pas la même qualité de vie là-bas. Ah, et c'est quoi qui t'a manqué de la France, s'il y a un truc qui t'a manqué? Un truc qui m'a manqué, bah tout en fait, c'est de l'enfance. Ah ouais, donc toi t'as pas du tout aimé vivre au Portugal. Non, c'est pas que j'ai pas aimé, enfin moi j'adore y passer mes étés, hein. J'y passe tous mes étés là-bas. Oui, ben, on a compris, mais vivre là-bas, non. J'essaie d'y aller assez souvent, voir la famille, mais y vivre tout le temps, non, c'est pas possible. Quel est le pire pays d'Europe dans lequel vous aimeriez pas habiter, par exemple? Donc l'Europe, tu vois à peu près où c'est, Cédric? Luxembourg, vers New York. Non. C'est de là où on est, un peu plus au nord, un peu plus au sud. Non, j'ai pas pris tous les pays du monde parce que sinon vous allez me dire. Non, on prend les pays d'Europe. Dans quel est le, puisqu'on est en Europe, quel est le pire pays d'Europe dans le, enfin le pire pays, pour vous dans lequel vous aimeriez pas du tout, L'Islande, c'est en Europe. Oui, on peut dire. Bon, moi je dis l'Islande, moi. Je veux dire que c'est en Europe, oui. Moi je dis l'Islande. Ça m'a l'air bien claqué, gros, là-bas. Alors l'Islande, moi je suis pas loin. Il y a pas grand monde. Je suis pas loin d'être d'accord avec Karim parce qu'il y a trois. Il y a des beaux trucs. Ou la Finlande aussi. C'était bien les paysages. Oui. La Finlande, c'est vrai, ouais. Mais tu sais, je fais la teuf. Ah, mais il fait pas nuit 6 mois par an ou je sais pas quoi. 10 mois par an. Juste, les journées sont très courtes en hiver, mais pas non plus. Il fait pas nuit tout le temps. Ah, bah les journées sont très courtes. Il fait jour de midi à 2 heures à peu près. Non, ça change. Si, c'est vrai. Non, j'y suis allé en plein hiver. En Islande. Non, Helsinki. Non, il dit la Finlande. Finlande. Ah oui, en Islande. Ah ouais, non, en Islande. Tu vois, Islande, moi, ça me ferait péter un câble, ça. Tu vois, genre que de la nuit pendant 2 heures du jour. Je crois que je péterais les plombs comme en Suède et tout ça. Oui. Ouais, où tu peux bronzer. Ça existe aussi. Ah non, mais ça fait péter les plombs. T'as que les mecs, ils voient tellement peu le soleil qu'ils s'inventent un soleil artificiel et ils s'y mettent dessus. T'aimerais rien à foutre. Non, mais c'est ça. En fait, c'est des bars à lumière. Non, mais l'Islande. En fait, ouais, c'est un bar où il y a des ampoules. Des ampoules. Des ampoules. Des ampoules. Un peu des trucs bronzés. Parle comme Cédric, toi, dis donc. C'est pour qu'ils comprennent. Des ampoules. Ah, c'est un truc à UV, quoi. Le pire pays d'Europe dans lequel t'aimerais pas habiter, toi, Jennifer ? Dis pas le Portugal. Oula, je sais pas. je sais pas trop. Qu'est-ce qui est d'être bien pourri ? Non, l'Islande, c'est très joli. Il y a des geysers, des machins, tout ça. Mais ils sont 300 000 sur une île qui est super grande et tu peux faire 200 bandes sans rien croiser du tout. Bah, il y a qu'une grosse ville, en fait. Le reste, c'est rien. L'autre fois, j'avais vu un reportage, mais genre, t'as deux maisons isolées, mais il y a rien à 100 bornes aux alentours. C'est quoi la grosse ville ? Reykjavik. Reykjavik. Ouais, la capitale, mais après, il y a rien d'autre. En fait, du coup, je sens 200 000 habitants à Reykjavik et puis le reste de la population qui est réparti sur un truc plus grand que la France. Genre tu fais 200 bornes, après tu trouves un village, mais le village c'est simple, il y a pas de place, c'est une route. Il y a une maison avec 2-3 maisons autour. Et dans une maison t'as le tabac, la boulangerie. Faut aimer la solitude et la nature. Quoi. Ouais. Donc moi l'Islande. Sinon le pays que vous aimez, dans lequel vous aimeriez pas habiter. Moi c'est vraiment le Portugal dans lequel j'aimerais pas aller. C'est Clem du 83, tu vois, je sais pas ce qu'il a. Ah, y a la Hongrie aussi. La Belgique pour Airlist. Ah, non, la Belgique c'est génial. Ah bah écoute, Airlist aime pas. Il a raison. C'est génial. Alors la Turquie, mais c'est pas en Europe. La Turquie, bon, ok. C'est vrai que c'est un peu agité. L'Italie, oh Yasmina, c'est super. Non, c'est bien l'Italie. Magnifique, ouais. L'Italie. Ah, l'Italie, ça a l'air pas mal. Ouais. En Angleterre, ah maintenant qu'ils sont sortis d'Europe. On peut pas y aller quand même. Bah si, je vais aller pour les vacances. Il faut lui m'inviter. Il va te flinguer ses prochaines vacances, quoi, de chez lui. Ah bah t'as invité, ça tombe bien, je l'invite à la Toussaint, j'y serai pas. Non, mais je vais aller un week-end. Ouais, vas-y. Tu vas dormir dans les champs et tout, ça va être super. T'inquiète, je vais pister un week-end quand tu vas aller, je vais venir avec. Je comptais m'en aller en Angleterre, mais après ma licence, car ils sont plus tolérants. Ça dépend, ils sont quand même sortis de l'Europe, maître Pims. Donc, la Lituanie, le Kosovo. C'est en Europe le Kosovo ? Oui, oui. Ouais, on va dire. Ouais. Oui, c'est en Europe. C'est pas en Europe, Union européenne, mais c'est en Europe. Ah, moi, on fait l'Europe élargie. Hein. J'irai pas en Hongrie aussi. Non, l'Islande, il y a pas mal de messages pour l'Islande. Puis les pays du Nord aussi, il y en a qui aimeraient pas vivre. Bah, tiens, on parlait de la Finlande, qui aimerait pas vivre en Finlande. L'Islande, par contre, vous avez tort, il y a des aurores boréales, les glaciers bleus, c'est trop beau. Ouais, c'est beau, mais bon, le reste du temps, tu t'es quand même chier. Mais pour connaître quelques Islandais qui y habitent, au bout d'un moment, tu te fais c'est la hasse à un moment. Moi, je dirais Luxembourg, il y a quoi à faire là. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. Il y a des banques. Il y a des cigarettes pas chères. Ouais. Et des banques. Ah, mais je t'ai pas blindé, ça sert à rien. Non, mais tu vois, Luxembourg, j'aimerais pas y habiter. Ah, moi non plus, tu vois. Bon, après, t'es à côté de la Belgique, de l'Allemagne. Ouais, voilà. Parce que l'Islande, t'es à côté de rien, gros. Ouais. Moi, je vote, pour l'Islande, moi. Pareil, ouais. En Islande, moi. Donc, le Portugal, écoute, pourquoi pas. Bruno, pour, tiens, on a qui voulait réagir pour toi? Il y a Kevin qui est au téléphone aussi. Bouge pas, Jennifer. Jennifer. Pardon. Ok. Jennifer. Reste avec nous. Kevin. Allô. Il est parti, Kevin. Ah, il n'y a pas de Kevin. Il était en train de bosser. Il était en direct de son bus, Kevin. Bon, salut, Kevin. Merci du coup de fil. Bon, Bruno, pour t'en dire un petit peu plus sur ton voyage, eh bien, les auditeurs de Skyrock te conseilleraient d'y aller parce que t'as ta famille et que de toute façon, c'est pas très loin. Que si tu te fais chier, tu peux revenir en France facile. Je lis les messages rapidement, là. C'est le message de Yekos, là, qui nous dit que tu peux revenir facile. Ah, mais fais un essai de 6 mois, tu vois. Ouais, tu peux faire essai. Tu sais, sans tout laisser tomber en France, tu gardes tes trucs en France, tu te barres 6 mois et au bout de 6 mois, si ça te plaît, tu restes ou tu te. Mais t'as vu ce que disait Ben, c'est que le pain était dégueulasse, il fallait que tu ouvres absolument une boulangerie parce qu'il est dégoûté. Je crois que c'est le Marie, seul truc qui lui manque. Eh Ben, t'as bien fait d'envoyer le message, Marie se fait bien mais la dixième fois qu'elle est au téléphone. Je te donne. Mais oui, Ben, donc le pain est dégueulasse au Portugal, Ben. C'est ce qui m'a dit direct. Eh Ben, merci. Hein. Merci du message, t'as fait la soirée de Marie. Il veut des baguettes. Le pain, Ben, il a dit. Facile, les boulangers, écoute, c'est bien. On tira dans la boulangerie de Bruno s'il va là-bas alors. Ah, Ben. Bah ouais, grave, mais non, mais vraiment, il faut, ouais. Il faut. Il y a un business à faire. Hein. Voilà, donc Ben, s'il en peut plus, donc lui il vote pour que tu viennes à Porto. Ah ouais. En fait, le pain est dégueulasse. Ouvre-lui une boulangerie à côté de chez Ben. Ce sera ton meilleur client. Quoi. Donc les amis, il viendra bouffer du pain à longueur de journée. Donc votre jugement, bah écoute, t'as la famille, t'as vraiment envie d'y aller, vas-y. Après, fais un petit test. Ah, j'ai foule. Oui. Une question. Vas-y, vas-y. Mais elle habite où, Jennifer, soi-disant, pour dire que quand il y a de la neige, on peut pas bouger. Elle doit habiter dans un vieux bled poney, quoi. Jennifer, t'habites où? Moi, j'habite à Guarda, je suis dans la plus haute montagne du Portugal. Ah, ouais, mais c'est normal. C'est normal. Il se moque, lui. Fous ta gueule. Oh, elle est coincée dans les glaciers. C'est beau tout l'été. C'est pas beau que 5 jours de l'été, par contre. Bon, on va faire. C'est comme Paris, quoi. S'il y a des averses de neige subites, comme sur le périph', je sais plus, il y a combien de temps, d'accord, on peut. Ouais, c'est voilà, mais ouais. C'est pas tout le temps qu'il neige, quoi. À Paris, c'est pas le meilleur exemple niveau neige, quand même. Parce que quand même, la neige à Paris, c'est quand même le bordel. Ouais, on a rarement 2-3 mètres de neige, c'est vrai, Robin, tu fais bien de le dire. Non, mais même quand il déblaye, c'est le bordel, quoi. C'est jamais fait, en fait. Il y a quand même des gros problèmes de circulation. Oui, c'est pas les professionnels de la neige à Paris, quoi. Non. Et sinon, tiens, tu voulais pas nous apprendre 2-3 mots en portugais histoire qu'on puisse tenir une conversation? Ah, mais va Portugal! Va Portugal! Match fooder! Tiens, une conversation de drague. Tu parles portugais, Jennifer? Oui. Bon, alors apprends-nous 2-3 trucs, par exemple. Allô, ça se dit aloche. Aloche? Aloche. Allô, ça dépend. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'ai mes ma grand-mère et mes tantes, quand elles répondent au téléphone, elles sont tôt. Alors, je note ta. Ça, c'est le truc tout le temps. Bon, alors, ta. Ok, ça, je note. Quand il parle, c'est allô qui est l'appareil. On va apprendre des trucs importants. Alors, ta. Ça, c'est pour dire allô. Ta. Comment on peut dire j'aimerais coucher avec vous? Tu vois, des trucs ça, utiles. Ça, c'est le truc important. Bah oui, quand tu rencontres. bonjour, merci. Meuf au Portugal, tu lui demandes. J'aimerais coucher avec vous. Oula, j'aimerais coucher avec vous. Tu peux aider, Bruno, si tu sais, toi. Non, je la laisse galérer, vas-y. Non, oh, culé. Non, mais je peux le faire. Tu dis ça, Bruno, parce qu'elle a dit qu'il fallait pas que tu viennes au Portugal et que ça t'a déçu, c'est ouais, ça? Ouais, c'est ça. Non, mais je peux aider. Vas-y, dis-nous comment on dit alors, j'aimerais coucher avec vous. En fait, coucher, ça existe pas vraiment. On peut dire niquer, c'est gustari de fouder le convaincé. Redis. Et gustari. Et gustari, ça veut dire j'aimerais en fait, en gros. Alors, t'es gustari, fouder le convaincé. Alors, t'es gus. Non, eo. Eo. Eo. Gustari. Et après. Eo gustari. Oui. Fouder le convaincé. Fouder. Attends, mais taisez-vous. Redis. Fouder. Bon. Eo gustari, fouder le convaincé. Convaincé. Fouder. Comment on dit suce-moi la bite si un jour tu dois le demander à une meuf? Chupa. Non, en gros, là-bas, c'est vraiment chelou, c'est fâche mon broche. Fâche mon broche. Fâche mon broche. Et comment elles sont les filles au Portugal? Elles sont plus chaudes que les Françaises? Elles sont poilues? Ça dépend, ou... Ah non, mais cliché. Bah, Jennifer répond. Il y a de tout. Comme non. Partout, c'est ça. Non, mais elles sont plus ouvertes, moins ouvertes, comment c'est? Il y a tout. Ça dépend, hein. Tu as des très coincés et t'en as d'autres qui sont très pupus. Ouais, hein. Comme partout, comme partout, c'est vrai. Bon, alors, vous avez un numéro de téléphone? Ouais. Allez, on va donc appeler au Portugal pour voir si la leçon de portugais que tu nous as donnée, Jennifer, que tu nous as donnée, Bruno, fonctionne. Donc je dis ta ou to. Et derrière, me gush. Alors, eu gustaria foder con você. Voilà, c'est ça. Fâche mon broche. Pour favor, parce que pour être poli, donc j'aimerais te baiser, mais pour favor. S'il te plaît, ouais, voilà. S'il te plaît, ouais. Et fâche mon broche. Pour favor aussi, encore. Fâche mon broche, pour favor. Fâche mon broche. Très bien. Fâche mon broche, pour favor, qu'on appelle au Portugal. J'espère que ça va répondre après le numéro au hasard. Allô? Oh, t'as vu ce rêve, bonnet, t'as vraiment passé l'autre? T'as? Eu gostaria de foder com você, por favor. Eu. Tá. Tu. Ça fonctionne bien. Tu. Tá. J'ai bien parlé pourtant. Bah ouais, c'est pour ça qu'il a raccroché. Ah, mais c'est ça. C'est parce qu'il m'a compris. Bah oui. Ouais, t'es trop fort, Difool. Voilà. C'est ça. Ça y est, tu comprends déjà tout le portugais, ça y est. Voilà, j'ai failli me faire reculer par un mec du Portugal. Je sais pas qui c'était le gars, mais vas-y, refais-en un autre, on essaye un peu. Alors, retour au Portugal. Tato. Tá. Boa noite, Crown Plaza Porto, fala assim, posso ajudar? Boa noite. Eu gostaria de foder com você, por favor. Sim. Sim. Faz-me um broche, por favor. Faz-me um broche. Desculpa, eu não estou a ouvir muito bem. Pode repetir? Que tu me diz? É Cristiano Ronaldo. Que tu me diz? Vou repetir. Faz-me um broche, por favor. Elle a compris là. Elle a compris. C'est vrai, quand elle raccroche, elle a compris. Et gostaria de foder com você, por favor. Voilà, poche for broche. J'imagine des Portugais qui sont en vacances en France, qui zappent sur les radios et qui tombent sur Skyrock et qui parlent pas français, qui se disent oh, enfin une radio qui parle comme nous. Ouais, bah, bien sûr, c'est un ouais, bon. Avec l'accent et tout quoi. Voilà, ils demandent de baiser com você. Alô? Ok, Fipe no Porto, boa noite. Fala Grafim, posso ajudar, hein? Bastanas. Boa noite. Boa noite. Eu, tá. Eu gostaria de foder com você, por favor. Alô, Tato? Tato. É hoje. Faz-me um broche, por favor. Faz-me um broche. É hoje. Deus. Deus. É hoje. Alô? Tu m'entends? Salut. Salut. C'est Diego. C'est Diego. Bon, bah écoutez, très bien, moi j'aurais appris des trucs au moins utiles. Si je rencontre une portugaise, je saurais quoi lui dire. Oui, ça marche bien en plus. Pour me prendre une baffe dans la gueule, ça peut être pas mal tout ça. Bon, très bien, merci Bruno pour le cours de portugais. Merci Jennifer aussi pour le cours de portugais. Vous étiez super tous les deux. Merci à Ben également qui nous a appelé pour le Portugal. Ouais, Portugal. Très bien. Et après en avoir discuté un petit peu, t'en penses quoi toi? Alors Bruno, tu vas faire quoi? Reste avec nous. Ne nous quitte pas. Bah oui. Mais en plus on se connaît très bien, vous le savez. Mais oui, je vois qui tu es. Tu es le Portugais. Tu es le Portugais. Celui qui était parti en Angleterre, qui était revenu aussi. Ouais, toi t'es un grand globetrotteur, tu voyages un petit peu partout. Bruno, tu veux faire quoi le globetrotteur? Tu veux rester en France? Tu veux aller faire un petit tour au Portugal? Non, je vais partir demain. Il y a le mec de l'agence qui va venir pour l'appart. Je vais partir. Donc demain tu vas lui dire. Donc t'as décidé. Je parle. Et tu vas lui dire fâche-moi broche. Avec mon beau-père à côté pour surveiller le rendez-vous pour l'appart, je pourrais me manger une tarte dans la gueule. Sinon c'était pas non. Hein. Non, pas du tout. Non. Ah, tant qu'à profiter. Hein. Si c'est une fille, pourquoi? Bah, si c'est une fille de l'agence, c'est pas. Ah non, on a dit un agent immobilier. Fâche-moi broche, on a bien compris. Bon, merci en tout cas, Benz, pour le coup de fil en direct de Porto. Tu salues tout le Portugal pour nous. Merci pour les messages que vous nous avez envoyés. Et puis, merci aussi à Jennifer. En fait, gros bisous, Jennifer. Fâche-moi broche. Bisous. Et bien, à Portugal. Et bravo pour l'euro. Enculé, vous pour l'euro. C'est fou. Ouais. Je peux passer une dédicace ou pas? Vas-y Bruno. Bah voilà, je voulais passer une dédicace à Jules du 02. Oui. À Callaghan, voilà. Lui, on en apprend tous les jours avec lui. Oui, c'est clair. Je voulais faire aussi une dédicace à ma famille au Portugal qui m'écoute sur le net. Et salut le Portugal, fâche-moi broche. Ah, fâche-moi broche. Il arrive. Et à mon frère qui est en tôle et voilà. Eh ben tu big up toute la famille. Ouais. Salut Bruno. Allez. Et tiens-nous au courant et écoute-nous du Portugal alors. Allez, merci. Salut Bruno, ciao. Bisous. Ciao Bruno. Ciao. Bisous, ciao. Si vous aussi vous avez un choix de vie, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, n'hésitez pas une seconde, faites-le 01 53 40 30. On est efficace hein. Ah très très. Ah mais de ouf là. Ou alors le 41 759 ou l'appli Skyrock, ça marche aussi. Et dans un instant, attention Dylan est très énervé. On l'a présenté tout à l'heure, c'est Dylan de Gironde. T'es là Dylan? Ouais, je suis là. Ne nous quitte plus Dylan, on va s'occuper de toi tout de suite. T'as 19 ans, t'es en Gironde et toi, ah ouais, t'en peux plus de ta meuf. Il y a un truc qui était derrière. Tiens, dites-nous justement, avant qu'on en parle avec Dylan, avant que vous sachiez de quoi il va nous parler et pourquoi il en peut plus de sa meuf, dites-nous qu'est-ce qui vous énerve vraiment chez votre meuf, les gars. Comme ça, on peut se permettre de se défouler un petit peu. Ou l'inverse. Ah, tu veux l'inverse aussi? Bah ouais, tant bon, qu'à allez, faire. Bon, allez, on va faire l'inverse pour faire plaisir à Marie parce qu'on est très très galant ici. À mort. Et donc, vous nous dites. Qu'est-ce qui vous énerve chez votre gars aussi, les filles? Un truc qui vous énerve chez votre gars ou chez votre meuf ou chez votre ex ou si vous n'avez pas actuellement, on peut nous dire. Donc allez-y et Dylan, tu vas nous expliquer ce qui t'énerve. Pourquoi t'en peux plus de ta meuf, toi? D'accord? Tu ne bouges pas, Dylan. Là, tu te concentres là. On est de retour avec Dylan et puis tiens une belle brochette là. Il y a Drake et Rihanna qui arrivent sur Skyrock. On écoute Too Good.

time is costing me more than it seems. Sacrificing things, and I wanna tell you my intentions. I wanna do the things that I mentioned. I wanna benefit from the friendship. I wanna get the late night message from you. From you. I put my hands around you. Gotta get a handle on you. Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. De retour en direct, c'est un bronzage classe un peu objet. Classieux. C'est exact. La classe, c'est le bronzage des vacances. C'est des UV aujourd'hui. Romano. T'as vu, on dirait un dalmatien au-dessus. Oui, c'est il ça. Est tacheté, c'est dalmatien. J'ai une maladie, c'est les cheveux. Oh, ouais. Cédric. Comme un t-shirt Croix-Rouge, c'est pourquoi. C'est drapeau de l'Angleterre, tu connais. Ah, rien, d'accord. Celui-là, je l'ai acheté en vacances. Tu l'as payé en plus. Bah ouais. Ah ouais, t'es con. Marie. Moi, je brille. T'es brillant tellement, t'es bronzé, c'est impressionnant. Oui, tu es luisante. Samy. Moi, si j'ai un bronzage régulier quand même. Oui, bah t'es blanc. Et Karim. Karim est là aussi, les mains dans les poches, ouais, tranquille, là, en plein travail, comme d'habitude. Ça va, Alhamdoulilah, tranquille. Come on. 21h minuit, la radio libre de Difool, seulement sur Skyrock. Et ouais, c'est nous en direct sur Skyrock, merci à vous d'être là tous les soirs, entre 21h et minuit. On embrasse Florane et Lilou, qui sont derrière nous, des Bretonnes, qui sont venues nous voir ce soir. Et on voulait faire un petit coucou à Gwenaël aussi, qui a eu un petit accident. Ouais, c'est le Breton, les jambes, tout ça. Le Breton, et on te voulait te saluer, Gwenaël. Ah bah oui, bon courage, Gwenaël. Bon courage, Gwenaël. Bon, merci à vous tous et à vous toutes pour les messages que vous nous lisez. Cédric Love FN qui vient de nous laisser un message. On voulait te... C'est message. Il est là, regarde. Cédric Love FN. On voulait te saluer. Le club, le câble HDMI, la PS4 nous écoute aussi. Jules est là. Chloé aussi. Bonjour Chloé. Chloé avec un K comme Skyrock. Salut Chloé. Bienvenue. Bienvenue à toi. Ah tiens, pour rassurer Gabriel qui nous demandait, mais Difool, t'as encore oublié un truc comme d'habitude, le clash de la drague. Mais non, on va le faire là. Mais non, parce que c'est vrai qu'il était pas prêt. Ah, Mathieu de la team Le Belge aussi. Si voulait le clash, Loïs de la team Romano, est-ce qu'on va lui défoncer le cul au gros? Bah, sans doute. Hein. C'est la question qui se posait. On va voir ça. Hein. On va lancer ça dans un instant. Vous avez vos bonnes méthodes du soir? Ouais. C'est l'avant-dernier clash de l'été. Hein, je vous le dis, à partir de lundi. À partir de lundi, c'est la rentrée sur Skyrock. Et on remet les compteurs à zéro. Et on remet les compteurs à zéro. Mais petite bon. Question d'ordre technique, c'est vrai qu'on appelle des familles. Ouais, c'est vrai qu'il est tard là. Hein. Ouais, non, mais c'est bon. Parfait. Vas-y, on commence avec des familles. Si ça part en couille, on. Ouais, ah ouais, mais bon, il faut pas dire, il faut que je gère mes méthodes quoi. Non, mais là, on commence avec des familles. Ok. C'est quoi les méthodes? Ah bah on va les demander dans un instant, mais vous saurez tout. Non, vous bah le chéri. Restez là, restez c'est là. C'est vrai avant parce que j'ai l'impression qu'il en a pas. C'est vrai que tu prépares ta méthode. Hein. Je vais demander dans un retour de vacances. C'est quoi vos méthodes? Et vous me faites pas le retour de vacances parce que nous, le retour de vacances, c'était lundi. Hein. Bon, alors c'est le retour de vacances. Allez, Radio Libre Summer Edition, ça continue. C'est sur Skyrock. On aura du Alonso, tiens, écoutez tout à l'heure là. Binta, c'est Alonso qu'on va retrouver sur Sky. Vous nous l'avez demandé, on va vous le passer. Et on va vous mettre aussi le nouveau Major Lazer, un son que vous avez découvert cet été sur Skyrock. Ça s'appelle Cold Water. Major Lazer, le nouveau sur Sky. Major Lazer sur Skyrock. Allez, on retrouve le son de Major Lazer. Binta d'Alonso et tout de suite Dylan en direct avec nous, en direct du 33. Donc Dylan, explique-nous un petit peu ce qui t'énerve cette année. Ah oui, d'ailleurs, vous avez laissé des messages pour nous dire ce qui vous énervait chez vos meufs. Et comme Marie a insisté, les filles, vous avez aussi le droit de réagir. Qu'est-ce qui vous énerve chez vos gars? Alors, j'ai très très peu de messages, je remarque d'ailleurs. De ouais, critiques. Genre. Non, mais pour les gars, non, c'est vrai. Hein. Ah ouais. Non mais c'est vrai. Alors qu'est-ce qui vous énerve? Moi c'est sa dégaine. Ah très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a sa dégaine? Le Camerounais. Ah, je soupçonne. Ah mais c'est horrible parce que c'est quand même la base, un peu la base du truc. Moi je soupçonne la canicule, tout ça. Elle se balade en mini-jupe. Ah peut-être. Ouais. Elle se balade habillée tout court et ça doit t'énerver le Camerounais. Dis-nous qu'est-ce qui t'énerve dans sa dégaine là? Attends, elle a pas foutu une combinaison de ski non plus. Alors tiens, chaud, message de garçon, maintenant un message de fille. Maxi, 18 ans, elle nous dit, moi c'est parce qu'il me colle tout le temps. Ah c'est chiant ça. Bah oui, mais bon, il est amoureux. Ah mais c'est chiant. La jalousie qui m'énerve chez ma meuf, c'est Paul. Salut à toi, Polo. Ça aussi c'est chiant. Il y a Tupac qui dit, moi c'est c'est qu'elle me force à racler la douche de sa race avec avec une raclette. Ah, c'est pour la nettoyer. Ah, ouais. Ah bah ouais, parce que tu dois te laver salement. Voilà. Mais non, mais c'est sur les vitres là pour enlever l'eau avant que ça. C'est chiant à laver ce truc là. Pour enlever l'eau. Ah, tu sais, sur l'eau des vitres là. Ah, pour pas que ça fasse douche. Des gouttes. Ouais, exactement. Quand t'as une cabine de douche. Oui, c'est ça, Romano. T'as quoi? Cabine de douche. Très bien, ouais. Ozanov, lui, il a pas de problème. Enfin, si, il a un problème. En fait, moi, c'est parce que ma meuf, elle n'existe pas. Bon, déjà, ça m'énerve. Ça, c'est un problème. Lucas, le gentleman, il est énervé parce que sa meuf est toujours de mauvaise humeur. Salut, Lucas. Ah, Lucas, ça, c'est chiant. Lucas, 18 ans. Moi, ce qui m'énerve dans ma meuf, c'est de pas en avoir. Oui, bon, ça, c'est vrai que ça peut aussi poser des problèmes. Qu'elle m'ait quitté aujourd'hui, ça m'énerve. On te comprend aussi. C'est le blond, 16 ans. Bah, t'auras plus de problème. Salut, le blond. Son hypocrisie, on nous dit également. Ah, les mensonges. Ouais, Alexandre, 22, beau gosse, qui nous dit, moi, elle est suicidaire, ma meuf, ça m'énerve. Écoute, bon courage. Oui, bon courage à toi, mon ami. Bon, et toi, Dylan, donc il y a un truc qui t'énerve chez ta meuf, toi. Ouais, voilà, ouais. Eh ben, il faut nous dire qu'est-ce que c'est, alors. Alors, ben, en fait, ma meuf, sa mère, elle est blindée à mort. Elle a une entreprise. Ça, c'est pas un problème. Et ça t'énerve parce que t'es jaloux? Non, mais parce que, en fait, voilà, sa mère lui donne game et tout, et puis, en fait, elle suit ma mort, elle prend d'autres trucs chelous, et puis voilà. Ah ouais, tu préférais qu'elle te donne l'argent qu'elle utilise pour se droguer, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. Tu m'étonnes. Et quand tu dis elle fume à mort et elle prend d'autres trucs chelous, c'est quoi les autres trucs chelous qu'elle prend? Ouais, elle prend elle a essayé la MD, la LSD, des trucs comme ça. Ah ouais, ça, quand même. Ouais. La MST? Les MST, la... ouais. LSD. Oui. LSD. C'est mis des champignons. Non, mais elle a dit quoi? MD, la MST? LSD. Ah, LSD. Alors MDMA, ouais. Alors MD, alors explique ce que c'est pour ceux qui savent pas ou qui ne sont pas drogués et qui nous écoutent. C'est des petits médocs, quoi, en gros, et que t'avales sous forme soit de para ou et non, mais c'est une poudre. Tu peux les fumer ou autre. Ah, Marie, spécialiste des drogues. Non, mais c'est ce que t'avais. Dis-nous tout, Marie, alors. C'est ce que t'avais dans les extas, en fait, la MD. C'est le, ah, c'est ça me donne faim, tout ça, moi. Les premiers, un petit pique-nique. Mais ça se vend par. Enfin, bon. Et en ça poudre. Fait, et ça fait quoi dans la tête quand on prend ça? Bah, tu te sens assez amoureux, bien. Ah, t'es love avec tout le monde? Ouais. Ah, c'est comme les extasies, alors. Ouais, bah voilà. Ouais. Ouais. Bah, j'aime pas ces espèces de trucs chimiques. Ouais, t'as raison de pas être content. Hein. Dis-le-moi, je te dis franchement, je suis tolérant, mais ça m'énerverait qu'elle. Bon, si elle fume, elle fume si elle veut. Après, ça m'énerverait qu'elle prenne des espèces de trucs comme ouais, ça. Ouais, des drogues dures, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais surtout le décage, quoi. Mais genre, elle prend ça chez toi? Non, quoi, ouais, mais non. Quand vous êtes ensemble, ouais, elle a dormi. J'ai accepté qu'elle fume avant chez moi, puis après j'ai commencé, ben voilà, ça me saoule parce que. Ok, excusez-moi, je peux vous poser une question? Attends. Vous entendez le même bruit que moi ou pas? Ouais, ouais, non, mais. C'est chelou là. Ça, ben, le MD ça fait ça à mon avis, non? Ah, c'est parce qu'on a pris, on a pris ouais. Trop de drogue. Ah ouais, ouais. C'est chelou. Va voir la technique, ouais. Dis-leur qu'il y a un truc. Le son n'est pas terrible. Romano, est-ce que tu peux. Non, attends, non. Je fais des tests. Oui, non, mais juste sur le satellite pour voir si vous avez le même bruit que nous partout en France. Ah non, satellite, c'est normal. Ah, donc si vous nous écoutez à Paris, vous nous entendez comme ça. Voilà, non, oui, non, comme non, ça, non. On parle comme ça. C'est étrange. Donc ça, c'est pour vous en profitiez tous. Oui, dit Foule. Très bien. Bon, en tout cas, les sympas nouveaux réglages. On dirait un morceau électro, un peu, tu sais. Il y en a pas, les cons, ils sont pas là. C'est DJ Roro qui est. Ah. Oui, on entend ça que sur Paris. Ah, ça l'a bah déjà voilà. Fait dimanche. Alors oui, je sais ce que c'est, donc c'est sympa. Donc il faudrait les appeler rapidement, leur dire qu'il faut faire quelque chose, sinon on va rester comme ça pendant un petit moment. Ah, ça va être chiant au bout d'un moment, oui, effectivement. C'est la technique comme... arrive, hein, ils arrivent. Ah, ils arrivent. Ouais, attends, ils arrivent. S'énerve. Ils arrivent de Rouen. Pour l'instant, ça va. Je crois qu'ils étaient au café là. Pour l'instant, il y a Yovan de la sécu qui est sur le coup. Je sais pas voilà, si tu leur expliques que c'est la même chose que dimanche, comme ça ils comprendront plus vite. Non, mais il est vénère là déjà. Qui est vénère? C'est bon alors? Voilà, très bien. C'est bon. Quoi, c'est bon là pour le moment. Ouais. Pour nous, c'est pas bon du tout. Ah non, c'est bon. On les a au téléphone. Ah, c'est du son. Fait. Skyrock se fait attaquer par des martiens. C'est vrai que ça fait Daft Punk. C'est l'horreur. C'est vrai que ça fait Daft Punk, ouais. Heureusement qu'il n'y a pas le feu à Skyrock, parce que je peux vous dire que on a le temps de brûler 10 fois pour qu'il se passe quelque chose. Je sais, c'est immonde, mais il va falloir supporter ça quelques instants, ouais. Amis parisiens, amis franciliens. Mais ça va se... Si vous nous écoutez sur 96 FM, voilà ce. Sur l'appli, par contre, vous pouvez nous écouter, vous n'avez pas du tout ce problème. Hein. Ça te défonce les oreilles. Ah, mais c'est vraiment. Ah, c'est juste pour l'île de France, quoi. Ouais. Oui, c'est un truc qu'on a préparé. C'est cadeau, c'est pour vous. C'est la petite voix de la rentrée. On s'est dit, il faut un peu de nouveauté. C'est bien, on nous dit, ça fait comme de la musique, on dirait un DJ. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et sur l'appli, vous pouvez nous écouter, ça marche très bien à Paris. C'est parfait. Voilà. Et je croyais qu'on avait un technicien de garde le soir. Quand il y a un problème, le mec, il est là pour agir tout de suite. Voilà. Nous, on fait des bruits, nous, pour voir. Wow. C'est Skyrock, on est un peu Daft Punk. Wow. Les Parisiens qui se montrent là, qui nous disent vous avez trop de la chance, vous êtes des privilégiés, on est des privilégiés à Paris. Attention, ça va, le problème va être réglé dans quelques secondes. Ah, ah bon, je vais m'habituer, c'est bon. Quelques minutes. Voilà. Ah ouais, mais plus dans les minutes, ouais. Quelques heures. Ah, d'ici demain. Bon, non, mais a priori, ça va être réglé. Non, mais pour vous expliquer, c'est notre émetteur de la Tour Eiffel qui a dû avoir un petit bug. Voilà, c'est un truc qui arrive tous les trois jours. C'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est juste quand il éclaire la Tour Eiffel, ça fait ça. Ouais, ça. Ça fait 5 minutes. Mais vu que c'est une fois par heure, ça va vite être chiant. Ah, sur l'appli. Ah, bonne nouvelle, sur l'appli aussi, on l'entend. Ah, ben voilà, cool. Ah, ben voilà, si vous êtes en province, donc, si vous n'êtes pas sur 96 FM, notre fréquence de Paris, vous pouvez vous brancher sur l'appli Skyrock parce que les cons ont branché l'appli sur l'émetteur Paris qui est en panne. Skyrock, mais oui, tu et moi, c'est insupportable. Ah bah ça c'est. Oui. Oui. Nous sommes d'accord. Nous, c'est pénible. Oui. On dirait la Game Boy Color, nous dit Marie la Touffue. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait mal à la tête un peu. Salut Marie la Touffue. Ouais, ils sont là ou Si. Ouais, ils sont là. Ils sont pas 50, hein, il est tout seul. Il n'y a pas un bus de technicien. Elle est bien courir dans le couloir là. Elle est dans le couloir là. Très bien. Des allers-retours. Parfait. Il court un peu. Il se souvient plus où c'est le local. Alors c'est pas un marathon qu'on fait. C'est une réparation de Skyrock en direct. Quand je vous dis que sur Skyrock il peut se passer tout et n'importe quoi. Bah là vous êtes dans le n'importe quoi. On adore. Oui, je voulais témoigner. Cédric m'a sucé la bite violemment cet été. Ah. C'est réparé. Voilà. C'est réparé, ou presque. Ah, oui. Pas tout à fait. Si, presque. Si, Marie. Ah bon, c'est réparé. Si, tout va bien. Voilà, tout va bien. Bon. Alors, Dylan, excuse-nous. Petit problème technique. Est-ce que tu peux nous entendre, Dylan? Oui, je vous entends nickel. Tu entends nickel. Eh bien, écoute, nous aussi, maintenant, on t'entend nickel. Ça fait plaisir. Bon, putain, moi, j'en ai plein la tête, là. Excusez-moi. Ah ouais, on a fait. Attends, on était en teuf électro, là. Ouais, c'est ça. C'est marrant. Tu nous parlais de MD. Ouais, voilà. Si vous avez jamais pris de MD, n'en prenez pas. Mais voilà ce que ça fait dans la tête quand t'es complètement drogué. C'est ça, hein. Ah, ben ouais, un peu, ouais, je pense. Voilà. Alors, attends, pour le clash, on va le faire dans un instant. Ah ouais, mais bon, après, les gens, ils vont aller se coucher au bout d'un moment. Hein. D'abord, c'est vrai, les familles se couchent tôt, mais pendant les vacances, ils se couchent peut-être un peu plus tard. Ils sont bourrés à cette heure-là. Il n'est que 23h13. Alors, Dylan, pour résumer, ta meuf, elle est pleine de thunes parce que ses parents, ils sont riches. Mais surtout, elle utilise sa thune pour se droguer. Ouais, elle fait de la merde, quoi. Sans fumer la tête. Prendre des drogues. Et tu me parlais de drogues dures. Donc, t'as dit MD. T'as dit, il y avait quoi d'autre? LSD. LSD, ouais. Donc, c'est pas des mais c'est quoi le truc, là? MD, je sais pas quoi. MDMA. Voilà. Ouais, c'est ça. LSD. MD, c'est comme les extras. MDMA. LSD. Quoi d'autre? Exactement. SNCF aussi, non? RATP. EDF. SCH. MHD. SCH. MHD, ouais. De la MHD, ouais. Oui. SKY également. Salut les filles. Il y a deux charmantes bretonnes qui sont venues nous voir et on les salue et on leur dit. Ouais, parce qu'elles votent Cédric, donc elles doivent se barrer là. Salut les filles. Elle a dit non à votre Romano. Ouais. Ah, merci. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu lui as dit à ta meuf? T'en as parlé? Tu lui as dit que ça te cassait les couilles? J'ai l'air à bout de nerfs. Oui, c'est vrai que ça m'a cassé la tête. Quand j'ai les messages, il y a Félix qui dit ça. On s'est quitté il y a 3 mois et puis voilà, depuis 3 mois on n'arrive pas à se quitter. Mais tu l'as quitté pour ça ou pas? Ouais, j'ai quitté pour ça parce que voilà, je lui ai posé une colle, je lui ai dit écoute, moi c'est soit t'arrêtes tes conneries ou soit. Ultimatum. Ou soit on en arrête là. Et donc t'as décidé d'arrêter là. Ouais, elle a dit non, moi pour le moment je préfère m'amuser et tout. Et puis, par contre, ça fait depuis 3 mois qu'on n'arrive pas à s'arrêter de parler. Et puis voilà, là j'ai retenté le coup en pensant que je pouvais passer à travers ça. Et puis finalement non, quoi, alors je sais pas quoi faire. Mais vous largueriez votre meuf ou votre mec d'ailleurs, les filles? Parce qu'elle se drogue, est-ce que c'est que je prends la gueule, non. Moi personnellement, je suis tellement défoncé que non, je pourrais. Non, moi ça va, moi. J'en prendrai avec moi. Voilà, j'en prendrai la moitié. Non, vas-y, elle a dit quoi? Attends, vous avez pas entendu? Mon mec en prend autant que moi. Non, j'ai pas dit elle prend autant, quoi que ce soit, j'ai dit bois autant que moi. Et par exemple, il fume pas, et moi quand je fume, je suis complètement décalé avec lui, quoi, c'est bizarre. Ouais. C'est vrai que t'es pas sur la même fréquence, j'espère qu'elle écoute Skyrock au moins. Bien sûr. T'es pas sur la même fréquence que ta meuf, toi. Bah non, ouais, pas du tout. T'as tenté les droits, ouais, quand. En plus, elle ne doit plus rien capter, donc. Bon, c'est pareil pour l'alcool, ouais, quand t'es avec une meuf qui boit et toi, tu vois pas. J'aime faire la fête et tout, mais à l'alcool, et puis donc du coup, on n'est pas du tout dans le même délire, quoi. Ah bah ouais. Ah bah elle est perchée, ouais. Ouais, sinon, elle se prend MDMA, la galère. Ah, je suis trop love de toi, et toi, t'es. Ouais, tu claques les murs, bah. Ouais, jaune partout. Ah, beaucoup de déchets, tu vois. Ouais. L'autre qui claque les murs, elle est complètement ivrognée, elle est défoncée, ça va être joli, tiens. Il va y avoir des embrouilles. Ouais, ça vous est déjà arrivé, vous nous faites, vous nous dites d'ailleurs, hein, si vous sortez avec, je sais pas, les filles, si vous sortez avec un gars qui fume ou, enfin, fumez, on est encore dans des trucs, soft. Mais quelqu'un qui prend de la drogue dure, je sais pas, qui se coque la gueule. Ou meuble à l'alcool, hein. Ou qui se défonce. Je peux témoigner, ouais. Moi. Tiens, ma meuf est dans la drogue dure, je la quitte même si c'est dur. Ah, regarde, si ma meuf est dans la drogue dure, moi je la quitte même si c'est dur. Message de Mirmex, 19 ans. Salut Mirmex. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre là-dessus? Ah ouais, horrible de vivre avec quelqu'un qui se drogue tout le temps. Moi, mon mec, bah, mon mec, c'était que de l'alcool. C'est Marie, tiens, qui nous laisse pas là. Essayer de l'aider, hein. Tu peux essayer de te droguer aussi, gros. Non, bah ouais, t'as pas envie, là, j'imagine. C'est mort, ben ouais, après si je suis aggro, et puis moi j'ai pas autant de lovés qu'elle, et je pourrais pas suivre au niveau lovés non plus, quoi. Ça c'est sûr. Bah, ouais, au niveau oseille, ouais, ça coûte cher, ouais. Tiens, mon ex Bicravet, ça détruit notre couple. Lilou du 78, 23 ans, qui nous laisse un message. Bah après, ça dépend, ouais, la fume, ça dépend à quel niveau, quoi. Si le mec, c'est-à-dire qu'il était stone H24, bon. Ah ouais. Ça peut être chiant aussi, à côté toi, tu ne fumes pas du tout. C'est vrai aussi. Ouais, ouais, pas du tout, moi, elle, pendant les vacances, tu parles, c'est du matin au soir. Ouais, elle se débatte la gueule, quoi. Elle a quel âge, ta meuf? Voilà, 17 ans. Elle est dans une phase où elle se défonce, quoi. Voilà, ouais. En espérant que ça dure pas trop, quoi, et puis qu'elle reste pas perchée, parce que, bon, avec les trucs qu'elle prend. Ah, oui, c'est vrai. Faut se méfier quand même, hein. Tu vois, ouais, si c'est pas juste des. Bon, les joints. Oui, c'est pas que des joints. Bon, après, il y a des joints, les joints, il y a des mecs. Ça défonce, oui. Non, mais il y en a, il y a des mecs, tu sais, ou des meufs, psychologiquement, ils sont déjà fragiles, tu sais, psychologiquement, ça les détruit, hein. Non, bien sûr, mais après, c'est des cas à part. Il y en a qui peuvent péter un plomb à cause d'un joint. Ah, ouais, ouais, non, mais ça arrive. Un mec qui a tendance parano, par exemple, il se met à fumer, il peut devenir complètement parano. Ouais, mais il peut même finir en HP, hein, gros. Oui. Non, mais il y a eu des cas. Hein. Non, mais moi, j'en connais. C'est, hein. C'est pas la majorité. Mais oui, et en plus, alors, avec les drogues dures qu'elle se met dans la gueule. Ouais, parce qu'elle sait pas à quoi c'est coupé, en plus. Et comme tu le dis, Romano, il y a eu des cas. Le caca. Non, c'est vrai. Le caca, c'est bon. Oui, non, des cas. Cédric, arrête la drogue tout de suite. Parce que tu bégayes, je sais pas ce qui se passe. Ouais, ouais. Fais attention à elle, elle risque de mourir. J'espère pas, mais ouais, faut faire attention. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre là sur les messages? Moi, je la soutiendrai, j'essaierai de l'aider si je l'aime vraiment. Je ferai cet effort-là. Angela qui nous envoie ça, le Charminateur qui dit moi j'ai arrêté, ma meuf fumait et moi je l'ai quitté. Ouais, mais apparemment, elle a dit qu'elle voulait, elle préférait. Ouais, toi t'as essayé de l'aider. Tu lui as dit, tu lui as dit, t'abuses et tout ça. Mais bon, si elle est dans la phase où elle a envie de s'en mettre plein la gueule, en plus si elle a les moyens, c'est ça le problème. Ouais, hein. Et toutes ses copines sont pareilles ou elle a des gens un peu comme toi autour d'elle? Ouais, mais justement, ouais, parce qu'elle est un peu beaucoup influençable même. Donc du coup, voilà, ouais, elle a que des potes qui font ça, qui étaient mes potes de quand j'étais gay et jeune. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc du coup voilà, moi j'ai quitté quand j'ai vu qu'ils étaient à fond là-dedans, qu'ils étaient en train de tomber littéralement là-dedans, quoi. Mais et elle, voilà, elle est influençable, donc du coup elle apprend tout le temps avec eux. C'est vrai qu'à 17 ans, il faut qu'elle fasse attention. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ah voilà, un message de Difool, c'est pas moi, mais c'en a un autre qui nous dit dénonce-la à ses parents par exemple. C'est vrai c'est une méthode de balance, donc c'est une sale méthode à la base. Bah là, t'es sûr de plus être avec moi. Mais bon. Ouais, voilà. Après, si c'est pour que je la perde, c'est pas la peine. Mais bon, si les parents ils s'en sont rendus compte, ils savent ça ou pas? J'imagine pas, non? Mais je pense qu'ils savent au moins la fume, ouais, parce qu'ils ont dû la cramer une ou deux fois, je pense. Non, mais pour les drogues dures, tout ça. Non, pas pour les drogues dures, je pense pas. Elle prend pas de la coke, parce que moi j'ai mon pote qui prenait de la coke, je sortais pas avec. Ah ouais, tu sortais pas avec, c'est Brian qui t'envoie le message. Mais il avait un pote qui prenait de la coke. Ah, mais c'est le même genre, hein, que la MD et tout ça, quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais, enfin, ça fait pas les mêmes effets. Mais non, tu lui dis, est-ce que tu préfères la drogue ou moi? Si tu préfères moi, arrête la drogue. Ça, c'est une méthode de l'inconnu sur SMS. Et là, elle va rouler un joint, elle va te dire, allez, casse-toi. Ouais, je vais prendre la cachette. C'est choisi déjà. Mais tu l'aimes, toi, Dylan? Ben ouais, ben ça fait 4 ans. Enfin, moi, pendant un an et demi, en fait, nos toutes premières années, moi, je fais des gars à la fête et tout, mais pas au niveau drogue, quoi, niveau alcool. Sur Bordeaux, machin et tout, les fêtes et tout partout, et puis les férias, etc. Et du coup, moi, j'avais cédé un peu de côté. Et puis voilà, quand j'ai commencé à avoir mon permis, mes études, machin et tout que j'ai eu, j'ai voulu me poser un peu avec elle, quoi. Parce qu'elle, elle est tombée dans cette période-là de faire la fête, quoi. Ouais, mais enfin, on peut faire la fête en plus sans se défoncer la gueule et se. Elle y va un peu fort, quoi. Et se ravager la santé, tu vois, se prendre une cuite de temps à autre. Bon, pourquoi pas, fumer des ouinges de temps à autre, c'est interdit en France, mais si tu vas en Hollande, par exemple, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le MD, le LSD, enfin toutes ces drogues chimiques, c'est un peu hardcore. Tiens, il y a Blue qui a une idée géniale. Moi, je te conseille de l'épouser, comme ça, si elle meurt, tu pourras hériter de sa fortune. Voilà, belle idée. Quel enculé, ce Blue, alors. tiens, je suis un ex-gros lordi. Donc, dealer, c'est Vincenzo. je pourrais vous raconter des anecdotes. Ben, laisse ton numéro, Michel Zot. Tu vas pas laisser ton numéro. Laisse ton numéro. Et si vous avez des témoignages là-dessus, vous pouvez nous dire. Et puis, on y revient dans un instant. Tu bouges pas, Dylan, parce que c'est quand même assez sérieux, ton histoire. Bah oui. Ouais, vas-y, pas de soucis. Parce que c'est vrai que si t'as quelqu'un que t'aimes, qui est proche de toi et qui se défonce la gueule. Si vous avez ça, d'ailleurs, dites-nous comment vous réagissez, que ce soit d'ailleurs votre mec, votre gars, ou alors votre meuf, ou alors un gars qui est proche de vous, un ami, quelqu'un de la famille, un frère, une sœur, vous nous racontez comment vous réagissez, comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous feriez si ça vous arrivait. Allez-y, 41759 skyrock.fm. J'ai déjà pris du MD et j'ai roulé une pelle à mon meilleur pote. Depuis, j'ai arrêté. Laurent qui nous envoie un message, 23 ans. Voilà. Vous voulez pas qu'on en prenne? Non, merci, non. Cédric. Tu vois, quand je lis ça, on va se rouler des pelles. Je dis, si tu roules des pelles à n'importe qui, il faut faire attention. Et même fumer des joints, moi, ça m'a jamais vraiment attiré, quoi. Toi, tu fumes des bites. Ouais. T'es en parlant de bites. Tu fumes ta gueule, tiens. Esteban Lave, qui nous, il y a 16 ans, il nous dit, dis-lui que la meilleure drogue dure, c'est ton sexe. Et voilà. C'est pas mal, ça, Dylan. C'est pas mal. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, ouais, mais bon, ça, elle aime tout ce qui est drogue, alors. Et il y a Dani qui donne un bon conseil. C'est vrai que c'est pas con, si ça vous arrive. Faut qu'elle regarde des gens détruits à cause de la drogue, à cause de cette merde à la télé, sur internet, etc. Des gens qui ne sont jamais redescendus, c'est-à-dire qui ont pété les plombs. Moi, j'ai une copine à qui c'est arrivé. Elle voyait des arbres, elle a l'impression que c'était des monstres. Ah ouais, ça me fait pareil. Ah bah fais attention Marie alors. Ah non. Eh oui, fais gaffe. Non, mais j'ai une copine qui a fini en HP à cause de ça. Elle passait sur les Champs-Élysées, elle voyait les arbres des Champs-Élysées, elle criait, elle pensait que c'était des monstres. Ah ouais. Putain, ah je connais une meuf comme ça pareil. Ça allait pas fort. Ah bah elle a pris des drogues en fait, elle dans sa tête elle s'est dit ouais, un jour je vais sauter par la fenêtre et elle est passée par la fenêtre carrément. Ah bah ouais. Il y a des gens qui ont fait ça ouais. C'est vrai, hein, je te jure. Moi aussi. Ouais. Bah ouais. Du coup elle est restée en hôpital psychiatrique pendant un certain temps. Bah, elle valait peut-être mieux. Et ouais, la MDMA, faut faire très attention à qu'elle soit sortie en sautant de la fenêtre. Bah elle a eu un truc à la colonne et tout, mais non, mais c'était où sa boîte quoi. Deux étages quand même. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Non, mais elle a eu du bol, ouais. Faut se les prendre, là, ouais. Ah, bien sûr. Et sinon, qu'elle fasse attention avec la MDMA, parce que tu n'arrives plus à être heureux et à t'amuser si t'en as pas. Ouais, c'est le principe des drogues, c'est quand tu n'en prends pas, t'es mal. La drogue, ça te rend pas mieux, hein, mais ça te rend mal quand t'en as plus après. Et l'alcool ne vaut pas mieux que la drogue, je vous dis ça perso, c'est Sofiane, 15 ans. Bah, ouais. Bah, c'est considéré comme une drogue, hein, maintenant. Exactement. Bah, c'est une drogue dure, parfois, l'alcool, si t'en prends tous les jours, hein, Marie. Ouais. C'est pas bon. Ah ouais, c'est trop bon. Bon, on a le témoignage de Elisa, 17 ans, qui arrive de Lyon, dans un instant, pour toi, Dylan, on va la prendre, on la rappelle et on la prend direct avec nous. Et puis, on aura d'autres témoignages là-dessus. Ne bouge pas, Dylan, on va te filer un petit coup de main. Au moins pour ta copine. Okay, si, si on peut t'aider, c'est bien. Et là, on va aider tous ceux qui sont en galère de technique de drague. Il est 23h23 et on va découvrir les méthodes du clash de drague. Ouais. Ah, ça y est, c'est l'heure que je le pine. Oui, c'est l'heure du clash. Allez, fonce. Attention, attention. Ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Mais oui, ils sont toujours là. Ils ont toujours le titre de meilleur séducteur au monde sur, sur la première radio urbaine mondiale, Skyrock. Ils sont là. Bon, Cédric, et médaille d'argent. Je suis médaille d'or. Ah bah oui, lundi t'as gagné, Cédric était deuxième. Oui, pour le dernier clash, Et ouais, pour le dernier clash. Alors Cédric, qu'est-ce que tu vas faire pour remonter un peu la pente? Eh ben demain il va faire beau, donc moi je voulais squatter un peu le jardin des familles, bronzer, que la femme me passe un peu alors, de crème. Excuse-moi de mettre un petit bémol à ta méthode, Cédric. C'est à 23h25. Admettons que la famille n'ait comme moi un appartement, par exemple. Eh ben j'irai sur le balcon. Et qu'on n'a pas de jardin et pas de et balcon. Ils ont pas de balcon, Mais tu vas me faire chier, toi. Ouais, c'est vrai. Non, moi, j'ai pas de balcon, moi. Je te dis, tout le monde n'a pas tes moyens, Cédric, pour payer un balcon en plein Paris. Ouais, ça va. Alors, admettons, qu'est-ce que tu fais? Là, ben, dans le pire des cas, j'irai bronzer en bas de leur rue, c'est en bas de leur immeuble. Ouais, t'auras pas l'air d'un con. Ah, super, Si vous avez un crétin, une chaise longue, et puis je m'amuse. Si vous avez un crétin. Si vous avez un cachalot échoué dans une chaise longue demain en bas de chez vous, c'est Cédric et la famille qui l'a appelé hier. Appelez les keufs, c'est un pauvre mec. Pas hier, là maintenant. Et demain, ça sera hier, Et toi, Romano, quelle est ta méthode? Bah, moi, je vais me servir de ma nouvelle télé, ça m'a quand même coûté 700 balles, donc 699. Non, ouais, 700, hein. Bah, non, 699. On va pas pinailler, Ouais, non, mais si, bon. À 699, c'est déjà bien assez cher. Et bien sûr, j'ai installé ma nouvelle télé, je vais proposer à la femme, un petit film de cul, pour voir l'image si elle est bonne et éventuellement après la baiser, quoi, tu vois. Très bien, ça. Je refais un peu une démo, quoi. Méthode de la nouvelle télé d'un côté, méthode de je vais bronzer sur dans ton jardin et sur ton balcon, même si t'en as pas. Ou dans ta rue. À 23h25. En bas de la porte. Non, mais je couette chez eux pour la soirée. Très bien. Non, mais en fait, demain, tu te rends compte, au fur et à mesure que ta méthode n'a ni queue ni tête. Si, elle est bien. Elle est bien? Bah, elle est bien, ma méthode. Eh ben, on la teste dans un instant. Bougez pas, le temps d'écouter le nouveau Major Lazer sur Skyrock. C'est parti pour le nouveau Major Lazer. On va se faire le nouveau qui s'appelle. Ah, est-ce que vous connaissez le titre de nouveau Major Lazer? C'est pour voir si vous êtes Coldwater. Bien joué, si vous êtes des fidèles de Skyrock, mais bien sûr, vous êtes des fidèles de Skyrock. Coldwater et Alonso, on se le fera tout à l'heure. Et le clash arrive juste après. C'est sur Sky. Ça, c'est Major Lazer, le nouveau. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. Major Lazer, le nouveau Major Lazer, encore une découverte Skyrock, c'était Cold Water. 21h minuit, la radio libre de Tifoul, seulement sur Skyrock. Ce qui veut dire de l'eau froide. Ouais, c'est ça. Et c'est quand même assez sympa ces temps-ci. Non, cold. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est glacé même. Ouais, c'est froid, bien, ouais. C'est bien froid, ça. C'est vrai. Ah, ouais. Attends, j'ai du mal en anglais. Je vois, mais. Cold Water. Et pourtant, tu sais que nous sommes la première radio rap du monde, la première radio urbaine mondiale. Ben, je sais bien, mais. On a appris ça cet été devant les Américains, dans les radios américaines. Eh ouais, tiens. Dans le cul, Lulu. Dans le cul. Non, mais ça fait plaisir. Merci à vous qui nous écoutez tous les jours pour dire on est premier, tiens. Ouais, voilà, c'est clair. Ça fait plaisir. Alors, Cédric, ton transat est prêt pour nous faire une grande démo? Quelqu'un est prêt? Dégoûte. Arrête de sucer des bites pendant l'émission, Cédric. Ah, comme ça. Ah, s'il te plaît. Putain, mais ça sent mexicain. Ouais, mais tu pues, non? Là, il y a de l'oignon dedans. Ah, mais ça, t'es normal. Bœuf, oignon. Mais tu bouffes des trucs, ça sent trop du cul. Ça sent la merde. Oh la vache. Là, ça sent la gueule. Non, mais ça sent la merde. Ça sent la merde. Moi, je suis content d'être enrhumé, moi. Ah, bah putain, t'as bien de la chance, Romano. Tiens, je regrette de pas être tombé malade, tiens. Ah, ça sent la chiasse, quoi. Bon, mais comment tu me bouffes un truc pareil? T'as la diarrhée de la bouche. Je bouffe, toi, s'il te plaît. Non, mais moi, je bouffe pas. Déjà, est-ce que vous avez déjà senti un truc pareil que je bouffais, moi? Impossible. Bah, déjà, tu ne bouffes pas en émission. Toi, tu es sérieux. Bah oui, moi, je reste avec vous, tranquille. Ouais, je vous parle pas la bouche pleine. J'étais bien éduqué, moi. Bah ouais, mais. Regarde, ouais, ça, un animal. Ça votez Romano, ça le pue. Ah, il rote. Rien que pour ça, mais moi, je suis pas le droit de voter, je vote Romano. Ah, ben bah, merci, pareil, à monsieur l'arbitre. Rien que pour ça, t'auras des bons numéros, Romano, et Cédric, que de la merde. T'inquiète. Bon, alors, le clash, on va le faire quand même. Alors, attendez avant de voter, voici le clash à drague. On reviendra aux drogues aussi, parce qu'on a le témoignage de Elisa qui arrive avec nous, qui doit être à Lyon, elle est dans le coin déjà. Salut Elisa. Salut. Excuse Cédric, qui quand même. Te dégoûte. Ouais, j'imagine. Oui. Eh ben oui. Romano, sache que tu es tout à fait normal et que c'est pas ta faute, Elisa. Ça fait plaisir. Donc t'as 17 ans à Lyon et t'avais une amie qui se droguait aussi, mais aux drogues dures ou juste au joint ou... Joint, drogue dure, d'accord. Tout. Bon bah tu vas nous expliquer, tu donneras des conseils, d'accord, à Dylan. C'est vrai que c'est important pour Dylan, c'est sa meuf qui se drogue, qui prend des trucs chauds. Exact, oui. Donc si on peut lui filer un petit coup de main, c'est pas mal. Bouge, d'accord, pas Elisa, tu vas assister en direct sur Skyrock au clash de la drague en super nocturne ce soir parce qu'il est 23h31. Et il fait beau, il fait chaud, ouais. Il faut voter Romain. Attention, on y va et on va commencer par toi Cédric, tu vas mettre en place ta super, allez, méthode. Voilà, tu viens bronzer dans ton jardin à 23h31 maintenant. Voilà. Tout à fait le. Bah, c'est logique. Tout, ouais, à fait logique. Et non, mais ça ne ressemble à rien. Tu prends un parasol. Bah non, mais en fait, tu t'en es rendu compte que c'était de la merde. Ah, si, t'inquiète. J'ai préparé pour demain matin, t'inquiète, je vais leur faire l'amour pour les matin, on fait pas le morning, Cédric. Mais pour le bronzage. Le morning, ça redémarre lundi. Hein. Mais tu comprends rien. C'est pas le clash du bronzage. Non, mais comme demain, je vais bronzer chez eux pour les remercier. Soir, je vais. Ah, tu les remercies. Leur faire l'amour, tu vois. Bah ouais, moi, je suis un mec cool. Complètement débile, en fait. Non. Non, mais bon, on peut tout essayer dans le clash. C'est Radio Libre, vous avez le droit de faire des méthodes. Allô? Ouais, bonsoir. Non, mais c'est Cédric. Tu parles à un répondeur. Putain, mais je suis filmé de partout, ça me perturbe là. Faut arrêter vos caméras. Ah, c'est ça. Voilà, les caméras, ça te rend bête. Non, ça me rend pas bête, mais ça me fait. Si parler à un répondeur, faut être bête. Cédric, au début, la meuf, elle avait une voix normale. Eh, Cédric, souris, tu passes sur téléphone là, mon pote. Bonjour, vous êtes. Oh là là, bonjour madame. Voilà, madame 03. Je la connais. Cédric. Alors, j'aimerais venir bronzer dans ta maison. Une fois l'enregistrement terminé. Vous pouvez raccrocher, allez, on raccroche. Alors, vas-y. T'essayes de faire un truc ou pas? Ouais, t'inquiète. Ou t'abandonnes? Non. Passez-moi une famille qui décroche. Thierry. C'est Thierry. Allez, on va chez Thierry. Allez, on va chez Thierry. Chant tiré, ouais, mais là il est un peu tard quand même, ouais. Pour les familles. Bah abandonne, hein. Non, jamais. Vous savez que cet été j'étais en Italie et j'ai écouté une radio italienne et ils font des canulars en plein milieu de la Allô. Nuit. Et alors le truc marrant, c'est que ça répond tout le temps. Allô, ouais, c'est qui? Ce qui est quand même assez étonnant, ouais, hein, Romano. Ça, c'est clair. Mais là, il y a une famille qui parle. Ah, pardon, excusez-moi, madame. Ah, bah voilà, c'est. Il a dit allô, on va passer à moi. Non, mais non, du coup, il racontait sa vie. Vas-y, en fait, non, mais ça m'a fait rigoler parce que j'entendais les mecs et tout, le truc était enregistré. T'es là, ah oui, Maté, bonjour, là. Bonjour. On fait de bonnes blagues. Mort de rire. Bon, nous c'est live, il est 23h33. Didier, allez, vas-y Didier. Si il décroche, Didier, s'il vous plaît, je demande un peu de silence dans le studio. T'inquiète, on va te laisser parler, on veut assister à ta super méthode. Magnifique. Est-ce que pour être aussi con, Cédric prend de la drogue? Très bonne question de Lil Wayne sur SMS. Non, je te jure que non. Oui, mais de la drogue dure. Comme il se cure les ongles. Bon, ouais, t'y arrives pas. Bon. Non, mais bon, on peut essayer des magasins. Non, mais bon, on va surtout essayer pour moi et puis. Allô. Allô. C'est qui? Patrick. Allô, Patrick. Oui. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ma poule? C'est qui? Eh ben c'est Michel au téléphone, je t'appelais parce que je voulais faire une petite bronzette demain chez toi dans ton jardin. Ouais, d'accord. Ça te dérange pas? Et je voulais savoir, ta femme pourra me passer un peu de crème dans le dos? Ouais, adieu. Non, mais pas adieu, je voulais venir ce soir déjà. Allô? Quoi? Je voulais passer à la maison ce soir. C'est pour bronzer. Ah non, histoire de te remercier. Hein. Si tu me prêtes ta femme demain pour la journée, je viens te remercier toi. Je viens de faire un petit câlin. Je viendrai te faire l'amour ce soir. Je sens que t'es chaud. Ah bah, il était chaud, mais comme jamais. T'as vu, là, il était chaud, là. Ah bah, il était grave. Bah, ouais, il est bouillant, là, même. Hein. Bah, il n'a pas dit non. Hein. Bravo, toi. Bah, on a bien attendu pour... T'as dit adieu. On a bien attendu pour pas grand-chose. Tellement qu'il était grave chaud qu'il a raccroché, dis donc. En disant adieu. C'est ça. Hallucinant, ça. Hallucinant. Mais rien n'est perdu. Tellement merdique. Je donnerai un deuxième tour. Romano, c'est à toi, dis donc. Non, mais c'est quand même foutage de gueule. Cédric a eu 10 coups de fil pour nous présenter ça comme méthode. C'est quand même scandaleux. Alors Romano, moi je serais vous, je voterais Romano. Évidemment. Ça sonne. Allez, ferme ta gueule. Prenez des trucs ouverts, je sais pas, des hôtels, des magasins. Ah ouais, mais attends, moi ça fout un peu ma méthode en l'air du coup là. Ah, parce qu'il a qu'une seule méthode. La méthode de la télé. Ah bah ouais. C'est pas grave, le mec à l'hôtel, tu l'invites. Ouais, non, mais c'est ce que tu lui dis que t'invites. Non, mais je vais amener ma télé à l'hôtel. C'est quoi ta méthode? Je vais amener ma télé à l'hôtel. Il veut tester sa nouvelle télé. Mais il y a des télés dans les hôtels. C'est pas grave, il veut tester la sienne. Je préfère la mienne. Bah, c'est quoi ta méthode de merde? C'est une méthode de la télé. Mais non, mais on appelle quoi là? Vas-y, un dernier particulier, s'il répond pas à des hôtels. D'accord, on fait comme ça. Dernier particulier, s'il répond pas à des hôtels. Ouais, moi aussi, je veux un hôtel. Après. T'en auras après, Cédric. J'ai dit qu'on faisait un deuxième tour. Préparez les votes, mes amours. On va falloir voter Romano. Cédric. Hôtel ou magasin ouvert, ou n'importe, ou resto ouvert. Hein. Allô. Ah, Jacques. Ah, bah Jacques, il s'est déjà barré là. Bon allez, on passe aux hôtels. Ouais. Les particuliers quand. C'est marrant, il est là. Ah, il est parti. Vous savez, quand on arrive à 23h35. Ouais, du coup, avec ma méthode de la télé, qu'il faut que j'emmène à l'hôtel. Un hôtel dans 64. T'as l'air un peu con là. Allez, un hôtel dans 64. Et on n'a pas le nom de l'hôtel. Moi, je pense qu'ils vont le dire quand ça va décrocher. Le Père Mailloux. Nous allons, Père Mailloux. Père Mailloux, bonsoir. Voilà. Allô, c'est le Père Mailloux ? Oui, tout à fait. Oui, c'est l'hôtel ? Oui. Ah, très bien. Bon, dites voir, est-ce qu'il vous reste de la place pour ce soir ? Non, attends, je suis assis. Pour combien de personnes ? Ah, ben, je serai tout seul. 30 secondes. Ah, c'est plein, le Père Mailloux. C'est le carton. Le Père Mailloux est rempli. C'est quoi, drinking ? Ah, ouais, c'est jazzy. Non, je confirme, j'ai plus de place disponible. Et éventuellement, dans ton cul, il reste un peu de place ou pas pour ce soir? C'est Jean-Louis, là. C'est Jean-Louis. Allô? Oui. Ouais, je vais venir dans ton cul ce soir. D'accord. Voilà, j'arrive dans 5 minutes. Ok. Tu te dilates bien et je rentre dedans quand j'arrive direct. Hein. Et la télé, okay. Alors? Pour la tout nuit. À l'heure, plus. Ah, tout à l'heure, chérie. Bisous. Oh, et voilà. Bravo, mais t'as pas fait la méthode de la télé? Bah non, mais j'ai changé de méthode. Il reste de la place dans son cul. T'avais pas de méthode? Bah, c'était la place du cul. Et bah voilà. Méthode, ça, c'est bidon. Bah si, bah en tout cas, je vais l'enculer. Je vais l'enculer. En tout cas, il a serré, après, ce sera à vous de juger. Il m'a appelé ma puce. Passe-moi un hôtel, moi, t'inquiète. Ma puce, je note. M'a dit ma pupuce. Bah, je garde ma méthode, tu vas voir. Ma puce. Allez, à toi, Cédric. C'est quoi, c'est hôtel? Ouais, hôtel 80. Allez, hôtel dans la Saube. Picardie. Salut, Picard! Allez, faut que ça décroche, là. T'empêtes? Ah. Allô, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir, madame, je suis bien à l'hôtel? Oui. Oui, je vous appelais parce qu'en fait, j'aurais aimé venir squatter une chambre cette nuit. Oui, mais on est fermé, là, monsieur. Bah, je peux venir dormir chez toi. Ouvert la nuit, non, mais. Faut allô. Quand même. Non, on est fermé. Parce que demain je voulais me faire bronzer là en bas de, enfin en bas là. Il y a une piscine, une terrasse, un truc là chez vous. Un petit jardin, non? Une cave. Allô. Ouais. Au bon accueil, j'écoute. Je crois qu'il y a du vin surtout, non, pour la dame. Elle était en train de dormir. Elle était avinée, je crois. Dans un hôtel ouvert la nuit. Bah attends, t'imagines à quoi ça. C'est un hôtel ouvert la nuit. Non mais c'est quoi cet hôtel? Pour faire un hôtel ouvert la nuit. Exactement quoi. Je peux pas en avoir un autre. Ah bah non, non mais ça compte pas. Ton deuxième tour. Bah, ça compte pas. Non mais c'est un hôtel fermé, ça existe pas ça. Bah si, ça existe. Bah, t'as la preuve. Non mais moi je veux un hôtel ouvert. Ah mais ça on s'en branle. Bah ça c'est pas écrit sur l'annuaire. Attends. Hein. Ouais. Passe-moi un autre hôtel. Non, c'est pour moi gros. Hein. Ah, là c'est le tour de Romano. T'es vraiment une salope. Il faut respecter les règles. Ah non mais je vois. Bah il y a quoi être salope? Tu veux un rappel? T'es une salope. Si tu veux un rappel éventuellement oui. Il y a un troisième tour? Non mais bon. Il y a pas de troisième tour, jure. Bah non, il y a pas de troisième tour. Bah vas-y je rappelle alors. Bon alors on donne un rappel à Cédric. Attends quoi? Il y a quoi? C'est Samy, t'as demandé. Samy, il est là. Attends. Un suspense de ouf. Quoi? Attends. Non, mais parce que. Voilà, c'est bon. Allô? C'est pour moi? Ouais. Allô? Ah oui, bonjour madame, ça a coupé. Donc, oui. Je disais, je voulais venir squatter le jardin demain pour faire un petit peu bronzette. Allô? Oui, oui. Ouais. Il y a moyen que je passe demain? Mais oui. Donc, ok, génial. Et tu pourras me passer un peu de crème? Allô? Je passe pas ton mari, vas-y. Ah. Ah. Et ben voilà, tu as bien fait de rappeler, Cédric. Ah, donc j'ai un rappel en stock, si tu veux. Et je passe à ma famille. Allez hop, c'est bon. Allez, vas-y, Samy. Envoie ce qu'il faut envoyer. Toi, on va dans une auberge directement, dans le 64. Allez, une auberge. Ah, je suis sûr, gros. Vous m'avez baisé, c'était pas le même numéro, bande d'enfoirés. Si, si, mais t'es con, mais la meuf, elle avait la même voix. C'était la même. Mais t'es complètement abruti, toi. Toi qui dis con. C'est incroyable d'être con comme ça. De toute façon, je sens qu'il y a une conspiration contre moi. Ah, voilà, c'est con et paranoïaque. Oui, bonsoir, c'est l'hôtel. Oui, comment vous allez? Bien. Bien. Bon, dites, vous êtes un homme ou une femme, vous? Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Non, mais dis donc, parce que je vais venir, là. Oui. D'ici 5 minutes. Oui. Et je voulais savoir s'il restait un peu de place dans ton cul pour que je m'y colle ma bite. Oh merde. Oui, c'était peut-être un petit peu. Je prends mon rappel, là, bien sûr. Je crois que tu vas un peu fort. Vas-y, prends ton rappel. T'aurais dû lui faire la méthode de la télé, elle. Mais c'est un mec ou une meuf? C'est une meuf. Oh, mais t'es sérieux, elle a pas de voix de mec. Ouais, en fait. C'était une meuf. Ah bah tu vois. Ah ouais. Alors, ah bah, Cédric, moi j'étais sûr que c'était une meuf, mais si Cédric dit que c'est une meuf, comme il mélange les deux, je me pose la question. Mais bon. Vas-y, plus soft. Vas-y. Bah attends, ouais. Bah plus hard, c'est difficile aussi. Hein. Ah ouais, je croyais que c'était un mec, moi. Bah non, c'est une femme. Ah, là, c'est bon. Allô? Ça a coupé? Je crois que t'as raccroché. Ouais, je crois aussi. Et voilà, elle t'a raccroché au nez. Bon, de toute façon, moi je m'en fous, j'essaie au premier coup de fil. Mais bon, c'est bien, on est arrivé au bout du clash. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Bah, moi, ce que j'en pense, c'est qu'il faut voter Cédric, la famille. Je demandais pas à vous, je demandais aux auditeurs. Ah, merde. Il faut voter Romano, mes amours. C'est ce soir, c'est le grand soir. Un serrage de ouf. Je me cale dans le cul du mec. Il se le dilate. Il m'a appelé ma puce. Votez Romano, la puce. Mais il y croit ce coup. Romano, la pupuce. Votez Romano. Et toi, Cédric, un truc à dire? Bah, votez Cédric, votez pas Romano, la pute, là. Bah si, votez Cédric, CEDRIC, moi j'avais une méthode totalement originale, contrairement à mon adversaire d'en face là. C'est vrai. Et moi j'étais, je pense qu'il y a une conspiration contre moi. Voilà, ok. Je le dis, pour ça, votez Cédric, soutenez la famille, la team Le Belge, votez Cédric, CEDRIC, votez Cédric, la famille, je compte sur vous tous. Très bien, vous votez au 41759 et sur l'appli Skyrock. Merci pour les messages. Alors les premiers messages, GG, je vote Romano, hashtag... Romano, votez Romano. Non, hashtag clash. Romano la puce pour Baby Chou. Je vote pour la pupute Romano, message de Zach du 59. Ah, voilà, le pupus, hein. C'est pas pupute. Non, non, mais pupute, on accepte. On accepte pupute. Il y a une faute de frappe. Team Le Belge depuis Moscou. Qui vote pour Cédric. Oh là, j'ai fui danser des Russes. Très bien. Vodka et compagnie. Romano la puce pour Jordi. Allez, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Non, Doriano, pardon. Doriano du 59, vote pour Romano. Même El Kido vote pour Romano. Votez parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le clash. Ah ouais, votez la famille. Je soutiens tout le monde. Ah, puis il y a ceux qui sont sur Facebook Live là. Romano pour j'arrive pas, ça défile tellement vite. David, il y a rien écrit là. Romano pour Stéphanie. Bisous Stéphanie, je vote pour Romano. Merci Stéphanie. On prend les votes sur Facebook Live aussi. Mais ça va être compliqué. Allez, votez Romano. Oh, ça c'est moi. Ça dit donc qu'il est mignon cet animateur de Skyrock. Bonjour les amis. Ah, le gros plan. Et moi en même temps, je suis sur Periscope. Votez Romano, le Periscope Skyrock FM. Moi je suis sur Facebook Live. Je peux mettre un like comme ça là. Sur ton like. Je vais te faire des cœurs. Non. Il va péter le truc. Je vais me faire des likes. Il va péter le truc. Bon, allez, votez. Et allez, votez Romano. Les résultats du clash 41-7-5-9. L'appli Skyrock aussi pour nous envoyer tout ça. Et dans un instant, vous aurez les résultats du clash avant la fin de l'émission. C'est-à-dire dans moins de 20 minutes, vous saurez tout ça. Il est 23h42. Vous laissez 5 minutes pour voter. Maintenant, je suis sur Periscope. On est partout, c'est fou. Ah ouais. Skyrock bien. FM. C'est ultra connecté. Sur Facebook ou sur Peri. Comme ma télé. C'est Skyrock FM. Et sur la télé de Romano. Elle est ultra connectée. Elle est ultra connectée aussi. Et magnifique. Bon, on retrouve. Le son de Major Lazer, que non, le son de Major Lazer, on a passé le son d'Alonso que je vous avais promis. Mais ah, c'est Binta. Oui, Binta. Et avant ça, on a Dylan au téléphone avec nous et des réactions pour toi, Dylan. T'es là, Dylan? Ouais, je suis là. T'as bien fait de nous appeler. Tu votes pour qui pour le clash, Dylan, toi? Ouais, je vote pour Romano, moi. Ah, c'est bien. Pour Romano la pupute. Merci. Ça vote pour Romano, pour Tom Pouce sur SMS, pour Cédric, pour JJ. Elle a 20 ans. Elle fait une bise à Cédric et elle vote pour Cédric. Romano, vous m'avez pas dit. Achetez pas tous les messages. Il y en a tellement. Quentin OM. Tu vois, je t'ai cité maintenant, Quentin. Merci, OM. Mon pote. Votez Romano. Merci. J'ai fait un peu de propagande, moi, dehors. C'est bien. Elisa, tu votes pour qui? Ouais, va dehors. Votez dans Cédric, la famille. Romano. Romano. Très bien. Ah. Bon, fatigué. Allez, on va repasser aux choses sérieuses. Pas bien dans ton téléphone, Elisa, qu'on t'entende bien. Tu m'entends là? Ça devra aller. On va voir. Alors toi, Elisa, tu nous appelais rapport à une de tes copines à toi. T'as entendu l'histoire de Dylan avec sa meuf qui s'en fume la tête, qui prend des drogues en soirée, LSD, MD, ouais. etc. Et oui. Donc toi, t'as une copine, c'est pareil. Oui, bah moi j'ai une copine, elle a 22 ans, elle prend de la drogue en soirée, tout le temps on doit la surveiller en soirée, elle a couché avec mon mec qui a 15 ans. Elle a couché avec ton mec qui a 15 ans? mon ex qui a 15 ans, alors qu'elle a presque 22 ans, c'était mon ex. Mais lui, il était drogué aussi ou alors ouais, oh non, lui, il était content, non la dalle. Ouais, il devait être content aussi. Ouais, drogué aussi. Ouais, direct. Et en fait, c'est qu'au bout d'un moment, à force de la surveiller, parce que une fois, elle était entourée plein de mecs. Moi, je suis arrivée, je voyais, elle avait les yeux rouges, elle avait pris des extases de le machin, là, qu'on les piqûres et tout. Et des machins, des piqûres. Je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, les piqûres, là. Bah, c'est l'héros, ça. Ouais, c'est de l'héros, ouais, en rip, ça. Ouais. Enfin, les autres, c'est pas mieux, mais alors l'héros, c'est. Ah, ben déjà, il y a une seringue, donc. Ouais, tu vois, c'est pas possible pour moi. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, j'ai dû la surveiller, j'ai dû même tarter un mec parce que il avait l'intention de la sauter, quoi. Et, au final, moi, Dylan, ce que je lui conseille, c'est de la laisser, de la quitter parce que quelqu'un qui te prend de la drogue, en fait, ta meuf, elle va devenir trop accro et ça servira à rien de la faire arrêter. Parce que toi, t'as essayé de l'aider, ta copine, toi, Elisa? Ouais, j'ai essayé de l'aider. On était plusieurs à l'aider. Elle a pas voulu de notre aide. Franchement, elle en prend tous les jours. À chaque fois qu'on la voit, elle a toujours des extases, des choses comme ça sur elle. Ah ouais. Ouais, puis au final, à mon avis, faut que tu la quittes, faut la laisser parce que je pense que ta meuf, si elle en prend tous les jours ou si elle est trop accro à ça, vaut mieux la laisser parce que c'est trop tard, quoi. C'est jamais trop tard, quand même. Ouais, non, mais ça dépend comment elle est aussi, mais après il y a ses parents qui pèsent aussi à un moment donné, il va bien falloir qu'elle se calme et puis qu'elle reprenne le truc de ses parents, quoi. Ouais, parfois, c'est la drogue, le principe de la drogue, c'est que t'en prends, et puis t'es obligé d'en prendre, t'arrives pas à t'arrêter. Parce que ma pote de 22 ans, elle est pareille, elle tasse pas, elle prend de l'argent à ses parents, elle s'achète de la drogue avec, et franchement, elle fait que ça de sa vie, parce que... T'imagines, t'es les parents, c'est vrai que c'est pas facile à gérer non plus, parce que bon, t'es son mec, Dylan, c'est clair, toi, c'est pas facile à gérer, mais imagine, Romano, tu fais un enfant, oui, et il te prend ton argent pour se droguer. Ouais, je mets une baffe dans sa gueule, déjà. Ouais, voilà, moi c'est. Non mais attends, déjà, première. Ah, je vois qu'il me pique du pognon, je prends une baffe, hein, ça c'est la règle. Non mais il faut le savoir en plus qu'il achète de la drogue et tout ça. Non mais bon, après ça dépend les sommes. Bon, après il y a des gens, ils ont tellement de fric, ils s'en rendent même pas compte, hein, je pense. Ouais. Alors attends, il y a peut-être. Donc toi, tu as essayé de l'aider, t'as pas réussi. Ouais, exact. Parce que nous aussi, on est dans un délire. On va en boîte et on écoute souvent de la trance et. Ah, tu penses que c'est une drogue qui incite à une musique quoi qui incite ouais. Ouais. Moi c'est ça dépend où t'es, ce que tu prends. Oui, c'est vrai qu'une musique qui fait. Non mais de la trance ça fait c'est pas du hardcore fait... que tu fais là. Oui, c'est ça que ça un peu plus. C'est planant ouais. C'est plus planant oui. Ouais mais Dylan ta meuf elle en prend tous les jours en soirée, comment ça se passe? Ouais mais depuis quand elle est en vacances elle en prend tous les jours et puis quand elle est en cours elle prend à peu près deux fois par jour. Mais elle va en soirée? Ouais, en vacances, oui. Parce que si elle va en soirée sans toi, fais attention, hein. Parce que franchement... Ah ouais, c'est bien, t'es rassurante, Elisa. Non, mais depuis que t'as vu ton petit frère, Elisa, ton petit frère se taper la meuf de 22 ans... ton ex, pardon. Son ex, ouais. Ouais, ton ex taper la meuf de 22 ans. Il est content, le mec. Oui. Bah ouais, lui, il est content. Ah oh, bah, tu m'étonnes. La meuf, elle saute sur tout ce qui bouge, hein, tellement qu'elle est drôle. Ouais, elle a chaud, ouais, elle se rend tout compte, ouais. Mais il faut qu'elle fasse gaffe, parce que... C'est une vraie amie, il faut la secouer un peu, hein. Bah, elle a essayé, pas arrivé. Par contre, attendez, bougez pas, j'ai Seb et Camille qui sont au téléphone avec nous. 23, 22 ans, 34. 34, c'est l'héros. Ouais. Salut Seb, salut Camille. C'est l'héros. Salut Ine. C'est l'héros, ouais. C'est l'héros, ouais. On reste dans la drogue, dans l'héros. À Montpellier, ouais. Salut à tous les deux. Salut. Salut Seb. Coucou. Elle est un peu timide, elle veut pas parler. C'est pas grave, tu lui passes quand même un petit bonjour à Camille. Je lui fais un bisou. Et lui, on mord pas, hein. On mord pas. Cédric, Romano avec des dents plastiques, hein, donc. Et Cédric, ça fera pas mal. Et Cédric a déjà mangé. Oui, c'est bon. C'est bon. En toi, tu as un peu plus d'espoir pour les gens qui se défoncent, parce qu'on a plein de messages, là, de... Regarde, là, moi, c'est mon frère, il fume des bédos toute la journée, il reste au lit toute la journée, j'ai l'impression qu'il s'enferme un petit peu. C'est M6 qui nous laisse un SMS. Mais ça, c'est souvent ça, hein. Et donc, toi, Seb, t'as connu ça avec Camille, avec ta meuf, toi. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, en fait, elle fumait des clopes et après se droguer aussi, tu vois. Et elle se droguait à quoi? Au joint, mais bon, moi je supporte pas. Ah oui, ça, c'est... juste les joints. Je fume pas à côté. Ouais. T'es mal tombé. Ouais, Attends, la bédale, je supporte pas. Fumé, donc ouais, ça me dégoûtait un peu. Et je lui ai dit, ouais, t'arrêtes de fumer, on se met ensemble. Donc elle a arrêté de fumer pendant une semaine, donc du coup on s'est mis ensemble. Et elle a dit, et je lui ai dit, le jour où t'arrêtes la drogue, et on habite ensemble. Et donc du jour au lendemain. Elle a arrêté? Ça a pris un petit peu de temps, tu vois, parce que c'est. Ouais, après, c'est vrai que le. T'es... Enfin, je peux pas parler en général, mais bon. quand même, de manière. Ah, c'est quand même moins pire que. C'est moins difficile de sortir de du ouage que de se sortir de tout le reste, quoi. Non, mais en plus, le problème qu'il y a, c'est que, tu sais, souvent, ceux qui prennent ça en soirée, c'est un groupe d'amis et ils en prennent tous. Donc, il y en a pas un pour relever l'autre, quoi. Il y en a pas un pour dire, bon, vas-y, on arrête ou arrête. Les mecs, ils sont tous dans le même délire. On se prend des cachetons tous les samedis soirs, quoi. Tiens, d'ailleurs, on a peut-être une solution pour vos amis drogués. Il y a Audi A3 à 24 ans des Yvelines qui nous dit, moi, je suis keuf, donc je les coffre tous. Comme ça, c'est réglé. Donc, vous pouvez faire appel à nous. J'ai le numéro de Audi A3. Merci pour ton petit coup de fil. Et elle a arrêté, mais direct net, toi, Seb. Non, pas les joints. Les joints, ça a mis bien 6 mois, tu vois. Ouais, donc elle a mis 6 mois. Et là, des fois, elle s'y remet quand on s'embrouille ou quoi, la meuf. Elle fumait beaucoup la journée et tout. Non, les joints, c'était deux fois. Toi, t'étais. Ça rigole pas avec toi, quoi. Ouais. Ah, ben non, faut pas. Ah, ben non, on a bien compris. Garde-vous. Garde-vous. Ouais, c'est ça, bon, si. Deux joints par jour, c'est déjà trop, mais. Il y a Statam qui dit, moi, mon ex, c'était pire, c'était cocaïne, speed et extra. C'est quoi le speed, Marie? T'as remarqué? Chaque fois qu'on parle de drogue et que je sais pas ce que c'est, je me retourne. Enfin, je sais pas. Le speed, souvent, la coke et tout ça, c'est coupé au speed. C'est un truc qui te speed. Qui te speed. Moi, je sais pas faire la différence entre toutes ces drogues. Mais moi aussi, ouais. Ah, je te jure. Les extas, c'est des pires. Et vous amenez en soirée, vous verrez, les gars. Les extas, t'as du MDMA, c'est le principal. Non, mais c'est quoi le MD? C'est des pilules ou c'est de la poudre? C'est comment? De la poudre, tu peux prendre en poudre. C'est de la poudre. Mais c'est souvent coupé, donc ça peut être super dangereux, quoi. C'est coupé. Ouais, c'est vrai. Le tchèque, il dit, j'ai perdu 15 ans de ma vie à cause des drogues, il a 30 ans aujourd'hui, donc imagine. Putain. La moitié de sa vie, il a perdu à cause des drogues. Salut à toi, le tchèque, merci du message. Romano, il a perdu ses cheveux, arrêtez la drogue. Ouais, regardez Romano, il nous laisse un message. J'ai arrêté, lui. Je lui dis stop. C'est trop. Ouais, reste avec elle quand même, elle arrêtera si tu continues à lui dire d'arrêter. Tu peux y arriver. Hugo, qui est optimiste, qui a 15 ans pour toi, Dylan, tu vois. Ouais. Et sinon. Mais ça va être compliqué parce qu'elle n'est pas motivée pour le faire. Il faudrait qu'il y ait toi et puis d'autres personnes autour, tu vois. Balance-la, ses parents. Ça revient souvent, j'avais lu un message déjà comme ça. Hein. Et qui disait de balancer aux parents. Non, ou alors faut balancer mais sans. C'est pas bien mais bon. Ouais, enfin faut le faire d'une manière détournée comme ça. On sait pas que ça vient. Tu fais de lettres anonymes. Non, peut-être pas de Charles Corbeau. Oui, allô, je vous appelle. Notre fils drogue. Tiens, j'ai un pote qui a pris du MD. Il se branlait en plein milieu de la piste. En boîte, il s'est fait foutre dehors par les vigiles. Ah bah j'imagine. Normal. Sauf si c'est une boîte à cul. Mais c'est pas Fred aussi qui montrait sa bite en soirée qu'il a détourné. Exactement. Tu m'avais raconté. Ouais. Bah, il me l'avait raconté. Ouais. Je le jure. Bien sûr. Je jure sur la tête de Cédric. Non, mais c'est bien, je te crois là. Non, mais c'est sérieux. Non, mais véridique. Quand je suis arrivé à Skyrock, on travaillait tous les deux. Je faisais plein de trappes avec lui. Et il y a des fois, il se confiait un peu. Et un jour, il m'avait dit, ouais, tu sais ce que je fais quand je suis bourré en boîte. Je sors ma bite et je la fais tourner devant la meuf. Écoute, comme il fait l'hélicoptère. Ouais. Avec lui, j'ai jamais vu. Peut-être que tu l'excites pas, Marie. Bah ouais. Manu l'excite beaucoup plus que toi, ouais. Bon, en tout cas, pour les drogues, c'est vrai que c'est pas simple. S'ils ont vraiment pas envie d'arrêter, c'est pas toi qui va les faire arrêter. Et non, mais faut qu'il y ait un déclic de sa part. Ouais, de toute façon, t'auras beau faire n'importe quoi. Si elle décide de rester là-dedans. Si elle est pas dans le délire d'arrêter, elle arrêtera pas. Non. Et comme c'est la rentrée, est-ce qu'elle va pas changer de rythme de vie aussi, Dylan? Tu vois, elle change de rythme de vie, donc elle va pas sortir tous les soirs. Elle va au bahut, ta meuf? Ouais, mais bah oui, mais toujours avec ses collègues du groupe qui fument, donc c'est pareil, quoi, entre midi et deux. Ouais, tu vois, déjà, avec tout ce qu'elle prend, si elle arrête le MD, si elle arrête le LSD, si elle ne fume que des ouinches, ça sera déjà un beau progrès, tu vois, peut-être y aller petit à petit, pas à pas, etc. Ouais. Non ouais, parce que j'ai déjà essayé de la quitter par rapport à ça, puis voir si elle m'aimait, c'est leur réputé, et puis elle a pas pu, et pourtant elle me parlait toujours, enfin, sa mère m'a appelé, machin et tout, comme quoi elle faisait que pleurer, etc. Donc, du coup, je me suis remis avec, mais bon, ça. Non, et puis l'histoire des vidéos là que vous nous laissez des gens qui sont restés qui sont restés là quand ils prenaient des drogues, qui ont pété les plombs, il y a des vidéos qui traînent sur le net. Qui sont restés perchés, ouais. Voilà, ou des tu peux peut-être lui montrer ça aussi. Regarde ce que tu vas devenir. Il y a une pote à elle qui est défoncée à mort et puis que elle fait plus rien de sa vie, elle bosse pas rien du tout, elle aussi elle sait que c'est par rapport à sa drogue et tout, mais Ouais, je sais pas. C'est clair que si elle change pas d'habitude, si elle continue d'aller en soirée et si elle y va toujours avec les mêmes gens, elle continuera à se défoncer la gueule. Après, c'est vrai que la rentrée, l'école, tout ça, le bahut, ça va peut-être l'inciter à aller moins souvent en soirée. Déjà, les soirées, je pense que ce sera plus le week-end. Donc, ça va réduire malgré tout déjà la quantité par rapport à Si elle se fait une soirée par jour pendant les vacances et que si elle s'en fait une par semaine, déjà, c'est un bon début. au moins elle ralentit le truc, c'est qu'elle soit dans la bonne direction. Ouais, mais si elle prend l'habitude, c'est pas bon. L'habitude de prendre des drogues en sortant et tout ça, c'est pas bon. Oui, non, mais ça c'est clair. Ouais, après, il y en a même qu'on prenne en pleine journée, hein. Sans aller en soirée. Ah, bah oui. Là, c'est, je pense que là, c'est pire que tout. Là. J'ai soif depuis qu'on parle de toi. Un peu plus. C'est con. Non, mais bon, l'alcool est une drogue aussi. Il y en a plein qui nous bien disent sûr. Ça. Une drogue, mais légale, oui. Ouais, qui nous disent que mon père. Tiens, voilà, regardez le message de Beagle qui nous dit moi, mon père se défonce la gueule à l'alcool et je peux vous dire que c'est pas mieux et que c'est très difficile de le faire arrêter, tu vois. Même bah, si, c'est une maladie, hein. Même s'il en est conscient. Voilà, c'était le petit message de l'inconnu qui n'a pas laissé de, qui n'a pas laissé de pseudo, là. Bon. Ben, Seb, t'avais un petit message à passer à Dylan et à tous ceux qui ont quelqu'un qui se drogue autour d'eux. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire, comme toi? Du chantage. Du chantage. Ah bah. Donc, on est sur le chantage. Elisa, toi, tu penses que, ouais, tu penses que même avec du chantage, même en changeant les habitudes, même avec la rentrée, avec le bahut, faut qu'il la quitte? Ah, Elisa. Elisa. Comment? Voilà, Elisa ne se drogue pas, mais tu devrais. On a eu plein de messages en disant que t'étais droguée. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Si tu te drogues, toi. Si toi, tu te drogues, mais tu ne veux pas le dire. Ouais. Attention, Elisa, la drogue, c'est mal, Elisa. Ouais, c'est mal. Moi, c'est qu'en soirée, donc après, ce que je conseille à Dylan. Et je vous écoute toutes les soirées, donc. Ouais, donc toi, tu as dit qu'il n'y avait rien à faire. Mais bon, moi, je pense qu'il y a toujours de l'espoir. Essaye de l'entourer. Si elle est très amoureuse de toi, Dylan, tu vois, ça peut être. On parlait de chantage avec le témoignage de ouais, Seb par rapport à Camille, sa meuf. Toi, si t'es vraiment amoureux, si elle est vraiment amoureuse de toi, bah peut-être que ça peut l'aider un petit peu. Enfin, ça se tente, hein. Ouais. Oui, il faut tenter, ouais. Bah oui. Ok, ouais, Dylan. Bah vas-y, hein, il faut l'aider. Bon, bah dis-nous en plus, tiens-nous au courant quand même de cette histoire. Et puis si tu peux nous appeler un soir avec elle, hein, qu'on puisse lui parler, ça pourrait être pas mal. Tu vois, on va pas lui faire des leçons de morale parce que bon, on est mal placé, mais. Mais bon. Ouais, y a pas de soucis. Je passerai Marie, tiens. Un soir où elle est pas trop défoncée, oui. Ouais, non, mais un soir où elle est pas trop défoncée, moi, je veux bien qu'on lui parle en direct à ta copine. Vas-y, mais y a pas de soucis. Tu vois, parce qu'il faut tout tenter. Bon, en tout cas, merci pour les messages que vous avez laissés, là, tous ceux qui ont galéré. Moi, j'ai un pote qui allait très loin avec les drogues, il voyait des monstres tout le temps. Ouais, carrément. Il dormait plus. C'est Sissou qui nous envoie un message. Moi, je me défonce, mais uniquement à la fume. Et que pendant les vacances. D'ailleurs, ça me fait chier, c'est fini. Ah bah oui. Voilà. Ah oui, c'est clair, c'est fini la semaine prochaine. Ah ouais. Bon, en tout cas, merci pour les messages, merci de ton témoignage, Elisa, on te fait un gros bisou, et merci, Seb, et tu fais une bise à Camille, la timide. Hein. Ouais, pas de soucis. Est-ce que tu peux faire une dédicace, s'il vous plaît? Mais bien sûr, ami Elisa. Alors, je fais une dédicace à Camé. Il pense à Momo et à vous l'équipe. C'est gentil, on t'embrasse. Merci. En tout cas, nous, Elisa. Bisous à toi. Salut, bisous. Bisous, bisous. Et Dylan, tu quittes pas, on te reprend, Dylan. On va prendre. Ouais, okay. Et on prendra des nouvelles en plus, bouge pas. Et on vous envoie le t-shirt Skyrock, le collector, qu'on vous envoie à la maison. Oh là, mais déjà presque la fin de l'émission, dis donc. Ouais. Presque minuit. Alors, je vais lancer le top roulette 7-20-20. Si vous voulez vous inscrire pour la roulette 7-20-20, vous laissez vos messages sur le 41. Non, sur le 7-20-20. Vous écrivez roulette. C'est ça que je voulais vous dire. C'est ça, ouais. Vous écrivez roulette, comme ça on vous repère vite. Vous envoyez roulette au 7-20-20, on vous tire au sort et vous gagnez Gims en tournée dans toute la France avec Skyrock. Vous voulez aller le voir? Eh bien, vous choisissez les endroits où vous allez le voir, vous choisissez les dates de concert de Gims et il faut gagner. Il y en a plein, ouais. Et pour gagner, il faut s'inscrire. 7-20-20, vous envoyez roulette. Et en fait, on est la roulette dans un instant, le temps d'écouter Alonso et de vous donner les résultats du clash de la drague. Ah, bah oui. Lundi, c'était 53-47 pour Romano. Qu'est-ce que ça va donner ce soir, Cédric? Va-t-il reprendre la main? Ah, j'espère. Va-t-il putain. Exploser Romano? Ah, j'y crois pas trop, mais vas-y. Va-t-il le battre de peu? Le résultat va-t-il être serré? Je ne sais pas. Je vous dis tout dans un instant. Les résultats. Ah, j'espère arrivent, que tu claques bien le cul. Et puis je voulais vous remercier pour tous les votes parce que vous avez voté comme des fous, mais sur la fin nocturne de Clash, ça fait plaisir. Vous êtes là jusqu'au bout et nous aussi. Alonso également avec Bimta tout de suite. Tous les soirs, la radio libre de Diffoul, 21h minuit sur Skyrock. Dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. Tête des boules sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, sous bout. On a perdu la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le smic est resté assez minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves des fous. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Et ouais, sur Skyrock, on est là et j'ai même les résultats du clash à vous donner et la roulette à faire tourner dans un instant. On va tourner la roulette pour Maître Gims. Maître Gims en tournée Skyrock dans toute la France et vous gagnez les places pour la tournée par deux pour aller voir Gims, mais alors absolument où vous voulez. Ouais, on c'est vous mieux. Bonne chance d'avance. C'est gratuit, c'est pas cher. Et ils sont deux aussi pour se clasher tous les mercredis, par exemple. Eh ben, on est mercredi soir. La radio libre de l'été, l'avant-dernier clash de la radio libre de l'été. En direct ce soir sur Skyrock. Vous avez assisté à ce très beau clash en nocturne puisque c'était il y a moins d'une demi-heure. Ouais. Cédric, avec sa super méthode, je viens bronzer à 23h30 et quelques. Et pas mal tout du tout. Fait ah, mais ça va, que tu le dis comme ça, oui, ça fait couillon, mais non. Ah bah, ça fait couillon, tu le dis toi-même. Ça fait plaisir. Mais là, c'est Cédric, pas ça, c'est, je viens squatter chez toi parce que demain je vais bronzer dans ton jardin. Non, mais t'avais pas de méthode. Mais si, c'était ça la méthode. C'est bien squatter chez la famille c'était pour la vie. C'est pas très, très clair, ton histoire. On va voir, parce que tu dis c'est pas très clair, Romano, mais peut-être que ça a été très, très, très efficace. Non, mais il a rien serré du tout. Hein. Et si je te dis qu'il a fait le banco ce soir? Banco, impossible. Banco, comme ça, ping. Ah, impossible. Il a gagné 80%. Bah, impossible. Pourquoi impossible? Parce que j'ai vu les votes. Mais tu les as pas tous vus, les votes? Non, mais j'en ai vu une bonne partie. J'ai vu la tendance qui se dessinait, quoi. Eh bien. Je vous annonce un truc, Romano a gagné lundi avec 53%, mais je peux vous dire que les scores de ce soir ne sont pas du tout les mêmes que lundi soir. Ah. Et ouais. Ah. Alors. Comme quoi chaque jour est différent. Alors on a pris les votes sur le Facebook Live, puisqu'il y avait plein de monde sur Facebook Live, on avait filmé le magnifique clash, Cédric en short, c'était trop beau. On a pris les votes sur le 41759 et sur l'appli Skyrock. Et je vous annonce que ce soir, Romano fait 42%. Hein? Ah non, 7 et 2. 72%, ah oui, pardon. Ah, et Cédric, 28. Ah, bah victoire. Voilà. Oh là-bas. Excusez-moi, j'ai mis la feuille un peu loin de mes. Claquage de cul. De mes yeux, j'avais mal vu. Vu qu'il est miro, il voit pas. Eh ben ouais, 72% pour Romano. Parce que ce qu'on a bien vu, c'est que j'étais bien en cul. Ouais, on va les couilles, et 28 pour Cédric. Bon, c'est vrai qu'on avait le message de Jean-Marie Le Pen qui disait tout à l'heure mon neveu Cédric. Oui, bien sûr. Yavol. Je suis un peu déçu de par toi ce soir. Je suis un peu déçu par toi, n'est-ce pas? Mais je pense que vendredi. Je vais le baiser. Tu finis la semaine en beauté, tu termines la Radio Libre de l'été. Ah mais si je perds, je vous tape tous. La Radio Libre Summer Edition. Je tape l'air. Hein ouais, bien sûr, je vais gagner. Donc, tu termines l'été en beauté. Tu arrives avec une méthode, hein. Moi, j'ai une méthode que je te donne. Ta méthode pétée du parasol et de la télé, c'est claqué, gros. Il n'y avait pas de parasol, là, aujourd'hui. Si, le deuxième appel, t'as fait ton truc. Non, de... ça, c'était lundi. C'était lundi. Ah, si, si. Mais si, mais la non, méthode si, du parasol, c'était lundi. Bah, je voulais ranger mon parasol dans le cul de la famille. Ah, ouais, mais c'était pété, ça aussi. Bah, ça avait marché. J'avais gagné. Et la télé, c'est claqué aussi. En tout cas, depuis notre retour de lundi de vacances, dans cette magnifique Radio Libre Summer Edition, Romano a gagné 2 clashs, mais rien n'est joué. Vendredi. 2 clashs à 0. Allez, vendredi, c'est le. Le triplé. Gagnant, c'est ouais. Le dernier, pas sûr. Pas sûr, pas sûr, on sait pas jamais. Sûr, hein. Ma gueule, pas sûr. Bon, merci pour tous les votes, vous avez super voté et ça fait super plaisir. Ouais, merci à tous, merci à toute la team Romano, merci pour tous les votes. Exactement. Je vous aime, I love you. Mais nous aussi, on t'aime, et toi aussi, Cédric, on t'aime, t'inquiète pas. Merci, non, merci. Non, non, non, de rien, non, non, de rien. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la roulette qui va tourner en direct sur Skyrock. Il y a une question qu'on nous posait, il y a Kader qui disait, dans l'équipe, vous avez jamais dit les drogues que vous prenez. Ah, moi, je prends pas de drogue, moi. D'ailleurs, par exemple, moi non plus. Je bois pratiquement pas. Je ne prends pas de drogue dure, voilà, on va dire. Moi non plus, c'est haram. Voilà, je prends pas de drogue. C'est interdit par la loi. Ouais, alors, Samy respecte les lois. Tout à fait. Romano, toi, les drogues chimiques, tout ça, tu touches pas. Hein. Non, jamais essayé. Jamais essayé. Non, mais je le dirais, hein, même jamais pris de coke, rien. Pareil, moi non plus, flipper. Jamais essayé, ouais. Moi, ça, je peux vous dire un truc, parce qu'on se parle entre nous. J'ai essayé ouais. Une fois, et j'ai pas aimé. Ouais, moi, j'étais avec toi. J'ai pas, évidemment. Évidemment. C'est moi qui t'ai donné ta part. Et je t'ai tout ramené. Ah ouais, non, mais j'ai vraiment pas aimé. Non, vraiment, ce truc. Bad trip, en fait, genre quoi. Non, pas bad trip, mais t'es énervé après. Et puis, comme le dit TSR Crew, 17 ans, il dit ta drogue, c'est le sport. Bah, tout à fait. Voilà, sinon j'aime pas, j'ai pas essayé ces trucs moi. Cédric. Non, jamais. T'as même pas fumé un ouinge. Ah non, je vois non plus, non. Même un joint, ça m'a. Je suis accro à la teub. Ah ouais. Non, mais. Bah, ça, c'est une drogue douce, Cédric. Dans ma gueule. Sauf quand elle est bien dure. Ah ouais. Celle-ci, elle est pas dangereuse. Bien juteuse. Et bon, Marie, on fera. On peut pas en parler maintenant, ça va être trop long. On fera la liste plus tard. Bien sûr. Trop long. Bon, on a Osem au téléphone en direct avec nous. On file dans le 91. Salut, Osem. Salut, bonjour. Bonjour. Salut Osem. Alors toi, tu t'es inscrit au 7-20-20 et t'as été tiré au sort, Osem, toi. Exactement. Ça veut donc dire que t'as envie d'aller voir Gims. Et toi, t'es à Paris, donc tu as envie d'aller le voir à Paris. Après, tu choisis où tu veux. Hein. Ouais, pourquoi pas à Paris. Bon, déjà, faut gagner les places. Je pensais à la base qu'il fallait gagner la Play 4. La Play 4 de Gims. Je sais pas s'il a un partenariat avec PlayStation. Je lui demanderai demain. Je lui demanderai demain dans le concert à Paris, c'est le 30 novembre. Allez, c'est parti. À l'Accor Arena Hotel. Allez, on fait tourner. Tous en place de concert Maître Gims. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Évidemment, premier sur Maître Gims. Ça tourne, tu dis stop quand tu veux. Et quoi dans la vie, Osem ? Comment ? Tu travailles dans ta vie, tu fais quoi ? Je travaille à la Française des Jeux. Oh, c'est bon, ça va. Est-ce que tu as les numéros du loto de vendredi? Évidemment. Ouais, non, j'ai pas ça malheureusement. Bon, par contre, on a 2 places pour Gims. Tu vas pouvoir aller voir Maître Gims à Paris. Les 2 places, okay. Elles sont pour toi. Donc tu y vas. Génial. Avec qui tu veux. Et vous pourrez tous profiter de Maître Gims ou dans la roulette si vous faites tourner et si vous gagnez. Ou alors demain soir dans Planète Rap en direct. Ouais. Vous retrouvez Gims sur Skyrock. Maître Gims merci dans Planète Rap. Merci à toi, Osem. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Et puis tu ne quittes pas, j'ai un truc à te demander aussi sur l'Euro Mignon, mais on va le faire en rentrée. Ouais, tu bouges pas, Osem. Salut à toi. Merci beaucoup, les gars, c'est cool. Eh ben, bise. Salut, Osem. Ouais, et prochaine roulette, c'est demain matin. T'as été horrible de travailler à la France des Jeux parce que t'offres plein d'argent à tout le monde. Bah, mais t'en prends pas, ouais. Non, mais le pire, c'est. Lui ou celle qui remet le chèque genre au super gagnant de l'Euro Million. Ouais. Tenez vos 75 millions d'euros. Je vois des millionnaires. Tenez vos 150 millions d'euros. La meuf, elle doit être payée normal, quoi. Ah oui, j'imagine qu'elle n'est pas payée 75 millions d'euros. Ouais. T'as pas l'amitié avec eux. Qu'est-ce que tu dis, toi, comme connerie? Je pense que le mec, il essaie de taper l'amitié avec eux, quand même, un minimum. Non mais ils veulent peut-être pas finir en prison non plus. Il vient en prison, le mec, tu viens, tu remets un chèque, tu fais le mec cool, tu fais au passage, t'en as pas un petit pour moi? Pas c'est de gratter, enfin moi j'ai le lourdeau. Ouais. Le Belge sera pas embauché à la Française des Jeux. Oui, il fera 2 jours. Même 500 000, hein, je m'en fous. Non. Oui, dans ce cas-là. Tant qu'à faire. Ouais. Oh, même 100 000, allez. Bon, en tout cas, on parle d'argent. Sachez qu'à partir de lundi, on vous offrira 1500 euros toutes les demi-heures. C'est pour la rentrée du morning, la rentrée de Skyrock. C'est lundi matin, dès 6h. Et bah, soyez là. Et puis inscrivez-vous, tiens, au 720, vous envoyez 1500 si vous voulez augmenter vos chances de gagner. Et on vous appelle lundi. Sinon, tout le monde peut gagner. On espère vous appeler lundi, vous répondez Skyrock. Quand on vous demande quelle est votre radio préférée, et c'est 1500 euros dans la poche. Oui. Allez, on salue tous ceux qui ont passé la soirée avec nous. Merci à Konari qui vient d'arriver. Qui a passé la soirée avec nous, puisqu'il nous dit merci beaucoup pour cette belle soirée, Radio Libre. Bisous, à demain. Bah oui, à demain. Hashtag Skyrock. Eh ben, salut à toi, Konari. Merci à One Piece qui était avec nous. On salue Zach. On salue Tatami qui est arrivé aussi. Hamza qui était là depuis le début d'émission. Bonjour à Rémi de la team Le Belge qui a beau avoir voté pour toi, Cédric. Ça n'a pas suffi. Si tu cites tout le monde, t'es pas sorti. Hein. Ben Escobar. si tu revois. Bon, je vais pas tous vous citer, mais Otine qui était là aussi. On vous embrasse. Adri également qui est arrivé, qui nous dit la team Romano en force. Oui, on a niqué là ce soir. Romano, oui, a niqué le veau. Ah oui, on l'a bien niqué. Et ouais, Nizo et merci à vous. Demain soir, 21h, on est là. Si vous voulez passer en émission, venez faire des cons avec nous et vous marrer en écoutant la radio. 21h minuit, c'est sur Skyrock et là, c'est parti. C'est pour c'est Priska qui arrive pour toute l'année. Ouais. Là. Et DJ Snake et Justin Bieber. Et c'est bien tout ça. Let me love you. Et bien ce morceau. Hein. Allez, c'est parti. C'est Priska, Urban Music Non-Stop toute la nuit. C'est sur Sky et à demain, 21h. Ciao. Ciao. Allez, salut. C'est la rentrée et t'as besoin d'argent. Réveille-toi avec Skyrock. The Morning Show. Dès lundi, le morning de Difool te réveille. Et pour fêter la rentrée, Difool t'offre 1 500 € toutes les demi-heures si tu réponds Skyrock. Ta radio préférée. Skyrock. Envoie 1 500 par SMS au 72020 et inscris-toi dès maintenant pour gagner 1 500 € dans le morning de Difool. 1 500 €, c'est pas possible. Oh là là, mon Dieu, merci beaucoup. Dès la rentrée sur Skyrock, 65 centimes plus coût d'un SMS. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you give up, nah, nah.

Le son de Nekfeu avec le Escrew à l'instant sur Skyrock. On vient d'écouter J'aurais pas dû, extrait de leur album Destin lié, qui est toujours dispo, vous avez pu découvrir sur Skyrock dans Planète Rap. On continue ensemble Urban Music non-stop pour vous accompagner. On va écouter Lil Wayne, on va écouter le son de la Belgique avec Shy pour PMW et une toute nouvelle nouveauté Skyrock. Donc c'est un morceau que vous avez pu découvrir là tout à l'heure, c'était dans l'après-midi dans le 16 ans avec Emric. C'est le tout nouveau morceau de Frank Ocean, nouvel album qui est dispo, qui s'appelle Blonde. On écoute le morceau tout de suite qui s'appelle Pink Plus White sur Skyrock. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move, it's the same way you showed me. Fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me. Showed me. You showed me love. Of a summer shade, nose diving the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you. Gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. Showed. You showed me love. Nouveauté Skyrock. Hey, hey, sur ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grandes de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue ici, c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort, mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne, je peux crever le monde entier. Dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Tu vas gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à deux trois heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à deux.